Salut tout le monde, c'est Sei, bienvenue à la 7ème émission des podcasts de VR for Player et on va discuter autour d'un VR. Et pour cette émission, on avait envie de fêter les fêtes de fin d'année avec vous les gars, tous les auditeurs, pour vous remercier. Il fait froid dehors, on avait besoin d'un petit peu de chaleur humaine. Et pour m'accompagner aujourd'hui, le gentil Cillon. Salut Cillon. Salut, salut Sei. Ouais, alors la dernière de Tour d'un Verre, c'est parti. C'est ça, de 2018, hein. on va pas arrêter l'émission pour autant. Ah, ça change tout alors. Pourquoi tu m'as invité ouais. Moi je voulais être invité à la toute dernière de ta dernière. Je te sens un petit peu déçu là, je te sens un peu déçu. Mais t'as re-signé alors? Bah ouais, faut croire. En tout cas, Laurent m'a toujours pas viré, donc on va rester encore pour une saison, hein, je pense. Hein, ça, c'est bien parti, donc y a pas de raison que ça s'arrête. Eh ben ça me fait beaucoup de le plaisir. C'est vrai. Oh, merci. Bisous. Voilà. Ensuite, on a le petit Spanx. Salut Spanx. Salut tout le monde. Salut Sei. Est-ce que t'as passé de bonnes fêtes de fin d'année? Ouais, franchement, bien mangé. Surtout bien mangé. C'était ouais, pas mal le petit cling derrière des bouteilles, ah. ça illustre bien tes propos justement. Mais c'était pas moi. C'était pas toi. Bon, on va dire que c'est toi quand même. Ensuite, je suis pas le seul à boire. Hein. Ensuite, on a Okami7. Salut Oka. Eh ben écoute, salut, c'est moi qui. C'est toi qui fais cling cling. Voilà, je vous ai pas attendu les gars, donc super la déco de Noël là dans les studios. Hein. Ouais, c'est pas mal, hein, t'as vu, on a rajouté des casques VR tout illuminé de partout sur des Pères Noël, c'est absolument magnifique. Mais dis-moi, c'est magnifique, ouais. C'est un peu cher quand même. Tu Skype de Réa encore? T'es encore sur Red Matter ou quoi? Ouais, non, c'est bon, c'est fini là. J'en peux plus là, j'ai passé 5 heures là. Non, je suis de retour sur Terre. Welcome back. Bon, bah, comme vous avez pu le constater, hein, ce soir on la joue roleplay, footrack complètement. Là, on va vraiment faire l'émission autour d'un verre. Avec vous les amis pour fêter cette fin d'année 2018 qui s'est bien terminée et fêter aussi l'année 2019 qui arrive. Et on espère aussi qu'elle va bien commencer, en tout cas pour nous elle va bien commencer, ça c'est sûr. Je pense qu'on a du pain sur la planche. Je sais pas ce que vous en pensez les gars. Allez-y, mais du boulot encore, en fait ça s'arrête jamais, et tant mieux parce que tu vois 2018 on a eu un petit peu peur avec la VR, puis 2019 bah ça repart, donc ça va repartir. Ah là, on voilà. A vu la seconde moitié de l'année, hein, on est confiant pour l'année prochaine. Et moi avec mon optimisme légendaire, je dirais que tous les jeux qui sont pas sortis en 2018, ils vont finir par arriver en 2019. Je pense à The Wizards, Blood and Truth et d'autres jeux. Et il y a pas de gros jeux annoncés, mais il y a des choses prometteuses comme Seeking Down, Alvo et autres. Donc on attend de voir, mais on a aucune date sur ces jeux. Hein. Ouais, il y a après, Dreams aussi éventuellement. Ouais, Dreams, on va voir ce que ça donne. Mais oui. Après, c'est vrai que sur VR, on a souvent entendu parler du jeu 10 jours avant et puis ça sort, pouf, hop, donc tant mieux. Hein. Ouais. Ah, c'était pareil pour Borderlands, hein. grosse annonce faite il y a très peu de temps. Donc, ouais, mais c'était carré quand même. Borderlands, ils l'ont annoncé 2 mois avant, ils ont donné une date, ils l'ont tenu. Ouais, alors mais ils ont fait ça pour des gros jeux, quoi. Même pour Wipeout, ils avaient fait pareil. Donc ouais. Là, il est possible qu'ils nous le refassent, quoi. En tout cas. Ouais, même si on voit pas d'énormes titres pour le moment qui arrivent. Il n'y a pas de gros triple A prévu, à part Everybody's Golf, peut-être. On n'en parle pas, ça intéresse peut-être pas tout le monde. Triple A, Everybody's Golf, sérieux? Bah, ça va, c'est une grosse licence de Sony et qui marche très bien au Japon. Ouais, triple A, je sais pas, mais en tout cas, ouais. Ah, pas triple A, mais gros jeu. Enfin, ce que je veux dire. Je pense qu'il y a pas mal de fans là-dessus, hein, mine de rien. Blood and Truth aussi. En tout cas, ce que je vois sur Facebook, sur le groupe, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui demandent ce jeu-là. Ouais, moi, j'attends beaucoup aussi. Et plus ça date, plus on l'attend et plus on a peur quand même, parce que on a vu les phases de déplacement, c'est plus ce qu'on veut aujourd'hui. Mais ça restera un très bon jeu, je pense qu'il sera varié, magnifique, il y a plein de choses à faire, bien réalisé. Enfin, je sais pas si vous avez fait The London Heist, rien que la phase d'entraînement, de stand, de tir, c'est génial, quoi. Ouais, tout se fait sur. Hein. En même temps, non, il était pas gratos celui-là, je dis une connerie, c'était sur VR World, c'est ça? Ouais, dans la petite compile, avec les 6 jeux. Okay. Bah ouais, on l'attend. Voilà. On pensait qu'il sortirait cette année encore, mais ça sera l'année prochaine. Et à mon avis, la polémique due à ses déplacements ont peut-être retardé un petit peu sa sortie. Peut-être, on espère. Ils voulaient aussi peut-être le rendre AIM contrôleur compatible, on va voir. Bon, Parce que c'est vrai qu'à la base, c'était prévu pour décembre au Japon, c'est ça? Ah non! Non? Ah! Blood and Truth? Ah ouais, ouais, moi j'avais vu décembre. Déjà, c'est un jeu anglais, donc il sortira partout pareil, et si peut-être même en avance en Europe, mais il sortira, ça sera une sortie mondiale. Et il n'y a aucune date qui a jamais été prononcée sur ce jeu. Mais ils en parlaient tellement, ils ont fait tellement de salons dernièrement que, à répéter, oui, c'est pour bientôt, que, moi j'ai été persuadé que ce serait cette année encore. Bien sûr. Pareil. On verra bien. En tout cas, podcast un petit peu particulier ce soir. On n'a pas vraiment de ligne directrice. On n'a pas fait de briefing, contrairement aux autres émissions. On est un petit peu en roue libre. C'est vrai que d'habitude, on est extrêmement travailleurs et sérieux, hein, comme vous le savez. On lit un prompteur. Hein. On lit un prompteur, ouais. On fait 10 minutes de briefing et puis vogue la galère. Là, on n'a rien fait. C'est juste histoire de se retrouver ensemble, de discuter de choses et d'autres. On peut parler de cinéma, on peut parler de littérature, on peut parler de poésie, on peut parler de porno, on peut parler d'absolument tout. Ça va être une émission complètement freestyle. On va essayer le concept. Ça ne sera pas écouté par tout le monde, je pense. Si vous attendez des informations précises et sérieuses ce soir sur le PSVR, je pense que vous pouvez directement passer au précédent podcast ou à toutes les autres émissions et passer votre tour. Et si vous écoutez quand je parle. Oui, bien, écoutez bien quand je parle. Ouais, hein, non, mais non plus. Tout le monde te connaît, Sillon. C'est plus la peine d'essayer de faire genre. Et puis, voilà, si vous voulez passer un bon petit moment avec nous, tranquille, à la cool, et ben, restez, on est entre amis. Et voilà, on va discuter un petit peu de tout ce qu'on veut. Et moi, parlerai pas de porno, moi. Hein. Arrête, mais on te connaît, Sillon, on te connaît, c'est bon. On connaît tes valeurs, on connaît tes passions. C'est dégueulasse de faire ça. Il y a des gens qui vont écouter l'émission pendant 2-3 heures et on va pas en parler une seule fois de porno, ils vont être dégoûtés. Alors du coup, j'aimerais commencer par une petite présentation de l'équipe. On va commencer par toi, Sillon, parce que tu es le plus ancien d'entre nous. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu as découvert VR4Player et comment justement, surtout, tu as intégré l'équipe? Ouais. Alors c'est une belle petite histoire parce que c'était au moment où je me tâtais pour acheter un PSVR. J'étais vraiment intéressé et je cherchais partout sur Internet. À noter que j'étais déjà en Allemagne à ce moment-là. Et il y a plein de sites internationaux en anglais, allemand, etc. Mais voilà, je voulais trouver quand même quelque chose de français. Et je suis tombé sur, un peu par hasard, j'ai vraiment l'impression, complètement par hasard, sur VR4Player.fr. Ouais. Alors je sais plus quand c'était à peu près, je crois que c'était au mois de février, hein, ou janvier, je sais plus. 2018, 2017. Oui, ça doit être ça. Peut-être avant, un petit peu avant, quelques semaines avant. À cheval peut-être sur les années. Mais il me semble que non, le site il a été mis en ligne en février, donc j'ai vraiment dû tomber dessus au moment où il commençait. Ouais, c'est bien. Et puis voilà, je suis devenu fidèle, je continuais à regarder ce qu'il mettait en article. Il y avait moins d'articles qu'aujourd'hui. Il faut pas oublier qu'à ce moment-là, il y avait que Laurent et ensuite Cyril qui écrivaient. C'est les deux tout premiers qui ont commencé à écrire. VR4Player, c'est le bébé de Laurent. Il faut bien le dire. C'est lui qui a tout fait de A à Z. Respect pour ça, vraiment. Carrément. Ouais. Cyril a vraiment aidé pour la rédaction. Je pensais qu'ils étaient potes, tu vois, vraiment. J'imaginais même amis d'enfance, etc. En fait, pas du tout. Voilà, ils ont pris contact via le site. Et comme moi, en fait, puisque moi j'étais simple lecteur au début et je mettais pas mal de commentaires sous les articles, sur le forum. À l'époque, on avait un forum. J'avais fait aussi, notamment, ce qui a été un peu le déclencheur, une review sur le Subpack, mes impressions dessus. Assez détaillé. Mais c'est vrai qu'au début, il me semble qu'on pouvait faire des tests, avait un outil, je crois, pour faire des tests, que le lecteur puisse faire des tests, soumis à relecture par Laurent et Cyril. C'est venu plus tard, ça. Hein. C'est venu plus tard. D'accord. Mais d'accord. Ouais, vraiment. Et moi, j'étais le premier recruté par Cyril, d'ailleurs. C'est lui dont mes commentaires ont attiré son attention. Et par son intermédiaire, j'ai intégré vraiment le trio de VR4Player. puisque directement ils m'ont intégré, ils ont voulu faire de moi le numéro 3, et c'est-à-dire que on discute de tout ensemble, voilà, pas un simple rédacteur lambda freestyle, et ça j'ai trouvé que c'était une marque de confiance d'entrée de jeu hyper balèze. Bah, carrément. Et forcément tu te sens encore plus responsable et tu fais encore plus gaffe. Alors voilà, j'ai fait quelques tout petits premiers articles. Mon tout premier article, c'était sur Preta, le rock-like, dungeon-like, diablo-like. Ouais. Et j'étais pas persuadé qu'il sortirait, et il est quand même venu un an plus tard. Et voilà, j'ai commencé comme ça par des petits articles. C'était très très laborieux, très très long au tout début à écrire. Il me fallait bien 2-3 jours pour écrire un article. Pour la mise en page ou juste pour l'écriture ? Non, figure-toi que je faisais absolument aucune mise en page en plus. Ah ouais, c'était uniquement la pêche des articles, des news, la correction des fautes, les images, parce que je voulais quand même mettre des images. Mmh. Et ensuite, petit à petit, je suis devenu rédacteur dans presse pour faire de A à Z mes articles. Mmh. Voilà, donc j'ai été contacté, je crois, en juin, et mon premier article a dû sortir en juillet, dans ces eaux-là, donc de l'année dernière. Mmh. Et donc maintenant, ça fait bien un an et demi que j'écris pour VR4Player, et j'ai dépassé les 500 articles, hein, un peu plus maintenant. 500 articles, ouais, putain. Pfff. Ouais, quand c'est même. Énorme, hein. C'est énorme. Ça fait rire, hein. La vache. Mm. Ouais. Félicitations à toi, Cillion. Moi, c'est un plaisir, hein. C'est aussi pour ça que j'écris. Faut bien comprendre que si je continue, c'est pas que parce que je trouve que le site a une certaine élégance entre guillemets. J'aime bien la gueule qu'il a. Il est encore pas trop chargé. Forcément, plus t'as de contenu, plus ça devient chargé. Mm. Mais voilà, j'ai tout de suite senti la patte graphique de Laurent, ça m'a plu. La verve de Cyril. Et puis simplement, c'est des gens vraiment adorable, quoi. Faut dire aussi ce qui est, et c'est ce qui tient, hein. Quand tu le sens assez vite, et avec le temps, si ça se confirme, voilà, c'est des gens bien, quoi. Ils sont normaux, ils cherchent pas, je sais pas, moi, à être connus, ils cherchent pas à faire de l'argent, c'est des passionnés, ils aiment ça. Alors, bien sûr, si en plus, ils peuvent un petit peu gagner de sous, c'est mieux, parce que ça prend de plus en plus de temps, et c'est vraiment, il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses à faire avec un site comme ça. On n'est pas très nombreux encore, même si avec vous on est devenu beaucoup plus nombreux, mais il y a de plus en plus de choses à faire. Il y a la chaîne YouTube, il y a le groupe Facebook, tout le travail de sous-marin avec les développeurs que fait surtout Cyril, par exemple. Il y a beaucoup de travail de programmation sur le site. Bon, encore une fois, les montages vidéo de la chaîne, je sais pas si vous avez regardé, enfin si les auditeurs ont déjà regardé en entier des dossiers, c'est pas des petits dossiers faits comme ça, c'est vraiment c'est du travail de fond, hein. C'est de l'information de fond, enfin, c'est un dossier. C'est du pro, quoi. Ah ouais. Tu vois la qualité graphique, le niveau d'information, la profondeur du thème, c'est pas abordé, c'est pas juste un tout petit peu comme ça passer en revue. Non, ouais. ça va à fond sur le thème, et voilà. Et moi, c'est ce que j'apprécie. C'est pas un site où t'as des articles de 3 lignes, de 3 phrases. C'est quand ça parle du jeu, ça parle du jeu. Alors t'es pas obligé de, voilà, moi l'histoire en général des jeux, ça m'intéresse pas, mais au moins j'ai l'histoire, j'ai des informations sur le gameplay, j'ai beaucoup d'images, j'ai un trailer. Même si je m'intéresse pas, je suis informé de tout ce qui se fait sur le PlayStation VR, et ça en France, on n'est pas beaucoup à le faire, en tout cas, ou peut-être aucun à le faire à ce niveau-là. Mmh. D'accord, ouais, vraiment, t'as été complètement intégré à l'équipe, les gens t'ont fait confiance dès le départ. Bah, Laurent et Cyril, ouais, vraiment, c'était pas évident, hein. C'est carrément cool, ça, en plus. C'est vrai que c'est, enfin, j'imagine mal, en fait, moi, si je devais monter un site, justement, me baser sur des commentaires d'articles, même des commentaires de forum, puis aller directement voir la personne, tenter le coup, et puis ils t'ont fait confiance rapidement, ou Bah disons que, comme dit, puisque j'avais pas accès à presse et que je me suis aussi assez longtemps refusé à éditer et à publier moi-même mes articles de peur de faire une couille. Ouais. Ça s'est fait comme ça d'une façon progressive. Mmh. Et puis c'est plus Laurent aussi parce qu'il en avait sans doute aussi marre de mettre toujours la d'appuyer sur le bouton à la fin qui m'a dit bon bah voilà tu fais comme ci comme ça et d'ailleurs si des gens veulent un jour intégrer l'équipe de VR for Player donc déjà ça se fait très facilement ça se fait bien sûr sur le test d'un article etc mais les vrais passionnés et ceux qui en veulent on les reconnaît tout de suite et surtout il y a un côté didacticiel de Laurent, il fait des vidéos pour t'expliquer comment écrire des articles. C'est enfin, boulot de fou, c'est un boulot de fou. C'est voilà, je sais pas si vous avez vu ces vidéos, mais c'est clair. Ah, quoi. On sent bien. Si tu les regardes toutes, tu sais exactement comment faire un article, le référencer, etc. De A à Z. Mmh. Donc, voilà, il y a tout ce côté donc encore une fois sous-marin dont on se rend pas compte qui représente beaucoup de travail aussi et qui est là qui a été fait et... voilà chapeau à Laurent chapeau à Cyril chapeau à moi chapeau à toi ce que j'allais dire ah bah ouais. Merci moi aimez-moi voilà, je suis le meilleur vous verrez ça à Noël et non pas à Noël mais à nos vœux. Non, voilà, je suis très content de faire partie de l'équipe de VR for Player. Je trouve que c'est un bon site. Il a ses qualités, il a ses défauts. Et c'est bien aussi d'avoir des points de vue différents. Parce que avec un triumvirat comme ça, chacun peut dire ce qu'il pense. On va dire qu'on est un peu les trois côtés de la force. Laurent, c'est vraiment la force, le bon Jedi, toujours positif. Cyril, c'est plus le neutre, un peu plus en retrait. Chaotique neutre un peu. Quand et même. Voilà. Oui, bien sûr, il est sensible comme nous tous. Et moi, je suis un peu plus au côté obscur. Je critique à fond. Je dis vraiment ce que pensent et ce que disent les gens aussi, et pour essayer de bousculer les choses, parfois avec un peu de diplomatie. Mais voilà, on est trois courants, et je pense que c'est bien d'avoir une vision globale. Mais encore une fois, c'est pas comme ça. C'est pas de noir et blanc. Hein. Laurent aussi, hein, il voit ce qu'il faut faire, ce qu'il faut améliorer. Mais voilà, lui, c'est toujours un passionné optimiste de la VR. Ouais, t'es un petit peu le Kylo Ren, en fait, du site, quoi. Ah, je préférais... je préférais le grand-père, quand même, s'il te plaît. Hein. Non, Kylo Ren, ça te va bien, quoi. Plus avec ton visage et tout. L'asthmatique casqué, quand même. L'asthmatique casqué. Ouais. Le Dark Vador, voilà. Si tu préfères, ok. Ça marche. Ouais. Un petit Boba Fett quoi. Voilà comment j'ai été introduit donc via Cyril, chasseur de tête, qui est toujours chasseur de tête d'ailleurs. Qui est toujours ce chasseur de tête, ouais. C'est clair. Et justement, la transition est faite avec Spanx. Comment t'es arrivé toi sur le site? Ah oui, alors Spanx, attention, il va expliquer, mais j'ai mis ma touche quand même. Hein. Ah vas-y Spanx. Comment ça? T'as touché Spanx? Attends quoi? Non mais parce que pareil, Spanx commentait régulièrement sur le site et je trouvais moi personnellement ces commentaires posés, voilà, c'était de bon goût et voilà, j'ai beaucoup aussi espéré qu'il intègre l'équipe et quand il l'a fait, petit à petit, voilà, enfin j'ai vraiment aussi mis mon vote à contribution sur Spanx. Bon, bah, c'était cool. Bon, bah, ouais, bah, moi, bah, c'est ça. Enfin, c'était quand, courant 2017. Je crois qu'on a découvert, ça devait être mai, peut-être, mai, juin, que j'ai découvert le site, par hasard. Parce que je cherchais des infos, j'étais à fond, j'étais mort de faim de la VR. C'était dans les premiers mois, il y avait rien à se mettre sous la dent. Donc, on fouinait tous, à chercher les nouveautés. Puis à force d'écrire, à force d'écrire VR porn, t'as mis une fois VR player par hasard. C'est tout à fait par hasard. Non, je cherchais VR porn player et je suis tombé sur VR player. Donc, c'était pas. Non, mais puis je suis tombé sur le site. Du coup, franchement, je lisais les articles. Ça se voyait que c'était du travail de passionné. Et puis, je trouvais que c'était cool. C'était le seul site en même temps où il y avait ça. Donc, je me suis vite mis, je me suis inscrit, j'ai beaucoup commenté. J'ai invité Saïa à en faire de même. Après, on est devenu accro au site, on y allait tous les jours. C'est vrai. Et puis, pareil, après, plusieurs mois plus tard, c'est Cyril qui m'a contacté. Donc, on a commencé à faire connaissance, tout ça. Puis, j'ai commencé à faire, à essayer de faire des articles. Je crois que mon premier test, c'était Doom sur le site. Ah oh, ouais, c'était 7,5, bon. Non, mais en fait, c'était une bonne note. 7,5-8. Il avait des défauts. Mais il reste bon. Voilà, puis au fur et à mesure, je crée un article. Bon, j'en ai pas fait autant que toi, hein, j'en ai pas fait 500 là, des articles. J'en ai fait 40, je crois. Mais bon. C'est pas mal déjà. J'en fais un peu moins, mais bon, j'essaye de temps en temps. Faut quand même beaucoup de motivation, comme dit. C'est extrêmement comme disait Sion, tout à l'heure en plus. Les premiers articles, tu mets énormément de temps, énormément. Après, quand t'as plus d'inspiration, ça va plus vite, mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui prend du temps. Bah, c'est presque un boulot en fait. Pas forcément compte. Ouais, voilà, c'est un deuxième boulot. En fait. Ça prend beaucoup de temps. Dès que t'as du temps libre, des fois, au lieu de jouer, on va se sacrifier, on va faire des tests ou des previews, même si on en a pas forcément envie. Enfin bon. Donc je continue un petit peu je continue un petit peu donc l'histoire. Donc au début je faisais quelques tests comme ça. Et puis maintenant après on s'est un peu plus rapproché avec l'équipe courant de l'année, cette année-là, là. On va dire au milieu de l'année. Je pense qu'il y a Firewall qui nous a pas mal rapprochés aussi. Où on a pu enfin plus tous discuter de vive voix, ce qui n'était pas trop le cas avant. Maintenant, on le fait beaucoup plus, même grâce au podcast. Mais précise quand même, hein, Spanx, que je ne fais pas partie de l'équipe de Firewall. Non, toi, t'es un ennemi. Ouais. Donc, moi, j'ai galéré. Voilà, donc toi, t'es avec Kirby. Ouais. Vous êtes des ennemis jurés. Vous avez sorti dès le premier match, hein, mon enfoiré. Deux fois. Je m'en souviendrai. De ton rush dans le couloir. Ouais, d'ailleurs. Joli. Ouais. Et vous nous avez volé une victoire. On va pas revenir dessus, mais c'est vrai qu'on est quand même très très fair play. Ouais, très très fair play, c'est clair. C'est clair. Ouais. Bref. Non, mais quand on voit les plays après que vous faites avec Herbie, il y a du niveau, donc c'est mérité, hein, c'est clair. Merci beaucoup. Du coup, je t'ai coupé, Spanx, mais tu peux reprendre, hein, désolé. Ouais, puis j'ai pas commencé au début de l'histoire. Moi, la VR, au début, je connaissais pas du tout. Et je côtoie souvent Sei, c'est un bon pote, donc il m'en parlait, il me disait la VR, nia nia nia, la VR, j'ai essayé, c'est bien, je m'intéressais pas du tout, mais franchement, ça me. Après, une fois, je suis allé chez lui, donc enfin, il a craqué pour le PSVR, je lui dis, mais t'es fou, t'as mis 400 balles là-dedans et tout. Même plus que ça, hein, avec les moves, non, les moves, ouais, voilà, après, voilà, plus la caméra. Mais t'avais acheté le casque nu 400€ et je me disais, mais waouh. C'est un sacré investissement, ça. Enfin, je m'en rendais pas compte en fait. Et après, j'étais venu chez toi, je l'avais essayé. Bon, la première fois, j'étais peut-être pas en super condition, j'ai quand même bien apprécié. Mais c'est vrai qu'une fois, on a fait une soirée chez moi, là, il l'a ramené, et puis j'ai vu que ça fonctionnait super bien chez moi. Dès le lendemain, j'en voulais un, et j'ai craqué. Vous pouvez demander à Sei, j'en ai chié pour l'avoir. Et je l'ai eu le 24 décembre 2016. Il est en pénurie partout. Et merci la Fnac sur ce coup-là. Voilà. Ils me l'ont fait en 24 heures, alors que le truc il était en rupture partout. Enfin, bref. Et à partir de là, je suis tombé accro quand même à la VR. Puisque j'étais jusqu'à acheter un casque pour le PC aussi, le Black Friday de l'année d'après. Parce que j'en voulais plus, quoi. Mais bon, plus de cette année, on a été bien servi, hein, les jeux. On a été mieux servi quand même. Cette année-là. Ça donc t'as deux casques, toi, alors, hein. T'as un PSVR et un WMR, le nouveau. Ouais. Alors attends, qu'est-ce que tu dis? C'est des Windows Mixed Reality. Ouais. Juste pour info, tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi il y a six casques différents sur Microsoft. Qu'est-ce qui est... Parce que moi, tu vois, je vois ça de loin, hein, les Windows Mixed Reality. T'as pas trop suivi, ouais. Tu peux nous expliquer, ouais, un petit peu. Tout simplement, en fait, c'est C'est Microsoft qui a donné un peu sa technologie pour développer ces casques. Et ils ont, je sais pas à quel niveau ils ont voulu s'investir, mais ils ont donné leur technologie pour développer toute une série de casques en collaboration avec des avec des marques comme HP, il y en a, enfin Samsung, Lenovo. Il y en a d'autres qui sont moins connus, qu'on voit pas trop. Il y a un Asus, si je dis pas de conneries, qu'on voit pas trop, qui a un design un peu plus futuriste. Il y en a un autre, là, un Fuji, je me rappelle plus de la marque, qui est sorti qu'en Asie, je crois. Même le Samsung n'est pas sorti en France, d'ailleurs. Alors que très c'est bizarre, un des meilleurs. C'est l'un des meilleurs. Ils ont fait ils ont fait l'Odyssey, puis là, ils ont sorti l'Odyssey Plus, qui est encore au-dessus, qui est encore un petit peu mieux. Et pour savoir si tu nous quittes tout de suite, Spanx, tu préfères quel casque, alors? Alors franchement, tu sais quoi, honnêtement, j'ai tellement de problèmes avec mon casque sur PC, il y a tout le temps des galères. Alors que quand je mets mon PSVR, il marche tout de suite. Je m'emmerde pas, ces derniers temps, je préfère jouer au PSVR. Je dis, après, les contrôleurs, ils sont moins bien sur la PlayStation. Normal, les PS Move, il n'y a pas les sticks. Mais sur PC, c'est pareil. Vous pouvez demander à Sake, il y en a un aussi. Il y a plein de jeux qui n'utilisent pas les joysticks. Moi, personnellement, ces contrôleurs me vident mes piles à une vitesse phénoménale. Enfin, les piles rechargeables, ça, c'est pas compatible. Il y a plein de défauts. Hein. Enfin, franchement. T'es sérieux, tu peux pas mettre des piles rechargeables? J'en ai, ça les a tuées. Ouais, ça me les a. Franchement, elles se vident super vite, quoi. Ouais, alors qu'elles sont toutes neuves, j'en ai acheté plein. Tu peux mettre des batteries, quand même, non? Non, même pas. C'est que de la pile. C'est que de la pile ou de la pile rechargeable. Non, c'est meuf. Ah, c'est de la merde. De toute façon, après. Tu peux le dire. Alors non, c'est complètement incompatible. Par exemple, les manettes de Xbox One. Franchement, vous mettez deux piles dedans, vous pouvez jouer des. Franchement, c'est un truc de fou avec ces manettes. Xbox, c'est de la magie, hein, de toute façon. Tu joues pendant 24 heures limite. Enfin, c'est vraiment, tu joues très longtemps. Ah, même plus que ça. Elles sont super optimistes, enfin, c'est super bien. Les contrôleurs WMR, c'est pas la même. Ouais, donc, plein de soucis, t'as des jeux qui. Je finis ça vite fait. Ouais. Sur Steam, il y a pas mal de jeux qui sont pas compatibles officiellement avec ces casques-là. Qui fonctionnent quand même. Qui fonctionnent quand même par SteamVR, parce que SteamVR a permis ça. Mais c'est pas une compatibilité qui est. Totale. Qui est total, et ça se passe par les contrôles, par certains petits trucs, quoi. Donc c'est un peu chiant. Ils sont bien, ces casques, hein, qualité-prix, c'est de la bombe, hein, mais. Pour résumer, c'est des. Ouais, voilà. T'as un éventail de jeux et d'expériences qui est énorme sur PC. Si t'as un WMR en plus, tu peux jouer donc avec les trucs directement qui sont sur Windows Store. Je crois que t'en as pas parlé, parce que c'est un peu une blague, hein. T'as les jeux aussi qu'il y a sur Oculus et t'as les jeux qu'il y a sur Steam. T'as trois plateformes. Et il y a le porno aussi. Hein, et le porno, mais ça, j'ai pas essayé encore. Et t'as ça aussi le Epic Games. Donc là, je vous dis, hein, y a Subnautica, on a déjà parlé en podcast, qui est gratos sur Epic Games jusqu'à ce soir, je crois. Donc vous êtes baisés. Et du coup, il fonctionne avec le Epic Games, avec la plateforme qu'ils ont mis sur PC, et le WVMR fonctionne nativement dessus. Voilà, faut le savoir. Donc ça, c'est le côté vraiment cool du truc. Le problème, c'est qu'on est sur PC, qu'il y a beaucoup d'expériences ou de jeux qui sont pas ultra optimisés pour tel ou tel casque, et que quand tu commences à bidouiller et de rajouter des couches et des couches de logiciels qui sont là pour traduire en fait le fonctionnement de chaque casque, et bah forcément, si tu as une config un peu moyenne, et ben t'oublies complètement. Si t'as même une bonne config, et ben des fois ça bug, même très souvent ça bug en fait, vu qu'il y a une superposition de logiciels, et ben du coup tu te retrouves à devoir galérer, à essayer de trouver des solutions alternatives. Et voilà, c'est ça le gros problème en fait du casque WMR sur PC, en tout cas sur d'autres plateformes même que le Windows Store, c'est que t'es obligé de bidouiller tout le temps pour que ça fonctionne. Après, qualité-prix, voilà, parce que si tu compares avec le HTC Vive qui vaut 800 euros. Alors c'est facile, parce que le HTC Vive, tu auras les mêmes problèmes sur le Oculus Store, de toute façon, c'est ça, Paris Vive. Donc tu auras accès à, voilà, il faut les voir, hein, les contrôleurs, on n'en parle pas, hein, du contrôleur des HTC, c'est de la merde. Hein. Ah, c'est de la merde, d'accord. C'est de la grosse merde. Hein. Là, il n'y a même pas de stick, en fait. Hein. C'est tout du trackpad, elles sont énormes, franchement, elles sont pas ergonomiques. Celles de l'Oculus sont bien plus intéressantes, d'ailleurs. Mais voilà, après, si tu as l'Oculus, c'est pareil, tu es fermé à beaucoup de jeux. Alors, à énormément de jeux sur Steam. Mais après, t'as l'optimisation qui va bien sur l'Oculus Store. Donc, en fait, t'as pas le casque parfait, quoi. Sur PC, t'as t'as pas un casque qui va fonctionner super bien sur tout. Tu pourras pas jouer à tout. Mais globalement, voilà. Si t'es un petit peu bidouilleur et si t'aimes bien l'univers ordinateur PC, Windows, je trouve que effectivement le WMR c'est quand même le meilleur rapport qualité-prix. Moi je sais que le mien c'est un HP. Je l'ai touché à 200 balles en promo. C'était quand, Spanx? T'as plus la mémoire des dates que moi, je sais plus. Ça fait bien 9 mois hein, que tu l'as. Hein. Ouais, ça fait ça, à peu près 9 mois, presque, ouais, presque entre un an et 9 mois à peu près. Et, vers Seeking Dawn, ouais. Ouais, Seeking Dawn, exactement. Sur PC, et, enfin sur Oculus même. Et en fait, pour 200 balles, et ben, putain, t'as un truc qui a vraiment une meilleure résolution que sur... PSVR, ok, la résolution fait pas tout, mais n'empêche, ça te rajoute une finesse dans les graphismes qui est pas, enfin qui est pas à mettre de côté. Et puis, puis voilà quoi, t'as un éventail, t'as trois plateformes de jeux quoi, et bientôt quatre hein, avec je te dis le Epic Game Launcher, t'as grave des jeux qui fonctionnent dessus. Si tu veux, plus le porno, hein, je pense à Sillon. Et donc avec tout ça en fait, eh ben je pense que pour 200 balles c'est une très très bonne alternative, plus qu'un HTC Vive ou un Oculus Rift qui sont peut-être de meilleure qualité au niveau hardware mais qui sont plus bridés quoi. Ouais, parce qu'après t'as des avantages hein, le tracking il est peut-être pas ultra bon mais il est pas bien moins mauvais que celui du PSVR et tu te prends pas la tête, t'as rien à brancher, enfin tu branches ton machin, c'est plug and play, ça marche direct hein. Ouais. Il y a quand même des petits côtés pratiques avec ce casque. Et à ce prix-là, t'as pas un bundle Astrobot, Wipeout et compagnie. Hein. Non, j'ai aussi les jeux. Non, mais t'as raison. Ça fait aussi partie des plus et des moins entre les casques PC et les PSVR. C'est que t'as des jeux vraiment faciles à prendre en main et qui fonctionnent tout de suite. En fait, déjà, t'as le confort d'utilisation, évidemment. Et sur PC, t'as quand même plus. Il y a beaucoup plus de room scale. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Spanx. Le room scale, ouais, c'est un truc qui m'emmerde. Moi, ça me fait chier. Ça dépend des jeux. Après, ça dépend plein des jeux. Mais en règle générale, en fait, avoir un stick dans les doigts et être obligé de te retourner et t'embrouiller dans tes fils pour jouer à des jeux PC, je trouve ça un petit peu dommage, quoi. Moi, j'aime pas non plus. Hein. De toute façon, ça me manque. J'aimerais bien pouvoir jouer dans une grande pièce, s'y mettre, me perdre, être à quatre pattes, chercher des trucs. et je parle pas du porno. Faut une sacrée place pour jouer comme ça. Et je pense que les jeux, ils peuvent proposer les deux. Ils ont juste à te proposer les déplacements libres, c'est tout. Mais c'est ça. Et voilà, c'est celui qui veut jouer en room scale, il joue en room scale. Celui qui veut pas jouer en... Enfin, vraiment... Regarde sur près, sur PC, t'as des sticks, tu pourrais tourner à droite, à gauche. En plus, c'est bien reconnu. Tu ne peux pas, t'es obligé de vraiment jouer en room scale. C'est-à-dire que de te déplacer comme ça... Si on continue la parenthèse room scale, je trouve quand même sur PSVR, il est quand même trop juste. Vraiment. Il est vraiment juste. Ah oui, d'accord. Là, il y a quand même pas à chier. Il manque bien un mètre de chaque côté, quoi. Juste, il y a Okami qui veut parler depuis tout à l'heure. Ouais, je suis là, hein, les gars. Je picole dans mon coin. Je vous écoute là depuis tout à l'heure. De toute façon, j'ai pas le choix. Mais on a Super Hot VR là qui exploite bien justement le room scale. C'est un peu juste. Voilà. Mais c'est un bon début. Après, de là à se balader, faire 3-4 pas dans son salon à gauche, à droite, il faut quand même avoir de la place et la possibilité de le faire, quoi. C'est toujours le même problème, hein, c'est que c'est pas une question uniquement de hardware ou même de soft. C'est faut juste avoir des mètres carrés, quoi. Ah, mais espèce de paysan de la VR, non, mais c'est pas possible. Hein. Paysan de la VR, moi j'habite à la campagne, mec, ok. imagine, si t'achètes un PSVR, t'es à Paris, tu joues dans ton 9 mètres carrés, t'as tes meubles, ton lit, tu fais comment? Bah tu choisis, hein. Tu déménages ou tu joues à la VR. Hein. Ah, ouais, tu déménages. On est devenir un provincial. Oh, je rigole. Quelle horreur. Bah, oh, t'habites pas à Paris. Non, non, je te dis, je suis campagnard, moi. Je suis en Isère, voilà. Bon, Camille, tu as gagné. On s'intéresse à toi. Comment tu es venu dans l'équipe? Attends, c'est qui le patron là? Spanx, tu as terminé, mon ami? Ouais, je pense que. Ok, Missette. Vas-y, je peux y aller. J'ai tout dit. À la vôtre. Ça marche. À la tune. Bon, voilà, j'ai les lumières là. Je vais pas faire trois plombes. Comment je suis venu, comment j'ai connu déjà VR Player, VR4Player.fr. Je dirais que c'est le hasard, hein. c'est en discutant à droite à gauche avec des amis, hein, qui, parce que tu vois, le problème, c'est quand tu obtiens le casque, enfin, moi, ça me l'a fait. J'ai acheté le casque après que des amis m'en ont parlé en disant que c'était vraiment génial, super, etc. Je suis tombé sur une bonne promo, pareil, à 200 balles en occasion. Je me suis dit, allez hop, je me lance. Et là-dessus, c'est que tu te ramènes sur le store, tu sais pas ce qu'il y a, tu sais pas ce que vaut les jeux, tu regardes, t'as pas de test. Et là, j'ai des amis qui m'ont dit, mais dis-moi, va donc sur vr4player.fr, tu vas avoir des news, tu vas avoir des articles, tu vas avoir savoir tout ce qui se passe en temps réel un petit peu sur la VR. Donc j'ai été dessus et effectivement ça te permet d'avoir des tests et de savoir entre guillemets ce que tu vas acheter. Parce que voilà, quand tu claques 20, 15, même 5 ou 10 euros, bah t'as toujours envie de savoir là où tu vas investir ton argent. Je sais pas ce que vous en pensez d'ailleurs. Complètement d'accord. Voilà. Et donc là-dessus, si tu veux, je me suis parallèlement inscrit à la page Facebook du site et j'avais vu une annonce où c'était marqué recherche testeur ou rédacteur ou autre. Et donc, si tu veux, moi j'étais rentré directement en contact avec Laurent pour un petit peu lui proposer mes services de rédacteur. Par contre, si tu veux, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, moi, je veux bien faire des tests. Déjà, je veux de l'argent, c'est ça que t'as dit, hein? De l'argent. Et là, Laurent, il m'a dit, non, tu fais fausse route, mon gars, c'est pas chez moi que t'auras du pognon. Donc, on est resté en froid pendant 2-3 mois, et non, je plaisante. On fait tout, voilà, c'est, bref. Et donc, si tu veux, je lui ai dit, bah, écoute, moi, je sais pas trop où on va aller, j'ai pas forcément d'avis, mais ce que je vais faire, c'est que là, j'ai un jeu, c'est Gungrave. Gungrave que je venais d'avoir en version japonaise. D'ailleurs, j'ai écrit ma preview dessus et je lui ai dit, écoute, moi, ce que je fais au niveau du deal, c'est que je t'écris un article et on va voir si ça te plaît. Si ça te plaît, bah écoute, pourquoi pas. Maintenant, si jamais, voilà, ça te satisfait pas, tu trouves que mon écrit n'est pas à la hauteur de ce que t'attends, bah écoute, je passe mon chemin et je pense que tu trouveras d'autres personnes qui seront dévouées. Donc là-dessus, j'ai fait ma preview, j'ai écrit, sauf que parallèlement, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était il y a à peu près 7 mois et je venais d'avoir un petit garçon. Sauf que moi, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, écoute, moi, le problème, c'est que je veux bien faire des tests. Par contre, ce sera pas tout de suite, dans la mesure où j'ai pas un univers qui est propice pour le moment à l'écriture, à la concentration et passer du temps sur les jeux, quoi. Parce que forcément, je pense qu'on le dit pas assez souvent au niveau des membres de VR Player, mais on a quand même une vie de famille. Moi, j'ai 4 gamins, donc forcément, ça prend du temps. Un petit commentaire, les gars, non? Non, je suis d'accord, moi j'ai un gosse et je m'en sors pas, donc je ne juge pas. Je m'attendais à un clapement de doigts, super, félicitations, bien, non, bon, ok. Just clap, non, mais... non mais respect, hein, la double vie c'est compliqué à gérer. Hein, ah oui, carrément. Hein. Ouais, je suis d'accord aussi. Ah mais deux femmes qui ne le savent pas, tout ça c'est... C'est ça, compliqué. Double vie, ouais, évidemment, c'est... Deux téléphones portables, deux Facebook... C'est la merde, c'est voilà. T'es grillé, donc, mec. T'es grillé, t'es grillé. Vas-y. Mon chéri. Bonjour, Jennifer. Ah non, merde, c'est pas toi, putain, Sandrine. Oh putain, comment elle s'appelle déjà. Donc voilà. Et puis parallèlement, j'ai Cyril qui est rentré aussi en contact avec moi. Alors je précise, hein, professionnellement et par mail. Oui, pour justement me relancer sur. Comment lancer des légendes. C'est comme ça qu'on fait. Voilà. Et aussi, tu t'es fait introduire par Cyril, donc. Voilà, c'est ça. Et apparemment, il a bien aimé. Salut Cyril. Voilà, donc, parce que j'en étais avec toutes ces conneries. Donc, on m'a proposé justement plusieurs tests, dont 18 Floor, Anamorphine, qui à l'époque devait passer en compatibilité VR. Ouais. Et je crois que c'est tout. Donc, j'ai bossé dessus. Malheureusement, ça n'a pas été diffusé. Quel jeu? C'était Anamorphine, parce que pour l'instant. Ah, ouais. Non, mais elle fonctionne toujours pas sur PSVR et même sur PC. Je crois que je suis à 2 heures de jeu sur Steam pour Anamorphine. Je devais faire la preview PC et j'ai jamais dépassé la première image du jeu. Alors, tu vois, je te rassure tout de suite. J'ai envoyé un mail aux développeurs. Ils m'ont répondu en disant pour le moment, on est occupé et ne l'attendez pas de si tôt. Bon, ça veut super. Tout dire. Super. Voilà. Et donc j'avais fait 18 Floor d'ailleurs, où il va y avoir des DLC de prévu dans 2 semaines maintenant, avec l'ajout de 2 étages supplémentaires. Et dorénavant, je pourrais approfondir mon test, qui, je le rappelle, n'est jamais sorti. donc j'ai bossé là-dessus parallèlement, et un beau jour j'étais au boulot, il y a Laurent qui m'envoie un message, qui me contacte et qui me dit ouais, on a discuté avec les gars, donc alors les gars, vous allez me dire, je sais pas qui c'est, hein, est-ce que c'est vous qui a voté pour moi, mais apparemment vous avez voté pour que je puisse intégrer officiellement l'équipe de VR4Player. Moi je te rassure, j'ai pas voté pour toi, mais en aucune façon quoi. Et moi je m'en foutais. Okay. Ouais. Non, mais tu sais ce qui est bonheur là-dessus, c'est que en plus, bon, ce qu'il faut préciser aussi, c'est que on n'est pas à la base une bande de potes. Je veux dire, on s'est quasiment jamais vu de visu. On sait par internet, par et donc le problème, c'est là, tu vois, le malaise qui s'installe. Est-ce qu'il rigole ou pas? Oh, mais bien sûr, on rigole, ok, Camille. Enfin, Flo, tu le connais maintenant. Donc tu vois, bon bah du coup, bah fin de communication, je vais me coucher. Bonne soirée, bon courage les gars pour l'avenir. bonne ambiance hein, dans ce podcast, hein, c'est cool. Ouais. Franchement, j'en ai pas le souvenir pour être vraiment tout à fait clair. Et c'était plus Laurent et Cyril à ce moment-là qui regroupaient les nouveaux, parce que. Moi je suis un peu plus individualiste sur les news aussi, il faut dire ce qui est. Et franchement, je sais pas, Florian, je sais vraiment pas. Et peut-être, écoute, c'est possible, hein, puisque un côté obscur, c'est possible que ton test de 18 Floor était pas bon. Il faut être clair. Moi, mes premiers, j'ai plein d'articles qui sont pas bons. J'ai plein de vidéos qui sont pas bonnes. Donc, ça veut rien dire. Mais le jeu n'était pas sorti, donc on l'avait pas sorti à ce moment-là, et je crois que, patatras, quand le jeu est sorti, on t'a oublié. Ah mais non, mais en fait, sur 18 Floor, c'est pas compliqué, c'est qu'on est arrivé sur les périodes de vacances, et en fin de compte, tout le monde est parti, il y a eu un moment de... Exact. J'étais seul au mois d'août. Ouais, c'est ça. Voilà, Cyril, il m'a dit, j'ai complètement zappé, sauf que ça faisait, je crois, 3 semaines ou un bon mois que j'avais fait le test. Et il m'avait dit, bah écoute, vu qu'à l'époque, parce que c'est là où les devs sont vraiment exceptionnels, c'est qu'ils avaient prévu des mises à jour rapides. Donc Cyril m'avait dit, bah écoute, vu qu'il va y avoir une mise à jour rapide avec des niveaux supplémentaires, bah, on va attendre ces niveaux, on va les intégrer, on va remanier ton test. Et à la limite, je dirais, c'est pas plus mal, parce que quand on voyait un petit peu le truc que j'avais fait, c'était pas terrible. Parce que c'était ma première vidéo en plus. Bah, les devs de 18 Floors, ils étaient surtout exceptionnellement menteurs. Rappelle-toi qu'il n'y avait que pas deux menteurs, niveaux. Hein. Ils arrangeaient un petit peu la vérité. Ah, il y a eu une grosse polémique là-dessus. Hein. Ça a fait rager Reddit, mais grave. Et c'est normal. Hein. Non, ouais, ouais. Tu sors un jeu, ça s'appelle 18 étages, et tu mets 2 étages. T'as 2 étages. Et dans la description officielle du jeu, c'est marqué que tu auras les 18 étages. Mmh. C'est ça, oui. Surtout. Hein. Ils ont même dit, alors si mes souvenirs sont bons, que tu as les 2 étages qui étaient, je sais plus, les 2 premiers avec le train, et qu'en plus tu aurais une forêt plus autre chose derrière, et que ça allait arriver rapidement. Sauf que le jeu, il est sorti, je crois, il y a 6 mois, un truc comme ça. Mais le DLC prévu avec au moins 2 étages en plus va arriver au mois de janvier. Il n'y a pas encore de date précise. Et normalement, ça devrait être gratuit. Normalement. On verra. Mais j'ai pas envie qu'on s'avance trop là-dessus, parce que à chaque fois, après, on est déçu et puis on nous traite de menteurs. Donc, oh, tu verras. On va éviter. Ouais, de toute façon, on verra. Après, je sais que c'est Winking Entertainment qui... Winking, ouais, c'est les éditeurs, Ils sont actifs, hein. Ils sont très actifs. Très, très, très actifs sur la VR. Mm. Franchement, très, très bon. Et donc, pour continuer, si je vous ennuie pas trop avec mes discours. Mais du tout. Bon thème, okay. C'est super, c'est génial. Ça me vas-y, Bayrou. Donc je disais que alors après t'avais le deal de Cyril, parce que bon, tu vois, c'est toujours un petit peu les PS où tu sais, les inscriptions qui sont en miniature quand tu t'achètes un truc, il me disait voilà, tu deviens membre officiel, mais si t'acceptes, ce serait bien de faire un article de temps en temps. Donc ça, parce que à la base, faut le préciser quand même, qu'on m'avait demandé de faire un test écrit Ensuite, on m'a dit, bah, ce serait bien que tu fasses de l'écrit et de la vidéo. Et après, on me dit, bah, ce serait encore mieux que tu fasses de l'écrit, de la vidéo et des articles. Moi, à la limite, dans un premier temps, j'ai dit, ouais, pas de souci, machin, il y a, ouais, bon, on fait ça. Et puis, là, j'en parle à madame qui me dit, attends, tu te fous de ma gueule. Non, tu te fous de ma gueule. Mais non, chérie, je t'aime. Ouais, mais tu te fous quand même de ma gueule. Et donc, si tu veux, finalement, c'est bien passé. Enfin, bien passé, oui et non, parce qu'au début, bah, comme tu le soulignais, Cyrillion, c'est que c'est ultra chronophage. Ouais. Tu commences, parce que oui. Alors, c'est vrai que je me perds un petit peu dans ce que je dis. Sauf que, au début, en fin de compte, je faisais un brouillon, je le balançais directement à Cyril, qui remet en page, qui mettait les photos, etc. Sauf que derrière, il y a Laurent qui m'a dit, bah écoute, maintenant que t'es membre officiel, bah, ce que tu vas faire, c'est que je vais te donner les accès en tant qu'administrateur au site. Tu vas créer toi-même tes articles, tu vas mettre toi-même tes photos, et ensuite tu soumettras ça à lecture à l'ensemble de l'équipe pour validation. Sauf que, bah, quand tu commences à aller sur un site internet que tu ne maîtrises pas, j'étais complètement perdu, tu commences à insérer des blocs de texte, des images, des vidéos, des liens, etc. Moi, je vous cache pas qu'il y a 6 mois, je touchais pas un PC. J'étais content, quoi. Tu t'es adapté super vite, j'ai l'impression. Hein. Oui. Alors, ouais, parce que derrière ça, j'ai pris énormément de temps perso. Ouais. J'ai l'impression qu'en une semaine, voire 2 semaines de temps, en fait, tu maîtrisais déjà le truc. Alors après, je le souligne jamais assez, tu vois, tout à l'heure, là, c'est Cyrillion qui disait qu'il parlait de l'homme de l'ombre. Moi, j'ai la femme de l'ombre qui va faire 80% du boulot. Là, j'en profite d'en parler un petit peu parce que c'est vrai que je la mets jamais en avant. Là, le problème, c'est que la possibilité de faire mes tests écrits, vidéo, à l'avenir, d'accélérer mes articles, d'être à la recherche de news, c'est en partie grâce à ma conjointe. Et heureusement qu'elle est là aujourd'hui pour pouvoir être actif sur le groupe. Hein. On va changer ton logo, alors Okamet, tout ça. Okamet, ouais. Okamet, ouais, pourquoi pas, ouais. Bah, merci beaucoup, la femme d'Okami, la femme de Flo. Amaterasu plutôt, non ? C'est ça, Amaterasu. Et donc voilà, elle nous écoutera et elle vous fera un bisou par correspondance. Et ben on te fait un gros bisou aussi. Merci à toi. Et merci à toi, Flo, de nous avoir rejoints. Bon, j'aurais juste, en tant que membre fondateur, n'est-ce pas, de VR4Player, juste quand même dire une chose quand même sur ce que vient de dire Florian. C'est que, contrairement à d'autres sites, nous, on n'oblige à rien. Hein. Il y a aucune obligation, hein. Chacun est libre, c'est un blog, hein, VR4Player. Chacun est libre de faire ce qu'il veut et ce qu'il peut, et c'est dont surtout il a envie, ça reste toujours une passion. Et on n'a jamais obligé qui que ce soit, hein, mais j'étais bien compris, hein, Florian, à écrire tant d'articles. On n'a jamais exigé que vous ne, par exemple, que vous ne mettiez pas de vidéos sur votre propre chaîne. Enfin, ça, c'est des trucs que ça nous passe à 100 000 à l'heure au-dessus, quoi. Donc, chacun porte sa pierre selon la taille qui peut, quoi, tout simplement. Et l'émission pendant laquelle on parle, là, le podcast autour d'un verre, c'est la création 100% de Sei. Hein. Qu'on soit clair, c'est lui qui a eu envie de la faire. Et c'est lui qui maîtrise de A à Z cette émission et il en fait ce qu'il veut. Et si demain il veut l'arrêter, il l'arrête. Et s'il veut la changer, il la change. Mais il n'y a pas de raison. C'est ça. Donc, voilà. Exact. Chacun amène vraiment ce qu'il veut en fait à l'édifice VR4Player. L'édifice, c'est un gros mot et extrêmement pompeux, hein. Mais c'est vrai que du coup, on a tous des sensibilités différentes, on a tous envie de faire quelque chose de différent, on a tous le temps de faire des choses différentes et l'envie aussi de le faire, hein, finalement. Il y a une ligne éditoriale vis-à-vis du fait qu'on a quand même des petites règles. Pas être trop trash, on sait qu'on a un public de tous âges et qu'il y a des très jeunes, comme il y a des anciens, comme il y a tout le monde en fait. On doit essayer de plaire à absolument tout le monde en fait, on doit choquer personne. Et pour être très clair, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de choses comme ça chez nous. Mais moi, j'ai déjà été censuré par Laurent sur des articles. Je voulais me lancer dans des articles un peu plus trash, sur des sujets un peu plus polémiques. Comme le porno, j'avais un article que je préparais là-dessus. Il m'a dit t'es gentil, on va pas faire ça. Et en fait, il a raison. On peut pas écrire sur tout, même de façon complètement, même si c'était clean quoi. Ça passe pas quoi. Ok, Camille. Ouais. Ouais. Non, bah Cyrillion, du coup, si t'as encore ton article, je suis preneur. Parce que moi, j'aime bien le porno. J'ai quand même fait un article sur les jeux érotiques sur PSVR, et c'est celui, tenez-vous bien, qui est le plus régulièrement regardé. Oh, sans bec. Ouais, mais ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Tu sais, il suffit que tu regardes PSVR en général, pas PSVR, mais VR en général, le premier truc, c'est porno. Et d'ailleurs, j'avais regardé un reportage sur les sites, les acteurs porno, enfin bref, tout ça, toute l'industrie du porno qui s'était intéressée à la VR parce que c'était le domaine numéro 1 du marché. VHS a fonctionné pourquoi ? Grâce au porno. Le DVD a fonctionné pourquoi ? Grâce au porno. Internet a fonctionné pourquoi ? Grâce au porno, la VR fonctionnera pourquoi ? Ouais. Grâce au porno. Et je pense que la qualité graphique, la qualité vidéo des caméras s'améliorera grâce au porno. En VR, hein ? Oui, non, mais bien sûr. Et au clip, parce que quand même, je garde une certaine foi en l'espèce humaine, il y a quand même des clips qui sont déjà disponibles aussi en expérience sur le PS Store qui sont plutôt cool, hein. Il y en a un, je sais plus comment il s'appelle là. C'est un espèce de groupe en noir et blanc qui joue. Ils sont quatre. Grenan. Tu dis comment? Grenan. Le clip qui est sorti sur PlayStation VR là. Ouais, il y a 4 mois à peu près, je crois. Vous l'avez vu ce clip, semble-t-il? Je l'ai vu. Les graphiques, enfin la vidéo, elle est de super qualité. C'est bluffant. Ah mais la musique, les deux chansons sont. Moi j'aime pas du tout. Moi j'aime bien. Ah bah bon. Ouais, c'est un peu brillant. Mais les vidéos, mais waouh, ça n'a rien à voir avec le violoncelliste. Hein. Y a un gap qui s'est fait là en quelques mois. Et par contre, techniquement, tu vois, je trouve que le violoncelliste est beaucoup plus bluffant. Bah faudrait que je le revoie. Joshua Bell. Parce que c'est vraiment, t'es dedans en fait, un espèce d'effet room scale justement, et t'as deux objectifs ou trois objectifs, je sais plus, sur la caméra, et là tu te déplaces à droite, à gauche, et vraiment tu vois les éléments qu'il y a derrière. Toi, il y a un effet de relief que tu n'as pas dans le clip des Anglais là. Et, Tom Grennan, je crois. Ouais. Mais moi, je pense que ça viendrait du porno et aussi des clips musicaux. Faut pas oublier qu'une des premières, si je dis pas de bêtises, une des premières qui a fait une vidéo 360 et donc potentiellement VR dans un de ses clips, c'est Björk, exactement. Ouais. Ah ouais. Ouais. Ah bah, toujours elle. Mais elle aime bien ces trucs-là. Hein. Et ça passait grave bien. Hein. Comme moi, j'avais bien aimé l'expérience à la con The Chainsmokers. Je l'ai pas vu celui-là. C'est tout con, ça dure 5 minutes, mais c'est plein de bonnes idées, c'est la musique est sympa. C'est avec les pyramides. C'est gratos. Non, c'est une chanson, c'est un clip. Bah télécharge-le, c'est gratos. Tu vas rigoler. Et au moins il y a de l'interaction aussi. C'est ça qui est bien aussi. Je conseille. Et t'avais aussi le truc avec les pyramides là, c'était Paris quelque chose. Je sais pas si vous l'avez fait, mais ça c'était. Une expérience, c'était pas une vidéo, c'était vraiment de la modélisation 3D. Et à la fin, tu terminais sur l'eau, comme ça, avec une pyramide dans le fond. Ouais, Camille ? Non, ça me parle pas du tout. Hein. Ça te parle pas ? Ah, j'ai écrit un article dessus, mais je l'ai fait, j'ai pas du tout aimé. Si on parle bien du même. Paris quelque chose, je sais plus. Non, justement, c'est Paris Chainsmokers, le titre de la chanson dont je parle. Mmh. Mais il n'y a pas de pyramide dedans. Et toi, tu parles d'un autre. Avec je sais plus. Bref, regardez sur le site. Complètement préparé. Player. Oui. Ouais, je suis en train de chercher sur le site, mais je me rappelle plus du nom. Ouais, parce que t'as The Chainsmokers Paris PSVR. Et là, par contre, c'est le clip qui se déroule majoritairement sur une autoroute. Hein. Oui, mais c'est celui-là. Tu l'as fait. Bien. Mais c'est carrément bien, ouais. C'est carrément. Bien. On parlait de la même, en fait. Puis t'as des petites interactions et tout. Tu peux changer de chemin de temps en temps en fait. Tu choisis droite ou gauche et selon en fait t'as des environnements un petit peu différents. C'est un petit peu comme Tumblr mais sans interaction en fait, à part le changement de chemin quoi. C'est pour ça qu'en VR il n'y a pas que le jeu vidéo et il y a aussi donc tout ce qui est expérience, documentaire, clip, des choses comme ça, mini films. Hein. Vous aviez testé je crois Say et Spanx The Great Say. Et malheureusement, je trouve que c'est mal exploité encore tout ce côté-là, non ? C'est assez mal exploité en fait. Bon, après, on l'a expliqué en vidéo et puis par écrit. C'est en fait le cinéma. En fait, on parle de très très loin. Quand on commence à parler de cinéma et de jeux vidéo, enfin et de VR, on parle de très très loin. En fait, la caméra a une importance effectivement énorme au cinéma. Tu as le champ et tu as le hors-champ. Le problème, c'est que la VR fait voler en éclats un truc qui est complètement fondamental avec le cinéma, c'est le champ et le hors-champ. Tu diriges la caméra en VR. Tu peux choisir de regarder en haut, de regarder en bas, de regarder à 360 degrés autour de toi, alors que dans le cinéma traditionnel, en fait, c'est le cinéaste et c'est le réalisateur, le metteur en scène, qui choisit exactement ce que tu dois voir en tant que spectateur. Et s'affranchir, en fait, justement, de ces barrières, de ce petit cadre qu'on a depuis, depuis l'invention du cinéma, c'est quelque chose qui est extrêmement, extrêmement compliqué à appréhender. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de réalisateurs, en fait, qui sont... Ils t'adonnent, ils essayent, mais il n'y en a pas beaucoup qui arrivent encore à appréhender ce genre de truc. The Great Seas, que je n'ai pas trop aimé l'expérience, je l'ai trouvé un petit peu lente. J'ai quand même aimé, en fait, l'initiative de ce truc-là. Robert Rodriguez, ouais. Pareil, que j'aime beaucoup, hein. The Limit. The Limit, j'aime beaucoup l'initiative qu'il a eue là-dessus. Mais bon, c'est pas pareil, hein. C'est du 180 degrés, c'est vidéo. 180. Il n'empêche qu'il a essayé, tu vois, de mélanger un petit peu les deux mondes entre le cinéma traditionnel et la vidéo à 180 degrés. Je pense que ça va être très très compliqué. Je pense qu'il va falloir vraiment quelques années pour pouvoir maîtriser ça. Beaucoup plus, je pense, que le jeu vidéo en VR. Le jeu vidéo en VR, en fait, pour terminer, t'as toujours eu l'habitude dans les FPS par exemple, ou même dans les TPS ou dans n'importe quel type de jeu vidéo, de contrôler un petit peu la caméra et puis d'aller à droite à gauche, tu vois, de flâner. Et les game designers avaient toujours des petites techniques pour amener ton œil là où se passait l'action ou là où se passait la suite des événements. Au niveau du cinéma, je pense que c'est pas des game designers, hein, les cinéastes, hein. Les réalisateurs, les metteurs en scène, c'est pas des cinéastes. Et je pense qu'avec l'arrivée de la VR, il faut qu'ils arrivent à appréhender ce nouveau degré de d'écriture et de mise en scène qu'ils n'ont pas encore. Ni Rodriguez. Dans The Great Sea, moi, enfin, vu que c'est plus en animation, ce qui n'aurait pas été possible dans The Limit. Ouais. Mais c'est de te laisser le choix de te placer où tu veux. Ça aurait pu être une bonne idée, en fait. Ça aurait pu être plus intéressant, parce que là, des fois, ils te placent à des endroits, non, t'as pas envie d'être là. C'est justement la différence entre le cadre, t'as le cadre de la vidéo à 180 degrés, et là où tu veux que le réalisateur amène ton regard, en fait. Et précisez-moi une chose, parce que moi j'ai pas fait The Great Sea, qui est pas encore sorti sur PlayStation VR. J'ai fait par contre Crow the Legend. C'est en 3D. C'est pas pareil. Crow the Legend, c'est juste une vidéo qui défile en face de toi. Hein. Voilà. C'est une vidéo bulle qui est très bien faite, qui est très bien réalisée. J'ai été tellement déçu de Crow. Techniquement, c'est limité par les capacités de la console, mais par la grosseur du fichier, de la résolution, tout simplement. Et tu vois, au niveau de la captation du spectateur dans l'environnement, The Crow essaye d'amener justement des éléments extérieurs comme ça. Ils essayent toujours, en fait, d'amener un son quelque part, genre en haut à gauche. Hop, tu lances ton regard en haut à gauche. Oui, tu tournes. Ce qui arrive. Ok, mais. Et qui arrive justement en face de toi et qui va te faire déplacer ton regard de gauche à droite, en bas à droite. Et tu arrives là. Et ensuite, l'action et les dialogues se passent juste devant toi. En termes d'immersion, de 3D, ça ne marche pas parce que c'est une vidéo bulle, tu l'as dit. C'est une vidéo bulle, ouais. Après, il se passe pas grand-chose non plus dans le... Non, c'est un petit coup de gentillet. Ouais. Voilà, c'est un petit truc où tu mets ton... Enfin, pas ton gamin, mais tu mets des grands-enfants devant, ils regardent, ils s'amusent, et puis c'est peut-être les prémices. Moi, tu vois, j'ai eu l'impression que c'était un petit peu le futur de ce qu'allait nous présenter Pixar et Disney. Maintenant, j'ai pas été emballé moi par ce petit coup. Qu'est-ce qu'ils foutent d'ailleurs Pixar pour le Panos? Pourquoi ils sortent pas une expérience? Ils ont tellement de pognon en 2D qu'ils ont pas envie de faire quoi que ce soit. Non, mais c'est clair, hein, ils ont pas envie de faire quoi que ce soit encore avec la VR. Ils vont pas se faire chier avec ça. C'est tellement lucratif avec Disney, laisse tomber. Pas forcément. Est-ce qu'ils attendent pas justement le bon moment pour le sortir? Parce que c'est peut-être un peu trop fébrile pour le moment. Ouais, c'est vrai. Techniquement, c'est encore ça. Comme tous les gros éditeurs. On en revient toujours. Mais excusez-moi, mais enfin, Sei, t'as pas fait ta présentation. Coucou. Tu vas pas nous endormir. Ouais, bien vu. Donc le cinéma, ouais, c'est très intéressant le cinéma. Alors je vais vous expliquer un petit peu là. Donc j'ai une question que tout le monde peut se poser. Fan de Kylo Ren. T'as quel âge, t'es avec tes cheveux blancs partout là? Avec mes cheveux blancs et ma voix des faibles, j'ai 37 ans. Bah moi, comment est-ce que j'ai connu VR4 Player? Bah moi, c'est Spanx qui m'a dit au bureau un jour, tu vas voir ce site, c'est vachement bien. Et donc du coup, comme on traîne beaucoup ensemble, qu'on est de très bons amis, et surtout que je lui ai fait connaître la VR, donc lui, il m'a fait connaître un petit peu le site d'information, parce que moi, j'allais un petit peu grappiller à droite, à gauche des expériences, des jeux comme ça, et puis je me laissais un petit peu porter par les événements. Et donc j'ai découvert ce site-là, qui était très bien construit, qui était très bien fourni, qui avait des dossiers extrêmement intéressants, justement de la part de Laurent, de Cyril et accessoirement de Cylion. Et donc du coup, j'ai commencé. Okay. Vas-y, continue. Non, mais je veux pas te couper dans ton monologue de méchant, vas-y. Et donc du coup, j'ai commencé à commenter dessus, puis me pleurer un petit peu avec les réponses que j'avais de la part de Cyril, surtout qui commentait pas mal les interactions que j'avais avec les habitués du site. Et petit à petit, en fait, en gros, c'est très simple. Spanx s'est fait récupérer. Il m'a dit ça, il est sympa, donc faudrait bien le prendre. Et hop, j'enquête. Ça a été quoi ton premier article? Non, mais même pas, c'est même pas moi. Attends, excuse-moi de te couper, mais c'est même pas moi qui ai dit à Cyril de te contacter. Oh bah si, c'est Cyril qui m'envoie. Ah non, c'est Cyril qui m'a envoyé un message, il m'a dit au fait, j'ai envoyé un message à Yann. Et hop! Ah la star! C'est bon. je crois que tu m'avais dit, mais attends, mais Cyril il veut savoir si t'en as. Non, parce que je lui avais parlé de toi. Oui, je lui ai parlé de toi. Oui, voilà. Mais tu m'as un petit peu vendu, quoi. Oui, peut-être. Quoi, bref. Même et si ouais, mon. Et mon premier article, je crois que c'était un test, parce qu'au début c'était que pour les tests. Mmh. C'était pour le DLC de Resident 7, le DLC gratos. C'est toi qui as fait ça. Ah, Heroes, ouais, cette merde, ouais, c'est moi. Et c'est, c'est No More Heroes. Et 8, voilà. 8 ou 8,5. 8 pour un truc gratos, ça, je pense que c'est pas volé. Hein. Et, voilà. Ouais. Continuez les gars. Très bonne intervention. Merci au Camille. Allez à la vôtre. Et donc du coup, voilà. À la tienne. Et donc du coup, moi comme j'aime bien écrire, ma passion en fait c'est la création en fait. J'aime bien le côté technique, moi mettre en page, ça me fait chier. J'arrive pas trop à m'y mettre encore sur le site malheureusement. Je m'excuse encore les gars, hein, c'est que je suis un boulet pour ça. Moi ce que j'aime bien c'est ça. Bah non, personne n'aime ça, mais moi en plus je suis feignant et j'aime beaucoup en fait écrire, j'aime beaucoup apporter une petite patte dans un texte. Les vidéos ça m'emmerde aussi, je suis pas très bon pour ça non plus. Et donc du coup j'apporte ma contribution comme je peux au site depuis. Donc il y a Cyril qui m'a contacté, le contact s'est fait super bien dès le début, c'est un gars qui est vraiment adorable. Après petit à petit j'ai appris à connaître aussi Laurent qui est vraiment un gars super cool aussi. Sinon je l'ai connu un petit peu sur le tas. C'était un petit peu plus douloureux parce que c'est un gros con. Mais mis à part ça en fait c'est. Je dirais rien. Ouais, ouais. Je te charge un peu trop. Personne n'est intervenu hein, sur ta réflexion. Hein. Merci les gars. Je te fais un gros bisou sinon je t'aime quand même. Ouais. Et donc voilà en fait ça s'est fait petit à petit. Continue, t'allais parler de Spanx, vas-y. Mais Spanx, j'ai rien à dire sur lui parce que c'est un pote qu'on se connaît depuis des années, qu'on fait de la musique ensemble, qu'on fait des vidéos ensemble, qu'on fait du sexe ensemble. On fait aussi ensemble, plein de trucs. Non Oui, ensemble, bien sûr, et on fait plein de trucs ensemble. Et donc, du coup. Ah ouais. on termine des tailles ensemble, donc voilà. Et, enfin, il termine mes tailles, il vient chez moi, il finit mes bouteilles. C'est ça. Salaud. Et donc voilà, moi j'apporte ma petite contribution au site que j'aime beaucoup. Moi je respecte énormément les gens qui travaillent dessus. Je leur ai déjà dit en off, je leur redis ce soir. J'ai jamais entendu. J'adore. Rien. Toi c'est normal, mais pardon. j'aime beaucoup le travail de Laurent, de Cyril, de Cylion sur ce site-là. En fait, si je n'étais pas intervenu sur ce site-là. Ça aurait voulu dire que de toute façon je m'en foutais. Je trouve que voilà, Spanx, je le connais, donc j'ai beaucoup d'estime pour lui. Sébastien et Okami 7, ben voilà, c'est des gars qu'on a appris à connaître au fur et à mesure et qui sont de bonne volonté et qui sont vraiment bons dans ce qu'ils font. Ça me fait vraiment plaisir justement d'avoir intégré cette équipe-là et d'en faire partie. J'apporte mes petites contributions. Je suis pas souvent présent dans les articles nécessairement. Je fais quelques tests. J'essaie de faire quelques vidéos. J'ai mis en place le podcast autour d'un VR justement parce que pour moi c'est important de discuter ensemble et de personnaliser un petit peu toutes les personnes qu'il y a dans un qui a sur un site. C'est pas uniquement des gras de papier, c'est pas uniquement des robots en fait qu'il y a derrière que vous voyez de façon complètement déshumanisée sur un site internet. C'est aussi des gens qui ont une sensibilité, qui ont un humour, qui ont un caractère, qui ont des sentiments tout simplement. Et donc c'était important de les mettre un petit peu en avant. Et moi discuter avec vous, moi ça me fait grave plaisir en tout cas. Donc si on peut continuer de discuter autour d'un verre encore très longtemps, moi je trouverai ça vraiment cool. Oh ça, il s'est fait trop plaisir. Yes, que tu l'as dit. Yes, j'ai réussi à vous faire chier. Les mouchoirs. Non mais c'est vrai, franchement c'est sincère. Hein. Et voilà, c'est cool. Moi en plus les podcasts, j'avais envie d'en faire. Depuis un paquet de temps, c'est un truc que j'écoute beaucoup, je trouve ça cool, et puis voilà quoi, c'est pas le même public, il y a des gens qui écouteront le podcast, que vous nous écoutez, et c'est pas forcément les mêmes personnes qui iront sur le site, donc si ça peut amener d'autres personnes, si ça peut faire découvrir à d'autres personnes d'autres trucs, ben c'est plutôt cool, donc voilà. Et donc je vous remercie toujours pour votre soutien, dans un premier temps les gars, hein, parce que les gars de la team, hein, parce que sans vous le podcast, ça serait pas grand chose, hein, ça serait absolument rien. Et puis aussi les auditeurs pour votre soutien et pour les retours que vous nous faites. Et puis tous ceux en fait qui laissent pas forcément de commentaires, qui mettent pas forcément de likes, on voit un petit peu le nombre d'écoutes par jour et ça fait plaisir, tout simplement. Ah mais moi je les respecte les gens qui mettent pas de likes. Moi je mets pas de likes. Hein. Je mets pas de likes non plus. Je suis pas un mec à like, hein. Non, c'est pas. Dire un... ça, les gars. Non, mais on va être clair. Non, mais c'est le podcast de la vérité. Moi, je regarde des vidéos, je mets pas de like, sauf si vraiment, elle m'a vraiment fait marrer, machin. Mais même. Mais je mets pas de pouce bas non plus. Enfin, c'est dégueulasse aussi de bâcher les gens qui font ça gratos, quoi. Ouais, bâcher pour plaisir, il faut être teubé, quoi. Non, mais tu sais que le pouce bas, vous allez peut-être me prendre pour un âne, mais moi, à la base, quand je le mettais, au début, tout ce qui était référencement sur les vidéos, etc., moi, je connaissais rien. Par contre, le pouce bas, moi, honnêtement, c'était, tu le mets, si t'aimais pas le sujet, si t'aimais pas forcément la vidéo, si ce que tu voulais regarder ne correspondait pas à tes attentes, à la base, je pensais que c'était ça. C'est vrai que tu t'aperçois finalement qu'il y a des mecs qui te mettent un malin plaisir de te mettre des pouces bas, rien que pour te casser les couilles. Et tu dis, putain, mais merde, les gars, t'en as pas mal, hein. Comme ça. Ah ouais, il y en a quelques-uns qui sont toujours là, mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Après, comme tu disais, tu mets pas les pouces bas. C'est vrai que bon, moi je suis pas forcément d'accord avec toi, hein, dans la mesure où tu vois, plus t'as de pouces vers le haut, je pense notamment à nos vidéos, plus t'as un référencement qui est élevé et plus on a la possibilité de partager la vidéo et forcément de nous faire connaître. Donc c'est un petit peu une reconnaissance sur le boulot qu'on est en train d'abattre. Donc sur ce sujet-là, ouais, on n'est pas forcément sur la même opinion. Hein. Bah, c'est la liberté d'Internet. Si ça plaît pas, ça plaît pas. Si ça plaît, ça plaît. Mais après, t'es pas obligé de mettre ton pouce bas. T'es pas obligé de mettre ton pouce haut. Ah, les mecs s'obligent pas. Hein. C'est juste qu'ils ont envie. Hein. Là, ce qui est pervers, ce qui est pas normal, c'est là où il y a un problème psychologique grave, c'est de mettre un pouce bas après 2 secondes de vidéo et puis tu repasses à une autre vidéo, quoi. Là, t'en as toujours des comme ça, t'en as toujours, t'en auras toujours. De toute façon, des putains de haters, t'en auras toujours. Il faut faire avec. Et justement, il faut faire des vidéos de suffisamment bonne qualité pour pouvoir contrecarrer ça. C'est pas la peine d'aller chouiner après sur des pouces bleus, enfin sur des pouces en l'air ou des pouces bas. Non, mais là aussi, je te coupe parce que là, le problème, c'est que tu dis, ouais, faut faire des vidéos de meilleure qualité. Alors moi, je suis d'accord. À partir du moment où le mec, il met un commentaire qui dit, voilà, j'ai pas aimé ceci parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, c'est constructif. Donc là, effectivement, tu peux t'améliorer. Si le mec, comme disait Sillon, au bout de 2 secondes, il te met un pouce bas, il se barre, tout ça pour t'emmerder, ça me fout les boules parce que derrière, ça représente 6 heures de boulot pour monter des vidéos, faire les tests, des choses comme facile, ça. C'est facile. Qu'est-ce qu'ils ont comme crédibilité, ces gens-là? Ils en ont pas. Bien sûr. Pas. Et même les gars qui mettent un commentaire qui disent « Oh, ça c'est nul, ça c'est nul. » Ouais, mais attends, tu sais le boulot qu'il y a derrière. Ok, très bien, je prends en compte tes commentaires, mais est-ce que tu te rends compte un petit peu du travail qui est derrière? Et surtout, est-ce que tu es capable de faire mieux? Parce moi, que ça, il n'y en a pas vois, beaucoup. Moi, les pouces hauts, les pouces bas, écoutez, c'est une chose, mais c'est vraiment une infime partie des gens, finalement, parce que si tu regardes, je sais pas, sur 1000 vues, tu vas avoir quoi, 20 pouces hauts, 5 pouces bas, voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est les 975 autres personnes, Ouais, c'est vrai. Et j'ai toujours tenu un petit peu à remercier les haters aussi, parce que finalement, c'est eux qui remuent un petit peu la vase et qui te permettent, en tout cas, qui te motivent au jour le jour. Ah, il y a aussi les gens, évidemment, qui te poussent vers le haut, mais t'as les haters aussi qui te poussent justement à leur montrer que t'es contre ce qu'ils pensent, en fait, toi. À leur dire que, voilà, ils ont tort et putain, je vais vous en mettre plein la gueule pour la prochaine. Et puis on y va. Bon, après, il y a les haters, c'est. Moi, je voudrais faire une petite parenthèse sur quelqu'un qui nous suit depuis très très très très très longtemps. Est-ce que c'est et on ne l'a jamais cité d'une façon directe. Et pourtant, moi, je l'aime bien. Mais je pense et pas qu'il écoute les podcasts si c'est celui auquel tu penses. Non, je pense. Et on a un lecteur assidu qu'on remercie du fond du cœur parce que il a des commentaires qui sont pas toujours très constructifs, mais qui ont le mérite d'exister, qui se répètent malheureusement un petit peu beaucoup. Bon, on va le citer, c'est Battlestar. Battlestar, notre star. Et quelque part, il a un langage, moi, qui me parle. Des fois, je me retrouve dans ses paroles. Quand il fait partie d'un public. C'est un blasé de la VR. Il pense que, et pour certaines fois, je suis complètement d'accord avec lui, que c'est trop lent, que ça démarre pas aussi vite que ça devrait démarrer, qu'il n'y a pas de gros jeux, qu'on attend toujours tel ou tel ou tel jeu. Donc c'est une voix de la Exactement. Communauté qui est importante et moi j'en fais partie. J'ai fait un coup de gueule à la dernière émission et moi aussi je commence à être impatient parce que j'ai le nez dedans aussi. Hein. Mmh. Ouais, mais si tu veux, regarde ton Battlestar. Moi, je connais pas forcément. Je viens d'arriver. J'ai vu quelques réflexions, des commentaires, etc. C'est toujours argumenté. Il a toujours des choses à nous dire en positif et négatif. Non. Ou souvent. Non. Bon, parfois non. C'est un peu plus. Un peu plus piquant peut-être. Il se défoule. Il est frustré. Il se défoule. Enfin, frustré. Quand je dis frustré, c'est. Enfin, je le respecte. Hein, y a pas de problème. Mais il y a une frustration en fait dans son achat en fait du PSVR et l'attente qu'il avait quand il l'a acheté qui n'est pas assouvie. Et ouais, mais il a un message qui est clair quand même. Mais... Un message qui est très clair. Et surtout, comme tu disais tout à l'heure, c'est une voix. C'est une voix dans certains possesseurs du PSVR. Moi, je me suis souvent pris la tête avec lui. Je me suis engueulé et jusqu'au débat, enfin, un faux débat où on passait notre temps à se foutre sur la gueule et à la fin que ça donnait absolument rien. Mais pour autant, en fait, je le respecte parce que justement, ça reste une voix et ça reste. Il y a certaines personnes qui pensent comme ça et je le respecte totalement, même si je suis pas d'accord. Ouais, mais il a, comme je dis, il a une analyse qui est assez juste de ce qui s'est passé sur l'introduction du PSVR. C'est-à-dire qu'on a démarré, je vous rappelle, en mois d'octobre-novembre, c'est sorti, 16 jeux, je crois, de sortie, assez moyen, hein, Rush of Blood, c'est pas un super jeu. Hein. Et puis après, tout d'un coup, janvier, Resident Evil 7. Et là, direct, on a eu un méga, méga jeu. Et après, plus rien. Ouais, il faut dire ce qui est. Donc il a un côté amer, une déception que moi je ressens aussi. Il a raison sur plein de choses. C'est surtout au début de l'année. Il n'y en a pas. C'est surtout au début de l'année, première moitié de l'année. Franchement, il y a une période où vraiment je me mettais à penser comme lui parce que on voyait rien venir, il se passait rien, on attendait l'E3 parce qu'on se disait putain l'E3, il faut qu'il se passe quelque chose parce que là il se passait rien, il y a eu Moss. Il y a eu quoi début d'année, il n'y a rien eu. Il y a eu Dirt Rally, tu l'avais dit. Mais non, Dirt Rally, c'est l'année dernière, ça. Ah, tu parles de cette année-là? De cette année. Là, il y a eu un gros creux sur... J'ai trouvé, moi. Moi, c'est Wipeout, quand même. Et Killing Zone. C'était le seul truc. Killing Floor. Non, ouais, mais jusqu'à l'année. Killing Floor, bof, enfin. Il est bien, mais... Ouais. Si, il est pas mal quand même. Oui, il est bien, mais Wipeout. C'est un jeu moyen. Mmh. C'est un niveau Rush of Blood, Killing Floor. C'est ça. Bah, si tu veux, c'est un bon jeu, mais c'est pas un triple A qui défonce tout et qui explose comme du Wipeout. Ça, c'est clair et net. Mais après, il faut le dire, hein, moi, c'est Firewall qui m'a redonné l'espoir, je vous le dis honnêtement. Ouais. On a eu un petit engouement sur ce jeu au début, ça a été une très bonne période qui n'a pas duré. Mais juste, juste pour terminer sur Battlestar, en fait, j'ai juste envie de lui faire une petite dédicace. Et donc, merci Battlestar, parce que franchement, tu as eu raison de le citer, Cilion. Oui. C'est un gars que j'ai détesté. Pour avoir essayé de débattre avec lui. Je l'ai détesté. Il va être content, et puis il a raison, parce que comme disait Cilion, c'est un fidèle lecteur, c'est un mec qui réagit, c'est un mec qui dit ce qu'il a envie de dire. Ouais. Il y en a d'autres hein, aussi qui le disent. Hein. Il y a. Comment Betty, comment il s'appelle Oula. Oui, enfin, il est obligé de tous les citer. Hein, mais... Non, c'est vrai, mais enfin, il y en a d'autres justement qui sont foutus sur la gueule un petit peu avec lui ces derniers temps. C'est surtout sur la dernière news S-Combat 7. Ben oui, d'accord, très bien. C'est vrai qu'il agace Battlestar, c'est vrai. Et oui, mais il commente tellement que c'est normal qu'il devienne un peu émotionnel parfois et qu'il se répète. Il est carrément émotionnel. Il nous saoule des fois. Moi, je sais que je le déteste des fois. Mais mine de rien, il me fait marrer. Et surtout, j'écoute un petit peu ce qu'il raconte. Il n'y a pas que des conneries. Dedans. Je pense qu'il a un message qui est le message de beaucoup de joueurs de la communauté. Et surtout, c'est un vrai message. Et surtout, le message des déçus silencieux. Mmh. Oui. Gens qui ont acheté un PSVR, qui laissent comme ça en train de pourrir, en train de prendre la poussière parce qu'ils sont pas satisfaits de ce qu'ils ont et qui ferment leur gueule parce que ils sont. On a peur que ça finisse comme une PS Vita, quoi. On n'a pas envie que le PSVR, ça devienne une PS Vita. C'est ça. Et quand tu vois les remises de dingue, 350€ au Black Friday, le bundle, et quelques jours, semaines après, tu retires 100€ et tu revends la même chose, tu te poses de sérieuses questions quand même, non? Moi, je me les pose dans le bon sens, moi. Sony, il a mis un peu la gomme, c'est tout. Enfin, c'est comme ça. On le sent, il y a plus de sorties. À mon avis, il va y avoir des bonnes annonces bientôt. Il y a carrément plus de sorties. Il faut vraiment que les paroles de Yoshida Shunai se vérifient là. Il disait que donc l'un des grandes pompes de Sony, qu'on aurait plus de grands jeux à longue durée de vie sur PSVR. Il faut vraiment un mois et demi. Il a sorti ça il y a un mois et demi, septembre, novembre. Septembre, octobre. Mais il faut vraiment que ça se vérifie. Les jeux comme Borderlands, ça leur permet de tester aussi. Hein. Ça permet quoi? Ça leur permet déjà de voir s'ils vont pouvoir faire Borderlands 3 en VR, c'est faisable par la suite. Ça permet à Sony de voir si l'adaptation d'un jeu, ça peut plaire, parce que ça prend beaucoup moins de boulot que refaire un jeu entier, mais ça peut donner à manger aux gens comme nous. Quoi. Ok, bah qu'ils le fassent. Moi, j'ai fait un coup de gueule sur les remakes ou les remasters là, VR, mais ok, c'est pas ce que je veux, mais ok, bah alors s'ils le font, qu'ils le fassent. Dans un premier temps, c'est. Enfin voilà, faut qu'ils le fassent. Ils le font un peu. Il y a un tel parc. T'en as pas mal quand même déjà. Ça reste pas beaucoup. Qui sait qui est arrivé? Il y a personne autour de la table qui est arrivé d'un Call of Duty en VR. Il y a un autre frein aussi, les gars, c'est la puissance de la PS4. Non, pas pour Call of. C'est la politique, on va en reparler. C'est Activision, ils en ont rien à foutre. De la part d'Activision, parce que tu ressors un Killzone en VR. Killzone, c'est plus gourmand qu'un Call of. Hein. Voilà. Call of, c'est un très très vieux moteur. Et les Call of, tu sors les solos de Call of en bundle en VR. Ouais, mais ils le font pas parce qu'ils en ont rien et à on foutre. Mais les gens de Horizon. Toi, t'es un joueur multi, toi, mais je te dis, tu mets la mise en scène hollywoodienne et j'en ai déjà parlé en podcast en plus. Hein, tu sors la mise en scène hollywoodienne des Call of en VR, mais putain, mais ça déchirait tout. Mais franchement. Non, mais qu'est-ce que fait Guerrilla Games? Que font Santa Monica? Il y a un problème. Il faut que eux sortent leur jeu PS3. C'est des vieux trucs aussi, ouais. Et Santa Monica, c'est prévu. Ils disent plus rien, celui-là aussi. Ils ont bloqué, ils ont plus rien dit. Mais bien sûr qu'il y a un truc sur le feu. Ils l'ont dit. Ils n'ont jamais officialisé ça. Ils l'ont dit. C'est des rumeurs. Ils l'ont dit eux-mêmes. Ils ont dit, on vous prépare un truc. Après, c'est peut-être sur des prochaines générations. On verra. Je pense aussi que c'est sur les prochaines générations. Non, mais sur la prochaine gen, ouais, je pense qu'ils vont prévoir un peu plus gros. En VR, si ils auront deux gènes d'avance. Ouais, on a encore au moins 12 mois, j'ai déjà dit. Là, à tirer. Hein. On va faire quoi pendant 12 mois? On va jouer à Vacation Simulator. Il y a des bons trucs qui arrivent. Non, mais arrête, tu sors le pire là. Ça ferait du bien d'avoir des vacances. Bah c'est fini les vacances. Hein. Deux, trois semaines là, rien branlé là au bord de la plage. On serait bien, non? Ah, au mois de janvier, on va déjà avoir des choses. Hein. Ouais. Non, mais toi, moi, c'est pareil. En 2018, je m'attendais pas à voir un tel flot de jeux arriver, surtout en deuxième trimestre, hein, deuxième semestre. Hein. C'est un truc de dingue. Hein. En 2018, on n'a pas, il n'y a pas eu un mois où il y avait rien, et surtout que des bons jeux. Hein. Donc, je pense qu'en 2019, deuxième moitié. Deuxième moitié, ouais. Et je pense qu'en 2019, on va continuer avec ce truc-là. Hein. Bah, j'espère, parce que pour le moment, comme on disait tout à l'heure, il y a quoi qui est vraiment annoncé là avec des dates? Il y a rien. On sait qu'il y a des jeux qui vont sortir, on n'a aucune date. En tout cas, il n'y a plus aucun AAA qui est annoncé. Ouais, non, c'est ça. Pas le truc qui était annoncé à l'E3, moi, c'est peut-être pas un triple A, mais le jeu qui était un petit... Attends, c'était quoi? C'était pas... Dans l'esprit, c'était un petit peu Media Molecule. T'avais un espèce de petit animal qui était dans un truc très... Ghost... Oui. C'est un des seuls jeux qu'ils ont présenté. Ouais, moi... Qui était un petit peu concret. Moi, il m'intéresse carrément, celui-là. Pour être dans le ton de du podcast, il me fait pas trop bander, ce jeu. Laurent, Cyril, pour être dans le ton du podcast, moi, je suis prêt. Hein. Moi, je veux bien le tester. Hein. Vous êtes des amis, je vous aime beaucoup. Ah oui. Ghost Giant, c'est pas ça? Oui, si, ah, c'est ça. Ghost Giant, plus, ouais. Ouais. Ouais, bah, tu vois, moi, il m'a pas fait vibrer non plus. Hein. Sérieux? Ouais, moi non plus. Moi, en fait. Vas-y, Camille. Il est sorti, il était annoncé en même temps que t'avais Moss et Tetris. Tu sais, un autre jeu là qui est. Il a été annoncé en même temps que Tetris. Ouais, et Beat Saber. Enfin, quoi, ils ont Après, ça n'a pas été non plus une grosse révélation, une grosse claque en se disant c'est du triple A qui nous défonce. Hein. Ah, mais te trompe-toi, il a été très apprécié de la communauté. Hein. Ouais, moi, j'ai cherché et les gens attendent beaucoup ce jeu. C'est un jeu post-Moss. Voilà. Et juste avant Astrobot. Et donc, du coup, les gens l'attendent vachement. Ouais, c'est ça. Et c'est moi, ce qui m'embête déjà avec ce jeu, je pense qu'il sera assez joli avec un côté maison de poupée, décor coloré, etc. Mais comme Moss, je pense que, point de vue gameplay, ça sera un peu limite. Et ben, détrompe-toi, moi je pense exactement le contraire. Je pense que justement, il me fait vraiment penser à un jeu Media Molecule où tu t'enlèves les toits pour voir ce qui se passe dedans. Mmh. T'enlèves quelques façades, tu fais bouger des petits personnages comme ça avec ton move. Ouais, non, je pense que, en tout cas, pour le moment, ce qu'on a, on a juste uniquement un trailer, je pense, qui va être beaucoup plus intéressant qu'on le pense. Mais qui montre pas grand chose en termes de gameplay quand même, hein, le trailer. Ça laisse place à l'extrapolation. Et j'ai peur que l'histoire prenne trop de place, qu'il soit encore dans le trip émotion VR. Et toi, t'aimes pas ça, c'est ouf, hein. Ouais, t'as pas de sentiment ou quoi? Ouais, t'es un robot. Ah ouais, non, c'est le Dark Vador de la VR aussi, donc pas de sentiment. Kylo Ren, il aime bien Kylo Ren. Ouais. No, I am not. dans les jeux vidéo, j'ai le côté histoire général. Mais t'as jamais été emporté par l'histoire de FF8. T'as jamais été emporté par, je sais pas, Silent Hill. T'as jamais été emporté par The Vanishing of Ethan Carter. Moi, ce qui me fait reprendre la manette, c'est un gameplay addictif. C'est pas une histoire de prince et de princesse. Pas forcément là, ça. Tu vas créer le débat là. Là, ça va faire gueuler. Non. Il y a un débat, certes, mais pas. C'est trop facile. T'as des gens qui en fait qui sont plus dans le narratif. C'est plus facile de raconter une bonne histoire que de faire un bon gameplay. C'est faux. Et en tant que joueur, moi, ce qui m'intéresse, c'est je veux faire prendre du plaisir à jouer. Pas à regarder un jeu. Mais archi fou. Ah non. Et tu peux jouer. Point de vue, Non, oui, bien sûr. Et si les deux se combinent, tant mieux. Et les deux se combinent très souvent. Hein. Par exemple, mais après, ça sera plus sur du plat ou même pas. Sur The Silent House, où tu as autant. Ah, c'est là, j'ai pas fait. De quoi The Silent Oath. C'est le jeu avec les Vikings là. C'est comment il s'appelle? Bah oui, The Silent Oath en fait. Et tu suis une histoire et tu as autant de gameplay en fait que l'histoire en fait. Ça t'apprend le tir à l'arc en VR. Ça t'apprend les interactions, ça t'apprend d'éviter les pièges. Et en même temps, tu as une histoire qui est extrêmement développée, tu as une ambiance qui est extrêmement développée, tu as un background qui est extrêmement développé, et pourtant, t'as pas de suite. Ouais. Ok. Ok, c'est cool. Ouais, super. Bon, bah, prochain jeu. prochain sujet, les gars. Non, mais c'est tout, mais je dis pas que l'histoire, c'est quelque chose qu'on doit complètement zapper dans un jeu, mais. Moi, je mets en premier le gameplay. C'est ça qui m'intéresse, la profondeur du gameplay. Ensuite, la profondeur du jeu. L'univers de Moss est enchanteur, c'est magnifique. Rien que ça, ça mérite d'être joué. Moss, j'ai adoré. Mais c'est très limité. Tu donnes des coups d'épée, tu sautes, tu actionnes des mécanismes, c'est tout. Mais j'ai adoré le jeu quand même. Mais je me suis senti un peu floué à la fin quand ça se termine d'une façon un peu abrupte. Est-ce que ça serait pas un petit peu le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire une histoire qui est bon pas extrêmement développée, mais un gameplay justement qui reste quand même intéressant en VR. Alors Skyrim, c'est le représentant du gameplay en VR qui est pas adapté à la VR. En oui. Plus, ouais. Hein, puisque c'est un RPG. Déjà, donc il y a encore moins de force d'impact, mais aujourd'hui, avec les capacités techniques, c'est tout ce qu'on peut faire. Donc, au final, comme Borderlands d'ailleurs, ça s'adapte bien. Hein, tout ce qui est côté précision à Borderlands, c'est un petit peu frustrant aussi. Tu vises bien, mais puisque ton arme n'a pas une bonne précision, finalement, tu touches pas le mec. Bref, parenthèse fermée. Avec Skyrim, moi, ce qui se passe, en fait, c'est un peu plus simple, c'est que je joue pas de façon continue à Skyrim. Et donc, quand je reprends l'histoire, je sais plus où j'en suis. Donc, tu redécouvres à chaque fois. Je sais plus. C'est qui ce mec-là déjà, machin. Bon. Dovahkiin quoi, c'est qui Dovahkiin? Donc, je suis un peu perdu, quoi. Tu sais, là, je vais aller dans ton sens, Ilion, parce que je te dis que moi, j'ai joué au jeu, honnêtement, l'histoire, ça m'a pas emballé, ça m'a pas emporté. Je l'ai fait parce qu'on m'a dit que c'était un super jeu et fallait le faire, parce que c'est un jeu culte. Maintenant, honnêtement, moi, j'ai trouvé ça bien, mais sans plus. Je sais, ça va crier, mais bon, voilà. Skyrim, quoi? Non, t'as raison. Ouais. Comment? Salaud. Non, franchement, j'ai pas trouvé ça. Le scénario, honnêtement, j'ai trouvé ça plat. Et puis voilà, le monde est gigantesque, mais j'ai moins aimé, par exemple, que Oblivion. Non, mais rassure-toi, voilà, exactement. C'est les gens qui ont connu Oblivion, qui ont connu Morrowind, qui ont connu ces jeux-là, pensent que Skyrim c'est pas le plus intéressant. Il n'empêche que il y a un certain volume en fait qui est apporté par la VR dans Skyrim, quoi. Ah bah c'est un kiff total, hein. Je pense que tout le monde voulait rentrer dans Skyrim en VR, c'est comme bon Fallout pour ceux qui ont un PC, hein. Malheureusement sur PSVR c'est pas demain la veille. Ah bah Skyrim c'est un bonheur, hein. Debout avec un subpack, les moves, tu te la joues à archer, tu te déboules, tu es sur ton cheval, tu arrives sur une base ennemie, tu les tues tous, tu cherches du loot, tu te fais attaquer par des monstres, c'est pur bonheur à chaque fois, hein. Ouais, c'est pareil comme Fallout, c'est pareil, hein. Pour moi, c'est le meilleur jeu VR que j'ai fait, hein. Il déchire, hein. Franchement, il déchire vraiment. Il est pas mal sur écran plat, mais, en VR, apparemment, il apporte quelque chose de plus. Ah, moi, j'ai bien aimé, après. J'ai un peu l'impression que ça fait un peu comme les portages, on le voit avec Borderlands, là. On le verra aussi sur le test, c'est que le problème, c'est que c'est des bons jeux. Mais c'est pour moi des mauvais portages. Dans la mesure où t'as pas d'interaction à droite à gauche, on te demande plus d'appuyer sur des touches. Alors qu'aujourd'hui, moi, excusez-moi, je sors de Red Matter où tu fais tout avec tes PS Move, où tu vas ouvrir des portes, interagir sur des PC, tu vas venir ouvrir des vannes, et tu dis, mais nom de Dieu, mais c'est ça que je veux en VR. Et là, t'arrives sur du Borderlands 2. Alors, il y a un truc. Ouais. Excuse-moi, non, je t'ai coupé, excuse-moi. Mais il y a un truc, c'est que le moteur et le gameplay du jeu, en fait, a été fait dès le départ sur Red Matter pour fonctionner comme ça, avec un moteur physique, avec un moteur d'interaction par rapport à ton jeu. Et que sur Borderlands ou sur Skyrim, plus sur Borderlands que sur Skyrim d'ailleurs, parce que Skyrim avait quand même un bon moteur physique. Et tu ne retrouves pas parce que le jeu n'était effectivement pas prévu. Alors, bien sûr, portage, hein, de toute façon, c'est du portage. Et c'est ce qui manque, mais après, Moi, je suis prêt à sacrifier un petit peu d'interaction par rapport à l'environnement pour avoir une meilleure narration. Moi, je veux qu'on me transporte, en fait, justement, sur en VR. Moi, une des meilleures expériences que j'ai eues en VR, par exemple, c'est de Lost Beer. Ah ouais. De Lost Beer. Bah, techniquement, moi, il m'a lâché, lui, hein, parce qu'il n'arrêtait pas de me décaler. C'est dommage. Eh ben moi, j'ai pas eu de problème technique dessus, justement. Il a porté une histoire, il a porté une narration, et donc, du coup, l'interaction avec ta manette et puis ce que tu voyais en face de toi fonctionnait super bien. Alors que dès que tu commences à mettre de l'interaction dans un jeu, et pour un peu que ça fonctionne pas trop, tu sais, il y a un truc qui soit décalé, t'arrives pas à prendre avec ton move du premier coup, et ben du coup, moi, ça me sort complètement, en fait, de l'univers. Et donc, du coup, ça marche pas. Ouais, mais tu vois, c'est que les jeux sont mal optimisés. Pour moi, c'est clair et net. Donc voilà, si le jeu il est bien optimisé, ça fonctionne, et les bons jeux en général, bah, ça fonctionne très bien. Après, comme tu disais, Red Matter, c'était prévu pour, hein. Bah ouais, mais tu vois, ça fonctionne bien, et au niveau du gameplay, jamais j'ai été mis en défaut sur mes interactions. T'es mort ? Okay, ouais. Ouais, j'ai calmé tout le monde. Ouais. Mic drop un peu. Là, on n'est pas d'accord, je sais pas. Non, si, bah moi après, on n'est pas en désaccord en tout cas. Mais toi, ce qui me dérange un petit peu, tu vois, par exemple sur Borderlands, c'est que bon, moi c'est une de mes licences préférées avec Tetris, où je trouve que le jeu est vraiment exceptionnel. Il y a une variété d'armes qui est dingue, une variété de gameplay qui est énorme. Après, c'est vrai qu'au niveau de la, comment dire, tu sais, de la précision de l'arme, bon, c'est un petit peu compliqué parce qu'en 2D c'est justifié, sur de la VR un peu moins. Par contre, bah tu vois, ce que je trouve dommage, c'est que le jeu a un très mauvais portage VR, dans la mesure où, comme je te disais, au niveau des interactions, c'est pas top. Ouais. Par contre, bah, qu'est-ce que tu fais avec un jeu comme ça? Est-ce que tu le flingues parce que tu considères que c'est un mauvais portage VR, ou tu, au contraire, tu dis que c'est un super univers et tu mets une putain de note? Alors, est-ce que tu le testes parce que tu l'as déjà fait en VR, enfin tu l'as déjà fait en plat, ou est-ce que tu le testes en le découvrant? Alors, on teste toujours la version VR déjà. Hein. Oui, oui, non, bien sûr. Après, moi, je l'ai fait sur PS3, sur Vita, et là, je le redécouvre en VR. Après, ouais, pour moi, tu c'est pas un mauvais partage. Par contre, tu dis que c'est un mauvais partage, je suis pas d'accord. Pour non, moi, c'est mauvais un partage. Quand même. Mauvais partage dans les interactions, c'est-à-dire que qu'est-ce que j'aurais aimé prendre mon pied. Comme l'a dit Seid tout à l'heure, c'est pas possible. Ils peuvent pas refaire tout le jeu. Ils sont obligés. Il n'y a pas de moteur physique. Et reprendre des gros, enfin franchement, ce serait beaucoup de boulot. Moi, je trouve que le boulot qu'ils ont fait est déjà quand même assez satisfaisant. Oh, il y a un bon moteur physique, qu'est-ce que vous dites Non, mais il est pourri sur Borderlands. Il est pourri sur Borderlands. Il va faire les interactions, choper les trucs, tourner les vannes. Ça leur aurait demandé énormément de taf, je pense. Enfin, franchement. Ouais, mais du coup, mais du le partage dans l'ensemble, il est bon. Il est pas mauvais. C'est mitigé. Après, il y a des petits défauts, mais voilà. Enfin, il est pas. En tout cas, là, le cel shading, en tout cas, rien que pour les graphismes, moi, j'applaudis. Oui, c'est pour ça que ça va trop bien. Je dis excellent jeu, excellent portage. Par contre, pour l'adaptation à la VR, je suis un petit peu déçu, je suis frustré en fait. Ouais. Voilà. Je suis moins regardant là-dessus. Je sais pas comme toi ou Sion, justement, peut-être. Je suis moins difficile, moi, personnellement. J'en ai tellement rêvé d'un truc comme ça. Il est bien, Borderlands 2 VR. Hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. Hein. Il fait le taf. Hein. Mais je l'ai déjà dit, c'est parce que c'est l'adaptation d'un jeu qui date. Et ils n'ont pas mis des choses en plus pour la VR. Hein. C'est tout. Mais là, le problème, c'est que de là, il faut voir les compromis. Enfin, de là, est-ce qu'on ait un jeu entièrement conçu en VR d'une durée de vie pareille, bah, j'attends de voir ça. Hein. Parce que pour le moment, il n'y en a pas. Il n'y en a aucun. T'as aucun jeu qui a une durée de vie aussi importante. Ouais, mais. Et, avec comme un scénario dit, comme ça, Skyrim, Borderlands. Moi, je voudrais un juste milieu entre les toutes petites expériences de 2 heures et les jeux de 50 heures, 100 heures. Je préférais avoir un excellent jeu de 10-20 heures, quoi. Bien sûr. Ah oui, mais c'est pareil. Ça demande beaucoup de boulot, beaucoup d'investissement. Mais t'as Solus Project pour ça, non? Ouais, mais j'ai peur de me faire chier. C'est l'exploration. Je l'ai vraiment adoré. C'est toi, Spanx, qui l'avait mis dans les top 3, c'est ça? Ouais, je l'avais, ouais, j'avais même fait le test sur le site aussi. C'est pour ça que on n'a pas jamais trop parlé de ce jeu et pourtant il fait parler partie des jeux vraiment piliers du PSVR, Farpoint. Je trouve que c'est un excellent jeu à plein de niveaux. Justement, pour moi, ça m'a fait un 1.5 de la VR, quoi, avec l'AIM. Et ce que je lui reproche, c'est justement l'absence totale d'interaction, presque même d'immersion avec l'histoire, même s'il y a certains passages qui font que, mais, et puis ça se finit un petit peu en couille, encore une fois. Par contre, je suis pas trop d'accord quand tu parles d'interaction, parce que dans tous les cas, avec l'AIM Controller, tu t'auras pas plus d'interaction que t'en as dans Farpoint, en fait. Et tu le remarques aussi dans Oui, mais dans ce Firewall. Que je veux dire par là, c'était trop basé sur l'action et pas du tout sur, et je sais que j'aime pas ça, la réflexion, hein, n'est-ce pas, ça y est. Donc, j'aurais aimé qu'il y ait un tout petit peu quand même de trouver la clé pour machin, enfin, tu vois, autre chose que buter de l'araignée à bout de champ, quoi. D'accord, dans ce point de vue-là, ouais. Mais, ouais. Et Farpoint, je le conseille à toute personne, quoi. Si vous avez l'AIM Controller, mais prenez-le avec Farpoint, c'est du pur bonheur, quoi. Ouais. On est d'accord. C'est une bonne grosse référence, en tout cas. Ah ouais. Et je sais que quand il est sorti, il y avait tellement de gens déçus, je me rappelle. Il a été amélioré à mise à jour. Ouais. Non, quand il est sorti, c'était très mitigé en fait. Les gens avaient mis le niveau tellement haut, je sais pas ce qu'ils s'étaient imaginé. Non, t'avais des gros sites qui l'avaient taillé aussi. Hein. Faut pas oublier ça. Hein. Bah ouais, enfin après. Ouais. À l'époque, puis c'était un des premiers jeux où tu te déplaçais aussi. Grâce au stick de l'AIM Controller. On oublie que l'AIM, c'est pas juste un fusil, c'est aussi un stick. Et ça a rendu des gens un peu malades aussi, entre guillemets. Donc, c'est vrai aussi. Et c'était une telle découverte quand tu atterris. Et avant que tu rencontres les premiers ennemis, tu t'ennuies pas finalement. Parce que tu découvres un univers désertique qui est beau, hein, vraiment, même si c'est un peu monotone dans les décors, mais finalement... C'est assez monochrome, c'est ça, le seul truc qu'on pourrait vraiment reprocher à Farpoint, c'est ça. Mais c'est le premier, fallait commencer quelque part. Et il arrive au bon moment, et puis la coop, qui nous a fait tirer. La coop, vraiment, elle tuait. Le VS, on avait essayé avec Spanx, justement, la coop, et c'est vrai qu'effectivement, en fait... t'as l'impression d'être dans un parc d'attractions avec ton pote à côté de toi, sauf qu'il est à 15 km et tu joues dans la même aire de jeu et tu te fais des coucous et puis tu butes les bestioles ensemble et t'avances d'une espèce d'aventure et ça fonctionne très très bien et ça fonctionne d'autant mieux, enfin beaucoup beaucoup mieux qu'un jeu coop classique, c'est que tu vois les actions, les mouvements de ton pote en face de toi. Tout simplement parce que l'avatar de l'autre est modélisé complètement. Exactement. Et donc du coup, franchement, ça donne un côté vraiment prenant et immersif que t'auras jamais dans un jeu classique, quoi. Ouais, et puis ils avaient fait un lobby sympa aussi dans Farpoint. Ouais, dans... lobby, quand tu te retrouves, t'as plein de petites figurines, tu peux jouer avec, les jeter dans le trou. Tu peux taper dedans, tu peux faire ce que tu veux, c'est cool. Tout a fonctionné chez moi avec Farpoint. J'avais pas trop vu que c'était que des arachnides et je déteste les arachnides. Donc la frousse terrible, quoi. Mais j'en avais les poils qui se hérissaient, quoi. Toutes les différentes araignées de plus en plus grosses. À un moment donné, tu rencontres le premier ennemi robotique. Je me cache derrière des débris, pensant qu'il y avait personne. J'avance, d'un coup, je vois les débris qui s'animent. Mais ça avait fonctionné, mais du feu de Dieu. J'ai juste, moi, le bruit des armes qui... Tu sais, la mitrailleuse, je trouvais ça un peu cheap. Ouais, c'est un peu... pas Star Wars, mais... C'est Starship Trooper. Un peu fake. Ouais, Starship Trooper, un peu plus, ouais. Franchement, c'est vraiment, ça me fait vraiment penser dans l'ambiance que j'aime beaucoup. En plus, excellent. Après, il y a eu Firewall. Firewall, il déchire. Firewall dans un côté beaucoup plus réaliste. quand même. Ouais, beaucoup plus réaliste, mais. D'ailleurs, bah, vous avez joué un petit peu là avec les nouvelles armes là, parce que. Bah, Firewall, c'est l'introduction du multijoueur sur PlayStation VR, hein. C'est surtout ça l'intérêt. Hein. Je vous laisse meubler. Ça marche. Okay. Bon, on va parler de Sei. Qu'est-ce qu'il est lourd, hein. Ah ouais, putain, il anime mal en plus, hein. Vous ne trouvez pas, non? Et qu'est-ce qu'il est. Ah, puis... Il est vraiment pas séduisant en plus, hein. Ah, tu te rends compte, ça fait une heure et demie qu'on est là. Moi, quand il m'a dit 37 ans, les gars, je pensais qu'il en avait 10 de plus. Mais non, mais en plus, vous savez, quand il vient chez moi, je le connais bien, moi. Il vient chez moi, il vide toutes mes bouteilles, je le répète, hein, mais c'est un sacré pochetron, celui-là. Ah la vache. Allez, vas-y, donne son numéro de téléphone portable. Je le balance à tout le monde. Bah voilà. Stop. Là, j'ai vu une promo de foot sur Steam, Crow Team VR Bundle. Ça veut dire tous les sérieux Sam en VR, plus Talos Principal, à seulement 15,70€. C'est un prix de fou. Un prix de fou, les gars. À ce qui paraît, t'as des moins 80, moins 90% sur Steam. Là, c'est sur moi. Là, celui-là, il est à moins 92%. Et franchement, le pack, il vaut tellement le coup. À 15€, t'as Talos Principal et tous les sérieux Sam en VR. T'as je sais pas combien d'heures de jeu. C'est un truc de fou. Et Talos Principal est vraiment bien. Je me rappelle plus de ce jeu-là. Il était sorti sur PC et PS4, je crois. Ouais, c'est un jeu d'énigmes et tout, très sympa. Franchement, j'ai beaucoup joué. Je l'ai pas fini, mais j'ai beaucoup joué, ouais. J'ai dû passer une quinzaine d'heures dessus et je l'ai pas encore fini. Il a une bonne durée de vie et tu t'amuses bien, ça te fait bien réfléchir. Et t'es dans un univers sympa en VR, franchement, t'as plusieurs mondes différents. Et t'as un monde, par exemple, t'es un peu en Égypte et tout. Franchement, j'allais voir les sculptures, j'étais à fond dedans. Enfin, c'est trop beau, quoi. Mais sinon, Camille, la question à la con, c'est quoi ton jeu préféré sur PlayStation VR ? Sur VR, putain, ça c'est une bonne question. Attends, j'espère qu'on a 10 minutes, parce qu'en plus, la bouteille de Sky, elle est moitié vide. Tant qu'il reste la moitié, c'est bon. Ah, honnêtement, je répondrais, j'hésite entre Sprint Vector et ouais. Alors c'est hyper original parce que bon, tout le monde s'attend à du Resident, des choses comme ça, mais tu vois, moi en fait, c'est parce que Sprint Vector, en fait, c'est un peu le jeu, tu sais que t'attends pas. Tu le regardes un petit peu, tu dis, il y a Knockout League aussi qui m'a fait une super fissure du ménisque et grâce à ça, je me fais opérer la semaine prochaine. Mais toi, c'est les jeux que tu regardes un petit peu où tu t'y attends pas, tu dis ouais, c'est bon, et une fois que tu y joues, tu dis waouh, papa, la claque. Non? Eh ouais, Spring Vector. Oh, c'est rare d'entendre ce jeu-là. Hein. Ouais. Moi, franchement, honnêtement, mais j'ai surkiffé, mais un truc de malade. Là, j'ai joué là, en ligne, etc., avec les mecs, on s'est tiré la bourre, mais on s'est fait des runs de malade avec les... Toi, une fois que tu commences à comprendre les mécaniques de gameplay, mais tu prends un pied, mais comme j'ai jamais pris sur VR... Et t'as les cités, c'est vrai qu'il est bon. Hein. T'as les cités To The Top, hein, c'est un peu le même genre, en fait, aussi. Hein. Moi, To The Top, tu vois, ça me fait penser au... Bah déjà, tu vois, à partir du moment où dans le jeu, tu peux aller à peu près où tu veux... c'est un gros plus, toi, un peu comme Indes où tu peux aller sur les toits, etc. Et là, tu te ramènes, tu montes tout en haut des édifices et t'en as, mais c'est énorme. Tu vas tout en haut et tu regardes, en fin de compte, tu te poses avec ta musique. Alors, tu te mets tu te mets du Nirvana, tu peux te mettre du folk, tu vas te mettre du rock. Mais c'est l'éclat, quoi. Et à partir du moment où le jeu arrive à me convaincre à rester inactif en écoutant de la musique, et eh ben ça a gagné, quoi. Les deux qui sont en promo d'ailleurs, 7€ pour Spring Vector là jusqu'au 19 janvier et To The Top qui est aussi en promo. J'hésite à l'acheter, j'ai jamais fait To The Top. Ouais, moi je te dirais, tu vois, ce qui est bonheur dans le jeu, c'est que t'as des niveaux what the fuck et des trucs de malade, tu vois, t'as un niveau alors toi t'as easy, normal et hard, et en fait chaque mode a à peu près une quinzaine de niveaux. Donc c'est toi, dans chaque niveau tu vas avoir des orbes à récupérer, un meilleur temps à battre, et le fait de finir tout simplement le niveau. Et t'as des niveaux, honnêtement, il y en a, c'est à moitié des masques, tu sais, les masques un petit peu blancs que tu as dans les sculptures où tu dessines dessus, en fait c'est des masques géants avec des mains géantes, des pieds géants, avec toute une coulée un petit peu couleur or. En fait, c'est du miel qui coule et le niveau s'appelle Onei. Et tu montes à des hauteurs vertigineuses. Oh, mais c'est des trucs de malade. T'en as un autre, tu fais un niveau où t'es en fin de compte, tu suis un convoi de bagnole qui est en train de rouler et en fin de compte, tu slalomes de bagnole en bagnole. Et si tu te casses la gueule, bah, tu sais, tu recommences au début. C'est énorme. Donc, 7,50€ là, ou 8€, bah, vas-y, fonce. Et puis, par contre, tu vas perdre du poids, tu vas faire du sport et tu vas suer, quoi. Ah ouais, bah d'accord. Entre Beat Saber, Creed, ça bon. Et toi, Sphinx, c'est quoi ton meilleur jeu, donc Fallout, mais sur PSVR? C'est vraiment difficile à dire parce que il y en a plein que j'ai adoré que ça fait 2 ans que j'ai pas joué, que j'ai joué au début, mais que j'adore. Par exemple, Dirt Rally, là j'y pense, j'ai envie de me le remettre. Parce que les jeux de voiture, on en a pas assez, tu vois, je trouve, enfin, franchement. On a vraiment rien, quoi. Il y a Gran Turismo, bah là je me suis commandé Drive Club là parce que j'ai envie de l'essayer en fait. Ouais. Vous l'avez les gars là d'ailleurs celui-là? Ouais, il faut le faire en multi, ça peut être trop drôle. Oh putain. Ouais, bah là ça y est, je l'ai commandé là, je devrais l'avoir demain. Avec la buggy où tu mets le coude sur la portière, c'est trop marrant. Quoi. Il marche bien avec le volant celui-là ou? Ah mais en multi c'est mais même il est sous-estimé hein Drive Club hein, il est très bien. Bah, en fait moi je me suis arrêté pour tout te dire, j'ai essayé la démo. Elle a l'air dégueulasse, voilà, et ouais. J'ai entendu dire que le jeu sera un petit peu mieux, donc j'ai envie de me laisser tenter parce que les jeux de voiture il y en a pas beaucoup. Ça picote hein, ça picote beaucoup. Ah, mais ça picote. J'ai bien aimé la fin dans la démo quand même. Donc, C'est un vrai gros jeu complet. Il y a des beaux effets de lumière. Il faut rouler vers 18h en général. T'as des beaux couchers de soleil. Et t'as plein de caisses. Et t'en as qui sont trop drôles à conduire. Je te dis, il y a des buggy. Elles sautent comme des malades. T'as plein de circuits. Les replays sont bien foutus. Les musiques sont vachement bien. Drive Club... Ok, il a des défauts clairs et nets. Graphiquement, ça pique, ça aliase à mort. Mais t'es dedans, quoi. Avec un volant en plus, c'est pur bonheur. Hein. Il coûte rien. Ouais. Bah là, je l'ai pris 20€. Et c'est un vrai jeu où tu peux jouer en multi jusqu'à 8, je crois. Hein. Ouais, ça c'est. Ouais, tu peux jouer jusqu'à 8. Ouais. Bah, tu vois, je suis curieux d'avoir ton retour là, Spanx, sur le jeu, parce que moi, honnêtement, j'ai pas accroché. T'as pas accroché du tout? Ah moi c'est honnêtement graphiquement ça m'a gonflé hein. Mais vraiment. Ah ok. Après on se lance un défi l'année prochaine, on fait un let's play à plusieurs dessus. Après j'ai joué sur PS4 standard hein. Maintenant que j'ai la pro ça a peut-être changé mais j'ai pas relancé le truc. Hein. Je sais même pas s'il a eu un patch. Et ouais. Et sinon Dirt Rally vous l'avez fait non? Enfin vous avez joué un peu ou? Ouais. Ah oh bah c'est pur bonheur. C'est... Parce que celui-là il est vraiment vraiment bien. Et celui-là j'y ai passé justement mais des soirées. J'ai acheté un volant à cause de ce jeu. J'ai encore joué. J'ai beaucoup joué. Ça faisait longtemps que j'avais pas joué à un jeu de voiture autant. Un peu depuis Gran Turismo, le premier sur PS1. Donc pour vous dire. Il était bon celui-là. Ouais. Ah ça y est Pépé. Hey ça y est Pépé, t'as été faire à ton petit pissou. Tout va bien. J'ai une petite vessie à mon âge. D'accord. Par contre, du coup, quand tu dépasses la minute, c'est plus pipi, hein. Non, c'était pipi clope, hein, si on doit être complètement transparent. D'accord. Et toi, Saïd, si tu devais en choisir un, ce serait quoi ton jeu PSVR? Mon jeu PSVR ultime. Yes, la question à la con. Non, j'ai déjà dit en podcast, hein, c'est Rush of Blood. Pour moi, c'est... ouais, je reste encore campé là-dessus, mais pour moi, c'est... Le jeu qui allie tout, c'est le slash porn du PSVR. Bah, il y a de ça un petit peu, non? Il y a de ça. Il y a aussi la précision en fait des contrôles, la qualité graphique, parce que quand même graphiquement, tu peux pas le mettre en défaut, même sur une PS4 normale. Il est moche. Ah non, il est pas moche. Ah, il est sombre. Je suis pas d'accord. Non, il est sombre. Il est sombre, mais il est pas moche. Il y a un game design qui est vraiment parfait. La diversité, l'efficacité, la précision. Ah, précis, bof, hein. Mais ouais. Ah, si. Et puis, t'as tout dedans. Je veux dire, t'as les sensations roller coaster un petit peu. Voilà, et très efficace. Il est très efficace. Justement, un des seuls qui est aussi efficace. Qui mélange plein de trucs, justement. L'horreur, la précision. Les sensations du PSVR, enfin de la VR même en général, que tu retrouves dedans, et pour moi c'est vraiment c'est le meilleur quoi. C'est vraiment celui qui te transporte complètement ailleurs, qui t'apporte des sensations, qui te fout un petit peu la trouille, qui t'impressionne. Et pour moi c'est ma meilleure expérience, une des mes premières certes, c'est peut-être une Madeleine de Proust, mais pour moi c'est le meilleur quoi. Et du coup, toi, sinon, c'est quoi ? Bah moi, c'est Wipeout. Je l'ai mis dans mon top. Ouais. Voilà, je suis un fan de Wipeout depuis longtemps et quand j'ai commencé à y jouer en VR, j'étais hilar quoi. J'en riais de joie tellement je trouvais ça hallucinant de se retrouver dans le cockpit du jeu. Graphiquement, j'ai été bluffé. Techniquement, par la vitesse, sans concession, j'ai aussi adoré. Ce qui me fait chier, c'est que je l'avais fait sur PS3 et que je dois me retaper toute l'expérience pour choper tous les véhicules, toutes les courses, tous les défis. C'est chiant, ça m'énerve un peu. De payer deux fois le jeu et devoir me retaper tous ces points d'XP qui sont longs à charger. C'est clair. Mais voilà, Wipeout. Mais pourtant, c'est pas le jeu de course, c'est pas mon type de jeu préféré. Mais il y a plein d'autres jeux que j'adore sur PSVR. Mais voilà, si je devais en choisir qu'un, Wipeout Omega Collection. C'est vrai qu'il est très efficace, mais il n'est pas à la portée de tout le monde en même temps. Non. Ouais, je sais pas. Si. Après, c'est clair. Si les gens ils se posent la question de savoir s'ils doivent acheter un PSVR, tu leur mets Wipeout et là, ça, en 30 secondes, ils sont convaincus, les mecs. Ouais. Oui, il joue en Venom, en Flash, et c'est toujours sympa. Il se prend bien en main quand même. Enfin, moi qui suis nul à Wipeout, j'adore Wipeout en plus, mais je suis un joueur occasionnel de Wipeout, on va dire. Et quand j'ai joué en VR, comme sur Dirt Rally, j'arrive mieux en fait en VR que sur écran plat. Sur écran plat, je suis une bille. C'est vrai. Dans Dirt Rally, en tout cas, j'avais vraiment du mal sur écran plat. Mais dès que j'ai mis le casque, boum, je suis parti. C'est pour ça que je dirais que c'est un de mes préférés, que c'est mon préféré peut-être Dirt Rally. Hein. Il m'a mis une claque, c'était le premier jeu de voiture vraiment, t'es dedans. Surtout les jeux de course, en fait, j'ai l'impression que les jeux de course en fait en VR sont beaucoup plus précis et t'arrives plus à appréhender en fait ce qui se passe devant toi. Ouais, mais techniquement, vu que ça va très vite, c'est compliqué quoi. C'est comme si t'étais au volant de ta bagnole, donc t'anticipes les virages comme si tu conduisais. Développer un beau jeu réaliste de course, c'est compliqué parce que avec les 60 images mini, t'y arrives pas. Aujourd'hui, c'est compliqué. Maintenant, demain, je suis persuadé que ça va être. Ah ouais. Et je peux dire, j'attends d'être à demain. Hein. Tu foutrais un Gran Turismo 3, c'est le premier qui est sorti. Attends, je crois. Le 3, le premier qui est sorti sur PS2 en VR. Multi. Multi ? Ah non, c'est pas multi. Mais ça manque qu'il n'y ait pas des caisses autour de toi, je trouve. Non, je te dis, avec d'autres véhicules gérés par l'IA, tu mettrais ça. Donc, Gran Turismo 3, avec l'IA autour de toi, techniquement, bon, qui vaut ce qu'il vaut, mais qui est quand même très joli, tu le mettrais en VR, mais ça marcherait super bien. C'est simple, c'est efficace. T'as pas une grosse optimisation à apporter par rapport à la VR, ça marche pas trop bien quoi. Ouais. Et ouais. Bref, faut voir. Un jeu PS2, je veux dire, sur la génération PS3, ils ont fait plein de remakes justement PS2. Pourquoi ils ne les transposent pas sur PSVR ? C'est justement la qualité qu'il faut. C'est-à-dire, c'est des jeux qui étaient déjà développés sur PS2, qui ont été remasterisés sur PS3. Donc déjà, une génération de retard. Qui pourrait être transposé sur PS4, et c'est un truc qu'ils ont essayé de faire sur un gameplay un petit peu plus compliqué, Zone of the Ender. Ils pourraient le faire, t'as quand même des gameplays qui sont beaucoup plus simples que le combat de robot à la con en 3D. extrêmement nerveux, ils pourraient foutre des trucs un petit peu plus lents, comme par exemple, justement, Gran Turismo. Ouais, mais la question vient, est-ce qu'on peut transférer en VR n'importe quel jeu? Et non. Quand, la, des la jeux réponse, de voiture. Quand tu le vois, Zone of the Enders, non, ça marche pas. Oui, mais des jeux de voiture. Ah, ouais. En jeu de voiture, je pense que ça peut beaucoup mieux marcher. Est-ce qu'ils étaient obligés de transposer justement un espèce de mode arcade à la con, enfin, ou de time trial de Gran Turismo Sport sur, sur PSVR? Est-ce qu'ils auraient pas pu mettre tout un mode complet d'un jeu comme, je sais pas, le plus détesté de tous, c'était Gran Turismo 4, je crois, qui était quand même très très bon, hein, je trouve. Est-ce qu'ils auraient pas pu le transférer directement sur PSVR, faire une transposition, faire un remaster PSVR? Ils ont choisi la carte de la, quelque part quand même, de la facilité, la vitrine technique, parce que quand t'es dans la voiture, c'est magnifique. Il faut bien dire ce qu'il y a dans GT Sport. La voiture, l'intérieur de la voiture, c'est hallucinant. Et t'as une voiture que tu dois dépasser, que tu fais au bout de 10 mètres. Et voilà, c'est un choix. Et c'était pour porter un peu aussi le jeu GT Sport. Après, tu vois, moi, ce que j'ai trouvé vachement dommage, j'ai eu le cas avec les retours de fête, etc., les gens qui ont acheté le PSVR, et notamment qui ont eu le bundle avec GT Sport. Et les mecs, ils me disent, mais ouais, mais tu peux pas jouer en multi, tu peux pas jouer en arcade, tu fais du 1 contre 1 time trial. C'est une version bridée. Et tu vois, le problème, c'est pas forcément le fait que tu puisses jouer en time trial, c'est le fait que les gens qui achètent ce produit ont l'impression que tout le jeu est compatible. Et là, je me dis, est-ce que c'est pas de la publicité mensongère? Et là, ça me fout les boules. Parce que les mecs, en 10 minutes, ils vont te dire, ouais, mais la VR, ouais, c'est impressionnant, mais c'est de la merde. Et ça me casse, ça me gonfle, parce que là encore, tu vois les mecs qui se plantent, quoi. La communication, elle est pas bonne. Et à un moment de temps, il va falloir rétablir la communication et arrêter de vendre à tout prix n'importe quoi. Il y a plein de pièges, hein, avec le PSVR et GT Sport. Je me rappelle de vidéos de salons où tu voyais des mecs jouer avec un casque contre 7 opposants. Ouais. Donc c'est vrai qu'il y a un côté what the fuck. Quoi, sur PC, et... sur des versions de développeurs, quoi. Ouais. Sur PC. Et tous ces trailers qu'on voit aujourd'hui, bientôt sur PlayStation VR, ben en fait, c'est des trailers PC. Donc, ça perturbe aussi, parce que le jeu est pas toujours le même. Et le trailer qu'on voit sur sa chaîne YouTube en flat, ça représente pas non plus le jeu final dans ton casque. Surtout sur ton casque PSVR, hein, on va dire la vérité. Faut le vendre, hein. T'as aussi un côté commercial où faut vendre du PSVR, vendre du rêve, hein. C'est le taf des commerciaux. Et est-ce que t'as concrètement quand tu mets le casque sur la tête? Et tu sais qu'il y a des jeux très beaux, hein, sur PSVR. Ouais, et en plus, c'est ça le pire, mais qui n'ont pas forcément des licences aussi vendeuses que Gran Turismo, que je ne sais quoi. En fait, c'est là que le bas blesse. En fait, c'est qu'est-ce qui fait vendre des PS4, tout simplement. C'est quoi? C'est Gran Turismo, à la limite, beaucoup moins maintenant, des FIFA, des Call of. Et comment tu veux essayer de vendre ça? Call of, ils avaient essayé de vendre ça, c'était pour Black Jackal, c'était quoi? C'était Infinite Warfare, je crois, Sphinx? Ouais, mais c'était pas en... Ouais. Un DLC comme ça lancé sans prétention, ça? Oui, c'était un truc gratos, justement. Ils ont essayé justement d'apporter une amorce, en fait, pour vendre le PSVR, en tout cas la technologie. Et à côté de ça, tu avais aussi Gran Turismo, qui était quand même une grosse licence, et ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas de contenu. Et là, ce qu'on voit arriver à plein nez, c'est que Escombat 7, ça va être un jeu qui va faire vendre, malheureusement, pour sa promesse des PSVR, des promesses qu'il ne va pas tenir. Bah, surtout sur les bundles, en fait. Parce que c'est là le pire. Enfin, les gens qui s'informent, ils le sauront, en fait, qu'il n'y a que quelques missions en VR. Mais les gens, ils voient le bundle sur... Enfin, tu vois un bundle, tu vois Escombat 7, PSVR. Tu te dis, bah ouais, là, forcément, tu te dis, j'achète le jeu complet en VR, quoi. Enfin, c'est vraiment d'accord. Combien il y a de gens, justement, de consommateurs lambda qui vont acheter, en fait, un produit qui ne savent pas exactement où ils mettent les pieds, malheureusement? Tu sais, moi je vais te dire quasiment la totalité. Parce que moi, tu vois, oui, quand j'ai un casque, J'étais comme un con, j'achète le cast, etc. Et heureusement que j'avais des amis pour me dire attention, parce que t'as compatible PSVR, t'as expérience PSVR, là où je sais plus quoi, ou style Tomb Raider avec juste le manoir, et un jeu complet PSVR. Déjà, t'arrives sur trois branches différentes, et quand tu maîtrises pas le sujet, bah, obligatoirement, tu te prends un mur. Et c'est ça qui mal vend justement le PSVR, en tout cas dans la. Exactement. Dans le côté pérenne un petit peu de truc. Ça parle à tout le monde. Il y a aussi ça, il faut toucher le maximum de monde et tu vends pas du PlayStation VR avec Farpoint. Hein. Oui. Et bah pourquoi pas. C'est clair. Non, bah, c'est... non mais c'est clair. Et tu le vends plus avec du Kingdom Hearts. Tu le vends avec toutes ces conneries, enfin toutes ces licences qui sont plus importantes. Les gros blockbusters, et là on en revient toujours à Resident 7, Resident Evil 7, c'est une putain d'anomalie. Voilà, c'est l'arbre qui a caché pas de forêt, quoi, rien du tout. Ouais, c'est ça. C'est ça. Tekken 7, c'est une. C'est un scandale. C'est un scandale. C'est un sketch. C'est pas un scandale. Et Spanx et moi, on l'a acheté justement avec le côté VR. On pensait pouvoir, je sais pas, juste faire un combat en VR. Ah ouais. C'est un truc de fou. Non, c'est impossible. Non. T'as qu'un mode training dégueulasse, tout pourri, exhibition, et voilà quoi, c'est... Putain, mais vous êtes un peu cons les mecs, hein. Oui, on est complètement cons, mais ça on l'assume. Là par contre, oui, effectivement. Ah mais alors, non, mais moi le jeu, enfin je l'ai... Alors moi je l'ai pris sur PS4 pour... Enfin pas... En fait je l'aurais pris sur PC ou sur PS4, mais j'ai choisi sur PS4 parce qu'il y a le mode VR. Pareil. Mais voilà, j'en attendais pas plus, mais je m'attendais pas que ça soit autant de la merde. Après, on se rassure. De la merde. Je pense vraiment. Je pense pas qu'il est beaucoup plus beau sur PC que sur PS4. Je pense pas. Ouais, en tout cas. Ouais, non, peut-être pas. Ouais, enfin bon. On se rassure, hein. T'as une manette sur PC. Pour un jeu comme ça, moi, perso, mais j'aime pas trop. Ouais, enfin, j'ai un petit joystick, moi. Mais voilà. Il marche sur les deux. Au moins le confort d'une bonne manette DualShock 4, c'est bien. Ouais, voilà, ça passe bien déjà. Donc, Non, mais Tekken 7, c'est un bon jeu hein, en lui-même. C'est un très bon jeu, hein, voilà, plat. Mais acheter ce type de licence en mettant PSVR, de toute façon, c'est qui les éditeurs? On va le rappeler, c'est Bandai Namco. Ouais. Voilà, qui ont fait One Piece, qui ont fait ça, et qui font. Voilà. Ace Combat. C'est bon. Je le cite même pas parce que. Dragon Ball. Ils sont bons. Mais le pire, c'est que je vais me le prendre. Ouais. Est-ce qu'on va acheter AC7? Toi? Moi, je vais le prendre. Je suis fan depuis le premier, donc je vais le prendre. Et moi, je crois aussi que je vais le prendre parce que il paraît que c'est tellement génial en VR que j'ai envie de me retrouver dans un cockpit, de décoller. J'ai envie de me le faire en plat, déjà. J'ai envie de découvrir le scénario, de voir un petit peu ce qu'il propose. Ah ouais, mais par contre, ça va me faire comme GT Sport. Je vais me faire chier, mais chier comme un rat mort. C'est le problème quand tu... Avec ma voiture qui avance pas, pour ouvrir des nouveaux circuits, des nouvelles voitures en plat, et me délecter en VR pendant quelques minutes, ça va faire le même effet sur AC7. Je vais me faire chier à voir ça sur ma télé. Et après, voilà, avoir les yeux grands ouverts avec mon casque. D'ailleurs, je me demande si toutes les missions VR seront accessibles dès le début ou s'il faudra les débloquer, tu vois. Oh, je pense que oui. Hein. Ils vont quand même pas pousser le vice jusqu'à te faire jouer au jeu original pour. Non, je pense pas. C'est mal connaître Bandai Namco. Hein. Oui. Bah, Tekken 7, c'était dispo direct. Hein. Ouais. Voilà. Ouais. Bah oui, après c'est le seul exemple que j'ai donc. Ah non, mais Tekken 7 c'est la pire honte que j'ai jamais vue. Arrête de me parler de toi. C'est vraiment lamentable, mais c'est tellement lamentable. Attends, franchement, t'as Nina Williams en face de toi. Ouais, non, mais ça vaut bien 70 euros. Ouais, enfin ça va, ouais, d'accord, mais. Et même c'est mal fait, je crois. Mais... Moi c'est mal fait. C'est le mode combat le pire. Enfin, les décors, t'as rien. C'est tellement lamentable. Mais c'est vraiment. Clair. Ouais, mais ils ont pu faire mieux, hein. Non, ils ont pas cherché à faire mieux, surtout. Ça sent. Ils sont pas investis. À mon avis, ils l'ont fait en une heure, en fait. Bref. Donc, AC7, il sort le 18, je crois. Hein. 18 quoi? Janvier. Janvier? Ça sort bientôt, hein. Ça sort dans deux grosses semaines. Hein. Bon, il y a Cyril qui sort le test, en tout cas. Il nous le dit depuis pas mal de podcasts. Donc, je pense que c'est lui qui va se taper le boulet, quoi. Ça va être dur de le noter, d'ailleurs. Hein. Enfin, franchement, noter... sur quoi tu notes? Sur la partie VR? Bah, ça va être comme prêt, en fait. Hein. Ça va être... Est-ce que tu notes le jeu sur uniquement l'expérience ou sur ce qu'il t'a coûté? C'est-à-dire le jeu d'origine en plat, le DLC en plat, pour prêt, en tout cas. Et puis, l'expérience qui était offerte pour les joueurs de VR. Ouais, mais qu'on soit bien d'accord. Prêt, c'est un notable. Enfin, justement. Mais prêt, en c'est plus, c'est deux jeux. Hein. Vous avez l'Escape Room game qui est sorti et il y a le multijoueur qui devrait sortir au mois de janvier. Et d'ailleurs, c'est des DLC qui sont gratos. Non, bah, on en revient au même sujet que d'habitude. En fait, si tu veux, c'est on va dire que c'est le DLC gratos d'un DLC, en fait. Donc en fait, il faut que tu achètes le jeu original, après il faut que tu achètes le DLC Mooncratch, et en fait, c'est une mise à jour de Mooncratch qui rajoute ces modes-là. Ouais. Donc en fait, tu es obligé d'acheter soit la Deluxe édition qui a t'as les deux dedans, soit les deux. Tu vois ce que je veux dire? Après, donc, ça vaut pas le coup. Enfin, je veux dire, si tu achètes que pour le VR, ça vaut pas le coup. OK, Camille. Ouais. Moi, excuse-moi. Tu vois, ce que j'ai l'impression, c'est que tu vois, t'as plein de développeurs qui se disent, putain, mais qu'est-ce que c'est la VR? On sait que c'est l'avenir. Faut pas se leurrer, c'est l'avenir. Maintenant, tu vois, j'ai l'impression qu'ils développent un petit peu des expériences. Hop là, on va voir ce qu'on sait faire, ce qu'on peut faire, et on va voir un petit peu les retours. Et moi, tu vois, je suis content, parce que t'as pas mal d'expériences, à C7. On a Namco Bandai, c'est une licence qui est hyper vieille, elle a 20 ans je crois. La licence, tu te dis que si les mecs ils commencent à opérer aujourd'hui sur de la VR, tu sais que demain ils seront sur la VR si ça fonctionne. Donc tu vois, je suis content de voir des gens, des développeurs comme ça, des gros studios qui commencent à tâtonner, parce que on sait que l'avenir c'est ça. Donc tu vois, ça va peut-être pas faire vendre des casques, ça c'est clair. Par contre, ça va permettre aux développeurs de se faire la main. Ouais. Se familiariser avec la technologie, et je pense qu'il y en a plein qui font ça, mais là Bethesda pour moi ils sont en train de reculer et ils commencent à me faire flipper, je vous le dis sincèrement. Ouais. Ils ont sorti la première année, ils ont sorti trois gros trucs, à savoir Doom VFR, le portage de Skyrim VR et le portage de Fallout 4 sur PC. Franchement, c'est trois gros jeux. Hein. Enfin, Il t'étonne et là maintenant. Aussi, hein. Voilà, donc là ils sont. Après là, c'est pas eux qui ont développé, par exemple concernant Prey, mais c'est eux qui éditent. Ouais. Là, honnêtement, c'est du petit contenu. Hein. On est sur vraiment du petit contenu. Hein. C'est de l'expérience qu'on aurait pu voir au début du PSVR. Ouais, c'est Arkane Studio, des Français. Ouais. Mais des Lyonnais. Mais ce qui me fait peur, c'est quand tu vois Wolfenstein et ce DLC là, tu te dis d'accord, ok, mais en fait. Enfin, c'est pas du gros contenu, hein. C'est pas le contenu qu'on a eu avant, hein. Ce qu'ils nous ont offert, quoi, d'un coup, quoi. Ils ont balancé leur grosse cartouche, en fait, dès le départ, et voilà. Je pense que Skyrim faisait partie des grosses cartouches aussi, en tout cas sur PSVR. Et ils savaient qu'ils étaient capables de faire ça. Fallout 4 VR, malheureusement, en fait, c'est un truc qui est pas disponible sur PS4 à cause de la limitation technique. C'est impossible de le mettre en place. Je pense que maintenant ils essayent de. Enfin, ils ont vu un petit peu l'étude de marché. Alors, je pense qu'ils ont fait beaucoup d'études de marché. Et ils ont vu que mettre un truc trop ambitieux sur un jeu qui s'est pas vendu en plus près et s'est pas du tout vendu sur PSVR était en tout cas un remake totalement VR n'était pas viable. Donc du coup ils ont proposé une petite expérience. Et puis ils vont voir un petit peu comment ça se passe. Pour le moment, en fait, c'est uniquement ils essaient de piocher à droite, à gauche, pour voir si ça fonctionne. Voilà, tout le simplement. Problème, c'est qu'ils n'ont pas. Enfin, ouais. Ils n'ont pas cherché à faire plus dans tous les cas. Ils font pas plus que. C'est en mode c'est une expérience. Ils balancent des lignes. Est-ce que c'est pas. Ouais, mais nous, on annonce à l'E3 comme du contenu VR. Enfin, nous, on l'a vu comme ça, en tout cas, on attendait ça. On a entendu le mot VR, on était comme des fous. C'est de l'annonce. On se retrouve avec des petites expériences, quoi. C'est un effet d'annonce. C'est de l'annonce VR. Après, tu sais, regarde, tu prends une entreprise. L'entreprise, elle va générer du bénéfice. Le bénéfice, elle va le réinjecter sur la recherche et le développement. Là, dans l'industrie du jeu vidéo, où est-ce que tu réinjectes ton pognon? Tu vas le réinjecter avec une somme modique soit-elle dans, par exemple, la réalité virtuelle pour savoir ce que ça va donner demain. Donc, tu vas donner un petit peu à 15 ou 20 personnes. Allez, on va vous donner 100 000 balles. Vous allez voir ce que vous pouvez faire avec la réalité virtuelle. Et c'est de l'argent, entre guillemets, perdu. Et on va voir ce que ça donne. Et on a des expériences comme sur Prey, comme sur Ace Combat 7, parce que c'est des expériences qui demain deviendront des jeux. Et tu vois, on a d'autres entreprises qui se disent, bah tiens, on va recycler du jeu, allez hop, on va prendre du Skyrim, on va prendre du Borderlands, on va faire des portages, voir le public comment il réagit. Parce qu'aujourd'hui, faut pas se le leurrer, on a 80% d'indépendants qui vont développer des jeux sur notre plateforme et 20% de gros studios qui vont frileusement mettre des expériences ou des jeux complets. Et heureusement qu'on a des indés aujourd'hui pour promouvoir la VR. Et en fin de compte, ces gros studios, c'est pas compliqué. Ils ont du pognon. Comment ils vont pouvoir réinjecter leurs bénéfices pour faire encore plus de bénéfices? Elle est là, la question. Ouais. Bah, Bethesda, moi, je pense qu'ils avaient une ligne stratégique qu'ils ont voulu suivre. Et que même si on critique beaucoup cet éditeur développeur aujourd'hui avec Fallout et d'autres mensonges en tout cas, qu'ils ont pu balancer, ils ont juste fait acte de présence en VR cette année avec Prey qu'ils ont confié, enfin laissé encore une fois aux Lyonnais. Oui. Et donc ils s'engagent pas sur Prey, ils laissent tâter les autres. Okay, mais au moins, ils suivent leur ligne directrice. Pour eux, je pense que pour Bethesda, pour eux, c'est clair, la VR, c'est l'avenir du jeu vidéo. Donc, ils se sont dit, 2017, on a fait Skyrim, un peu paresseux. On a fait Doom VR, un peu court. On a fait Fallout, uniquement sur PC. Ça leur a pas rapporté des mille et des mille, hein. Encore que Skyrim, c'est un des meilleurs jeux vendus sur PSVR. Mais bon, toute proportion gardée. Cette année est prêt. Wolfenstein, il est toujours pas sorti. Ça sent pas très bon. Ouais, voilà. Mais par contre, faut rester confiant pour l'année prochaine parce que entre leur annonce et la sortie du jeu, ça peut être très court. Skyrim VR, c'était assez court, hein. Donc, il est possible qu'ils nous ressortent un truc l'année prochaine, une grosse licence Bethesda, hein, en VR. Quoi, Oblivion? Eh ben, moi, je vous coupe, les gars. Et si je vous parle de Evil Within 2, ça vous parle ou pas? Bah oui. Surtout qu'ils ont rajouté un mode first person. Le mode FPS. Le jeu est sorti. Dans les lignes de code, on a trouvé le mot VR, HTC. Ah oui, c'est vrai. Et voilà. Qui marche pas mal en FPS en plus, hein. Donc, très bien en FPS. Bon, bah, ce sera le jeu Bethesda de l'année prochaine. Et voilà. Et puis, c'est pareil, les gars. Il y a eu aussi. Il y a eu de grosses rumeurs sur GTA V compatibilité VR. Faut pas l'oublier. Mais GTA V, c'est compatible VR depuis le début de GTA V sur PC. C'est-à-dire que t'as toujours des modes en fait qui sont. Enfin, Rockstar, j'y crois pas. Mais elles l'ont déjà fait pour. Non, mais c'est pas Rockstar. Ils l'ont déjà fait. Rockstar, hein, et ben ils ont sorti L.A. Noire, ils ont sorti cette mission en VR disponible sur PC. L.A. Noire ont servi de pas de développeur mais de. Bah, L.A. Noire si, il est édité par d'édition. Rockstar. D'édition. Ouais, bah, c'est les éditeurs, c'est ceux qui décident, les éditeurs. On est d'accord. Mais ils savent pourtant que je sais pas GTA 5 ça fonctionne en VR. Ils n'ont pas investi, ils n'ont jamais fait d'annonce dessus. Hop, moi je suis pas d'accord. Tu parles de Gran Turismo? Non, GTA. Ah, non, GTA. GTA. Et parce que après, ouais. c'est la rentabilité du produit. Si tu investis, est-ce que tu es sûr de récupérer ta somme? C'est pas compliqué. C'est pour ça, si tu investis de l'argent et que tu as perte, tu vas pas investir. Ouais, surtout quand tu. Mais t'as tellement de bénéfices sur GTA, tu sais que ça fonctionne en VR, tu sais qu'il y a des modes qui fonctionnent sur PC en VR. C'est trop tôt, je vais reprendre ce que tu me disais, c'est que techniquement ça tiendrait pas, et puis c'est pas encore, il y a pas encore assez de casques, et je parle pas du PSVR. GTA 5, ça serait vraiment ambitieux hein, quand même. C'est un monde ouvert qui est très ouvert. Qui est très ouvert, mais qui est très même sur PC, qui est très unifié. Chaud. Bah, ils attendent que les consoles s'y mettent aussi, peut-être. Ouais, mais les consoles. Et donc, du coup, donc, on revient la génération à ce que vous disiez de... tout à l'heure. C'est voilà. La génération 2, exactement. C'est la version PS5 où là vraiment on verra une espèce d'explosion. En tout cas, les gens seront un petit peu moins timides. Les éditeurs, les développeurs seront un petit peu moins timides pour sortir des jeux PSVR. Il y a un analyste d'ailleurs qui prédit que la PS5 fera tourner les jeux PSVR en 240 FPS. Alors, frame per second. Ouais, super, ouais. Ouais, j'y crois. 480 aussi, non? C'est pas lui qui avait dit que la Xbox One X serait compatible VR, hein? Non. Je pense que c'est le même. Screw you. Bon, mais bon, après Microsoft, c'est pas exclu qu'ils arrivent à la prochaine génération aussi. Hein. Je pense pas les oublier. Je pense qu'ils sont de bonne volonté et je pense surtout qu'ils se préparent beaucoup de billes pour la prochaine génération. Il y aura sûrement la VR chez Microsoft, mais peut-être pas tout de suite. Et ils vont ouvrir en plus leur console à tous les casques qui sont déjà sortis, non? Et voilà, et j'ai très peur en fait justement que je sois extrêmement séduit par la proposition de Xbox pour la prochaine génération. Ouais, mais Sony, il a pris une position en VR, Mais tu sais, les positions, leader. Ça change. Les positions, ça leader. Change d'une génération à l'autre. Tu peux être leader dans une génération et être complètement sur la prochaine. Si, si. Pas si, quand si. T'as une base, ils ont des licences, ils ont des bases que Microsoft n'a pas. Microsoft commence à racheter des studios, on est bien d'accord. Ils commencent, on est d'accord. Mais t'as vu comment a terminé la Xbox 360 et la PS3 et t'as vu comment ils ont fini sur cette génération. Non, mais là, on est en 2018. Ouais, non, mais là, on parle de la VR. Enfin, je te parle de la VR. Et le pire, c'est que c'est un truc vraiment émergent, la VR. C'est-à-dire que là, pour le moment, PS4, Sony, ils ont vraiment le monopole du marché. Ok, pas de problème. Tu te rappelles du retournement de situation? Comment ça s'est justement, passé? Justement. Et c'est ce que voilà. Je dis. Ouais. Et oui, mais qui ne dit pas justement que. Ça ne se repassera pas. Avec les casques. Avec les casques qu'il y a sur WMR, justement, dont on est client. Hein. Toi et moi, en plus, on est client. Hein. Toi, t'as un Lenovo, moi, j'ai un HP. Tu vends une Xbox, comment elle s'appelle? C'est la Scarlett, je crois, la prochaine. Qui va être... Anaconda. Anaconda. Oui, Anaconda, oui. Et donc, du coup, qui va être vendu. Et tu peux brancher ton casque WMR dessus et ça fonctionne direct. Que tu vas faire, toi? Qu'est-ce que tu vas faire, Spence? T'as ton casque. Qu'est-ce que tu vas faire, Spence? Est-ce que tu vas retourner sur PSVR2 ou est-ce que tu vas tout simplement faire confiance à tous les rachats de studios? Non, on pourra pas parce que ils vont avoir tout le travail que Sony l'a fait pendant 3 ans là. Bah ouais. Et ouais, dans les dents. Et ça, faut pas l'oublier. Bah ouais, mais Sony. Ils ont commencé depuis 2 ans à racheter les studios, à préparer le terrain. Mais ils ont pris de l'expérience là. Sony. C'est inutile de résister, mon fils. Moi, je pense sincèrement, que Sony, il a ses licences, il a ses studios à eux. Ils sont déjà supérieurs et ils ont déjà beaucoup plus d'expérience que ceux de Microsoft. Ils ont acheté des studios qui préparent des jeux en VR. Et alors, les jeux, ils sont même pas sortis. Je veux dire, bon, d'un moment, voilà. Les trucs, ça se fait 2 ans à l'avance. Et effectivement, je suis d'accord avec toi sur le fait que Sony, ils sont pas cons. Mais Sony, on voit ce qu'ils font depuis 2 ans. Non, mais là, Sony, ils ont vendu combien? On va peut-être atteindre les 4 millions de casques PSVR. Oh là, je vais loin. On était à combien? 3 millions? 3,4. Voilà, 3,5. Bah, dans 6 mois, on va dire peut-être qu'on a 4 millions. Parce que vu les prix agressifs, faut pas croire, mais il y a beaucoup de monde qui en ont pris, là. Et beaucoup plus qu'on le croit, je pense. Les WMR, ils se vendent pas. Enfin, ils se vendent pas très très bien. Les chiffres, moi, je les ai vus, c'est pas ça. Hein. Ça a rien à voir. Hein. C'est pas ceux du PSVR. Hein. Ouais, mais à la limite, Microsoft, ils s'en foutent de pas vendre. C'est pas eux qui produisent, ceux qui ont donné la technologie. C'est vrai. Donc, c'est Lenovo, c'est HP, c'est compagnie qui... Je parle du parc disponible quand la Xbox va sortir. Si t'as 400 000 casques qui sont vendus, et si t'as 3 millions déjà, ou 4 millions de PSVR, ou 5 millions quand la PS5 elle va sortir, bah, la différence, la balle, elle sera du côté de Sony. Si t'as le choix. Entre te prendre un casque justement à 200 euros comme je l'ai eu il y a 2 ans et te prendre un PSVR 2 Ah, je sais pas combien ils vont le vendre, peut-être ah, mais le 300 PSVR2, dans les meilleurs. On soit bien d'accord, quand le PSVR 2 il va sortir, ton WMR il va l'enterrer. Il y aura un gros cap qui sera passé d'ici là. Il faut que tu te le dises. Au niveau WMR, de la résolution. Ils ont plus d'un an, mais au niveau de tout. C'est une technologie, WMR, ça y est. VR, ça va vite. Hein. La technologie, elle évolue super vite. Vous le voyez bien dans les casques. Ouais, mais est-ce que les consommateurs ils sont prêts à évoluer? Ils sont pas prêts à mettre un casque comme ça quand même au final. C'est ça le problème. Hein. Il y a un truc tout simple. J'ai essayé la tombe de Nefertiti sur PC à mon père pendant à Noël. Je l'ai fait essayer. Il m'a dit putain, franchement ça déchire. Au niveau graphisme, ça déchire. Au niveau détail, ça déchire. Il y a un truc qui fait chier, c'est que il y a des câbles. Tout simplement, il y a des câbles et ça fait chier qu'il y ait des câbles en fait qui te tournent autour des jambes et c'est super chiant. C'est le truc et aussi que c'est super lourd sur le crâne. C'est vraiment le truc qu'il va falloir qu'ils travaillent. Mais est-ce qu'ils auront le temps dans un an, dans deux ans pour préparer justement le PSVR 2 ou le WMR 2 pour avoir des hardware plus légers, sans câbles? Est-ce que c'est réaliste, le casque PSVR, il est super léger déjà sur la tête, tu le sens à peine, c'est pas le problème. Puis le câble, il est un peu chiant, c'est vrai. Mais moi, j'espère qu'ils vont pas prendre cette voie-là, hein, parce que c'est pas la bonne voie. Hein. Moi, j'ai pas envie d'avoir un truc sans fil, dégueulasse. Hein. Ah mais c'est clair. Mais léger. Mais non mais. Le PSVR, il est léger. Hein. C'est vachement léger. Hein, ah mais bien sûr que. Plus ça va aller, plus la technologie VR va s'améliorer, plus les casques seront légers, plus le fauve sera important. Mais tout ça va falloir y pallier, ça va prendre des années. Ce qui est un peu anxiogène pour moi, c'est l'ouverture, c'est l'angle. Moi, je veux avoir plus d'angle. Ouais, le fauve, si tu veux. Ouais, je veux avoir plus d'angle de vue. Voilà, c'est exactement ce que je disais, ce dont je parlais. Le fauve, c'est important et c'est sûr et certain. Là, on est à combien? 110 degrés, je crois, sur le PSVR. On sera quand même un petit peu plus, à mon avis, sur la génération d'après. Mmh. Ça va monter au fur et à mesure. Et ça aussi, ça va jouer sur l'immersion, mais ça demande plus de puissance. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que si vous voulez toucher un consommateur, faut jouer sur le prix. Là, vous regardez, je crois que c'est sur HTC qu'ils ont sorti un adaptateur que tu mets sur le casque. Le TP casque qui vaut 200 balles, ouais, c'est ça. Ouais, c'est pour ça que j'espère toujours qu'il y aura un PSVR 2 et un PSVR 2 Pro. Mais on peut parler de l'Oculus Go. Say, tu me disais je vois pas à quoi ça sert. L'Oculus Go, faut savoir que quelque chose d'autonome, sans fil. C'est pas le Quest. Non, le Go qui est sorti. Le Go. On parle de celui d'avant. En fait, si tu veux, le Go. Ça équivaut à la VR portable, enfin de mobile. Ouais. Ouais. Mais avant, ça doit bien marcher ça. Avant, t'avais besoin d'acheter par exemple le Samsung, comment il s'appelle, le Gear, je crois, Samsung Gear, plus un portable qui valait 800 balles. Fallait que t'aies le S8 ou un portable, au moins le S7, je crois, pour faire fonctionner la VR. Là, pour 200 balles, t'as quelque chose d'autonome que tu sors, que tu mets, t'as pas de fil, t'as rien, et hop, t'as l'équivalent dans un casque qui vaut 200 balles. C'est Oculus, donc c'est Facebook qui l'a fait. Pour le porno, c'est l'objet parfait. Enfin, si tu réfléchis, non mais ça on en revient. on en revient toujours à la même chose. Mais c'est vrai. Pour le porno, pour tous les contenus 3D, c'est vraiment quelque chose de bien. Moi, je trouve ça super bien parce que c'est un début de démocratisation. Et t'as pas de manette, truc comme ça. Si t'as juste une manette à une main, je crois. Comme pour la. Ah oui, donc t'as besoin que d'une main en même temps. Ouais. Voilà. Quelque part. Comme ça. mais après, oui, c'est pas la même immersion. Hein. T'as pas c'est pas la même immersion hein, dedans. Hein. C'est pas la même VR, mais je veux dire déjà, c'est un début de démocratisation parce qu'ils veulent faire la même chose. Avec justement l'Oculus, comment ça, Quest. Voilà. Le Quest, voilà. Mais d'un côté, en fait, t'as le côté démocratisation en fait technique et démocratisation user friendly, tu vois. C'est que faut que ce soit le plus simple à mettre sur la gueule et que techniquement derrière, en fait, ça soit au moins au même niveau de qualité que sur un PC haut de gamme. Et là, ouais. on n'y est pas. Là, c'est pas avant 5 ans, c'est pas avant 10 ans, c'est là que c'est compliqué, quoi. Ouais, mais moi, c'est là aussi. Au début, ouais. Des gros jeux qui avaient vachement de capacité, tu savais que t'allais pas pouvoir le faire tourner au top sur un portable. Donc, t'achetais une tour, une méga tour, que tu faisais monter toi-même. C'était chiant, t'avais des câbles partout, les ventilos, machin. Et ben, c'est pareil, la VR au début. On peut pas avoir le top du top sur des lunettes. Donc, c'est. Moi, je suis d'accord avec toi. On est trop friands. Un jour, on aura de la bonne VR sur des petites lunettes fines comme une feuille de papier. Mais t'auras plus de cheveux blancs ni du tout, ça. Merci, espèce d'enfoiré. Donc, je pense qu'il faut mieux se projeter dans les 5 à 10 ans à venir. Moi, c'est comme ça que je me projette. J'ai pas envie de jouer à la VR quand il faudra une canne. Mais c'est vrai, mais donc du coup, on revient toujours au même point, c'est qu'on est des putains de pieds de la VR, c'est qu'on essaye, qu'on soit déçu, qu'on soit complètement optimiste ou quoi que ce soit, en fait, on peut se dire qu'on était vraiment au début de la technologie. C'est-à-dire que là, elle est quand même complètement balbutiante, qu'on essaye de... Ça tâtonne, ça essaie des choses, que ce soit en termes de technique, qu'en termes de gameplay... qu'en termes de quoi que ce soit, en fait, on reste quand même des pionniers. On essaye de voir ce qui va, ce qui va pas. Et c'est quand même super passionnant. On sait ce qu'il faudrait, mais après, ça reste très... Après, tu sais, moi je te dirais, franchement, ça peut exister. Le problème, c'est que derrière, t'as un coût. Tu vas sortir un casque en 8K. J'ai vu qu'il y avait un Kickstarter là-dessus. En 16K, si tu veux. D'accord. Maintenant, si tu sors un casque à 3 ou 4000 balles, qui c'est qui va l'acheter? Après, c'est les pros. Justement, les du pros. Star VR. Mais c'est bien. 3200 balles, le meilleur casque du marché. Ouais, 3200 euros. Et qui l'achète? Est-ce que l'entreprise qui a créé ce casque-là va être rentable? Il est toujours là le problème. Alors, en parlant de cette boîte-là, elle est plus rentable du tout, puisqu'ils sont complètement en train de tout revendre. Liquidation judiciaire. C'est Starbreeze. Alors, c'est Starbreeze, ils sont associés, enfin, je sais pas. Voilà, c'est ceux qui ont fait Payday. Ouais, bah oui. Donc apparemment, ils revendent des studios. Enfin, c'est un peu le bordel chez eux. Mais... Il y a un truc aussi qu'il faut voir, c'est que la VR, en ce moment, se développe vachement dans les expériences de parcs d'attractions, de salles d'arcade. De salles d'arcade, d'escape room, les trucs dans ce genre-là. Où là, par contre, il faut le top du top au niveau des casques, c'est-à-dire qu'apparemment c'est le HTC Vive Pro qui fonctionne très très bien en ce moment-là. Eh ben, c'est comme les salles d'arcade d'antan, hein, finalement. T'avais des meilleurs jeux en salle d'arcade que sur ta console, sur ton PC. Hein. Et là, en réalité virtuelle, on y est à ce niveau-là. C'est-à-dire que là, la technologie est en train de se développer et de se démocratiser aussi en salle d'arcade. Avec de la technologie, en tout cas de pointe, que tu peux aussi t'acheter si tu as vraiment les moyens. Mais le problème, c'est qu'elle est née aussi chez vous, chez moi, chez tout le monde. Et qu'en fait, on n'a pas forcément la même qualité, mais en même temps, pour moi, essayer une version un petit peu améliorée de ce que je peux avoir chez moi me fait un petit peu chier, perso. Je suis pas d'accord. Après, moi, tu vois, ce que je te dirais sur la VR, c'est que. Ça me fait penser un petit peu à la concurrence entre Sega et Nintendo. Pourquoi tu vas acheter un casque VR? Pourquoi tu vas sur PC plutôt que PSVR ou autre? C'est pour toutes les licences que dispose la franchise. Toi, je pense que si Sony d'emblée t'avait sorti, on va dire du Killzone parce que c'est chez eux en VR, si t'avais sorti du Gran Turismo jouable jusqu'à 8 voire 16 en VR, si t'avais sorti du Uncharted en VR ou du Last of Us 2 en VR ou en Kingdom Hearts, c'est plus une exclu, mais je pense que ça aurait fait vendre. Et en fin de compte, ce que attendaient tous les gens, même moi à la base, c'est des grosses licences. Des gros titres, des gros trucs où quand tu le mets, tu dis waouh putain, ça t'arrache la gueule. Et le problème, c'est que c'est pas les gros studios qui m'ont vendu le casque, c'est les petits indépendants. Et ça me fout les boules. Parce que tu vois, c'est des gens qui développent encore, bon, je reparle du Red Matter, qui développent ce genre de jeu, des indés, une branche de qui ont développé des Castlevania quand même, qui sont quand même des vétérans dans le jeu. Je mets le casque et grâce à eux, je me dis waouh, ça défonce. Et toi, je trouve ça dégueulasse. que, et tu vois, tout à l'heure, on parlait un petit peu des casques, des licences, etc. Si demain, Microsoft, il se sort des casques avec du Halo 6, avec du Forza 7, ou avec Gear of War 5, laisse tomber, t'en vends des casques, hein, parce que c'est les licences qui font et qui feront toujours écouler des produits. Il faut les idées de gameplay, et c'est que des licences aussi qui viennent uniquement de l'univers console. C'est que c'est uniquement des licences en fait qui ne viennent pas forcément du grand public. Le grand public, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut des interactions, on va dire un petit peu lambda, des interactions user-friendly, des interactions que tu peux avoir dans les, justement dans des parcs d'attractions ou n'importe quoi. Ils ne veulent pas de licences. Ce que veulent les gens qui viennent des consoles, ce sont des licences. On fait partie d'une minorité et on fait partie d'une toute petite partie en fait des gens qui vont faire développer la VR de façon vraiment publique. Tu es en train de dire qu'on se fait tromper de crèmerie et qu'on pour si on veut vraiment avoir des jeux porno, il faut qu'on aille sur PC. Ah bah oui, carrément. Mais ça c'est un autre sujet, mais bien évidemment mon petit Sillon. Oui, si tu as choisi le PSVR pour faire du porno en VR. Ah moi je veux jouer à Skyrim avec des filles à poil, c'est ça qui m'intéresse. Bah, justement, c'est marrant parce que j'ai vu ce matin. j'ai vu sur Steam ce matin qu'il y avait Splash Beach. Splash Beach. Je me rappelle jamais du titre. Qui est compatible VR. Qui est compatible VR et qui est sur Steam. Et je sais pas si vous voyez ce que c'est un truc avec des petites japonaises et Non, c'est très kawaii. En fait, c'est. Tu mouilles et t'as des pistolets à eau, en fait. T'as des pistolets. En fait, c'est Splatoon, mais avec des petites nénettes en maillot de bain, en mode manga. Tu peux faire des qui font gym, tu les mouilles dans tous les sens. C'est sur PS4, ça. C'est sorti sur PS4, les gars. C'est sorti, mais en plat. En plat, en fait. Oui, en flat, oui. Et apparemment, voilà, il y a un mode VR. J'ai vu ça ce matin sur Steam. En cherchant par hasard, hein, c'était. Oui, par hasard, par hasard, complètement. J'étais en train de regarder les Soul Steam parce que justement, ce que tu disais tout à l'heure, Say, le Crow Team Bundle, 15 boules. Ouais. Donc fonce. Putain, mais Crow Team, c'est ceux qui ont T'en as tous les Serious Sam et Talos Principal pour 15 euros. Ah oui, ah oui, putain, 15 attends. Euros. Donc fonce. Je te Vas-y, le dis. Vas-y, attends. C'est un prix de fou. Hein. Moins 92% au lieu de 180, je crois. 90% de remise. Waouh. Ouais, ça fait mal. Mais les promos sur PSVR, elles sont. Enfin, sur les jeux PSVR, sont bonnes aussi en ce moment. Ouais. Moi, je pense que je vais me prendre Ultra Wings. Je me tâtais depuis longtemps. Ah, 8 euros. Je vois, j'ai envie de planer un peu. Il a l'air bien celui-là. Bien, ta Pirate Flight. Il sera compatible avec un accessoire encore inconnu, hein. Attention. Pirate Flight. Arrête d'essayer de me vendre ce jeu. Tu sais, franchement, moi honnêtement, Pirate Flight, je l'ai eu, je me le suis fait avec du Led Zeppelin dans les oreilles, j'ai pris un pied. Ah oui. Un pied, mais monumental. Eh ben, tu sais que les plus gros morceaux de grâce que j'ai eu sur. C'était GTA San Andreas, c'était sur la BO de Ghost in the Shell. Et pareil, en fait, rien que le fait de mettre une BO différente sur un jeu que t'aimes ouais, bien, un petit peu en mode ouvert, temps, ouais, t'as ouais. des moments de grâce, mais ouais. tu t'en souviendras toute ta vie. Je conseille aussi de faire ça, d'utiliser le lecteur multimédia de la console, mettre génial. Vos morceaux et de jouer c'est à génial. Des jeux, ou de rejouer à des jeux. Ouais. Encore une fois, Farpoint avec des musiques de dingue, c'est très fun. Enfin, ouais, c'est trop il y a plein de choses à faire. Là, je te rejoins complètement au Camille. Hein. Tu redécouvres le jeu. Mais c'est clair. Moi, j'en parlais là. Tout the top que j'ai fait avec mes propres bandes son grâce à Spotify. Oh, mais les gars, mais je me le remets quand vous voulez. C'est un pan du jeu vidéo qu'on n'a jamais vraiment abordé. Justement, la corrélation entre la bande son et le gameplay en fait. Et l'environnement, en fait, que tu es vraiment dedans, justement, d'autant plus sur PSVR, en fait, tu es vraiment complètement dedans. Et justement, le truc qui manque de temps en temps, en fait, c'est la musique. Et certaines personnes conseillent de jouer à des jeux VR, en général d'ailleurs, des jeux d'horreur sans musique. Ou bien à Skyrim VR. Tu joues à Skyrim VR sans musique, parce qu'à chaque fois qu'il y a un ennemi, c'est annoncé par la musique. C'est vrai. Et c'est vrai que ça peut changer un petit peu le gameplay pour l'immersion, et les jumpscares et autres. Après, les musiques de Skyrim sont tellement géniales. Ouais, Jeremy Saul, j'adore. Donc, je sais pas. Ouais, j'interviendrai pas. Je reviens. Ok, encore. Voilà. Enfin, pipi clope. Hein. Ok. Ah, d'accord. On peut dire faire de même. Toi, donc, on va devoir, de mal. On va devoir meubler à deux, alors. C'est pas... Ouais, c'est ça. Ah, non, non, mais c'est bon, les gars, je vous entends. Ouais. Ah, tu pars avec le, ah, ouais. le micro. Putain, sérieux. C'est cheap. Ouais, je coupe rien. Je coupe rien. Ouais, ouais, mais tout à l'heure, on a parlé de toi, ça. Ça. Du coup, les gars, on a parlé du meilleur jeu VR. Le meilleur porno VR pour toi, c'est bon. En direct des chiottes. J'en sais rien. Non, j'ai pas assez testé. Je me prononcerai pas, malheureusement. Mais je pense que ça a un avenir de dingue. Hein. Là-dessus, sur la VR ? Je pense ouais. aussi. Ah, mais c'est même sûr et certain, ça a déjà commencé. Et si ça s'est démocratisé comme ça, c'est clair. Qui n'a pas acheté de VR ou de PSVR et a tapé porno dans la première semaine ? Et ouais. Il y a le côté immersion aussi qui est important. Voilà, c'est du roleplay, quoi. Ouais. D'ailleurs, je pense à ça, là. Vous savez qui est le père de Luke Skywalker ? Ouais, moi je le sais, je l'ai lu ce matin. Ouais, t'as eu la news aujourd'hui ? Ouais. Okay. Tu l'as lu, Sion ? Le père de quoi ? De Luke Skywalker ? Ouais, parce qu'apparemment ils ont publié ça dans un comic. Non, de Anakin Skywalker. Ah ! En fait il a un père. Il a un père. En fait, l'histoire, elle est horrible. Si vous avez vu l'épisode 1, où la nana raconte que, du jour au lendemain, j'étais enceinte. Mais oui. En fait, le truc, c'est horrible. C'est la nana, elle s'est fait violer par un Jedi, ouais. qui après avoir fait la sale affaire, a fait, il s'est rien passé entre nous. Et oui. C'est ça qui s'est passé. Elle s'est fait violer, la fille. Sauf que pendant la grossesse, il s'est servi de sa grossesse pour faire une expérience pour manipuler la force et le côté obscur. Wow. Et attends, on est dans Star Wars, hein. Ouais. Pour donner naissance à Anakin. Ça a donné naissance à Anakin et à Beat Saber aussi, hein. Faut pas l'oublier. Pour revenir dans le thème, tu vois. Pour revenir dans le thème. Je sais que Simon, ça lui fait plaisir. Qu'il a beaucoup de jeux. Il est bon, il est bien. Après, j'ai pas rejoué, moi, depuis un moment. J'ai hâte de tester le mode campagne, qui a l'air cool. C'est quoi, Beat Saber? Ouais. Oh, ouais, le mode campagne, il me fait chier, je vais tout à fait clair. Sérieux? Ah ouais. On te demande de faire le maximum de mouvements parfois. Donc là, c'est rigolo parce que tu fais des grands gestes et il faut mieux être seul quand tu fais ça, sinon c'est hyper ridicule. Mais il y a d'autres niveaux, et là, j'arrive beaucoup moins. On te demande de bouger le moins possible les moves, de faire de moins de mètres possible en bougeant tes moves. Et là, c'est chaud, quoi. Donc moi je préfère vraiment le mode arcade, tu prends ta zik, t'es sûr. Il y a plus de zik, hein. moi au début il y en avait 10. Il y a 18. Toi, là il y en a 18, bon, moi je crois qu'il me semble. Ça démarrait à 16, hein. T'en as une qui est un petit peu en double, c'est un peu la même. T'en as quand même 16, hein, à la base, hein. Si je raconte pas de conneries. Et là ils en rajoutent une, il me semble. Ils en ont rajouté une il y a 3 semaines, un petit peu dans le style Final Fantasy X, je dirais. Ouais, j'y pense. Japonisante. Peut-être bien. One Hope, elle s'appelle. Et ensuite, ils en ont sorti une autre, là, il y a une semaine, tirée de League of Legends. Et gratos, les deux? Ouais, gratos. Ouais, ça casse pas avec... Ah, c'est bon. Ah, c'est toujours un petit oui, peu. Oui, quand c'est gratuit, c'est toujours appréciable. Hein. Parce qu'après, ça va être 10 euros. Faut oublier, elle vaut 30 balles, mais honnêtement, sur PC, c'était 20 euros, je crois. Et t'avais beaucoup moins de contenu, hein. C'était en accès anticipé. T'en avais beaucoup moins. Ouais, mais t'avais pas mal de mods aussi sur Beat Saber, sur PC, qui te permettaient de jouer un peu tout et n'importe quoi. Hein. Après, t'avais beaucoup de mods, attention. Hein. Fallait bricoler, mods, hein. C'était beaucoup de mods, c'était pas des trucs officiels. Après j'ai pas trop suivi, je sais pas trop où ils en sont sur PC, mais jouer à Beat Saber sur Daft Punk, ça doit quand même le faire, hein. Ouais, mettre les ses propres zik, ouais. Je vais m'y remettre là, je pense qu'il est vraiment addictif, hein. Si Bah moi je vais me remettre, tu vas redonner envie à me refaire du Dirt Rally, mais il faut que je réinstalle le volant. Je me suis acheté un câble pour allonger en fait le câble de la caméra, donc ça va être beaucoup plus simple pour moi pour m'installer, parce que c'était un petit peu le problème. Ma table en fait pour installer un volant est un petit peu loin, donc je devrais toujours un petit peu, c'était un petit peu long à installer. Et là, je me suis dit acheter un câble pour rallonger le câble de la caméra. Et donc, ce sera beaucoup plus simple. Ah bon, aussi, que... je compte vraiment me remettre mon volant, là. Parce que l'installation, quand tu as un volant en VR, c'est relou. Hein. C'est important. Il faut vraiment que le volant il soit au même endroit, sinon c'est chelou, quoi. Alors, moi, j'ai une table, tu sais, j'ai le genre de table qui se replie. Je sais pas si vous voyez que tu peux monter, tu peux replier. Et c'est là-dessus, en fait, que j'arrive à fixer mon volant. Et je peux me caler à peu près dans mon canapé, vraiment bien, tu vois. J'arrive à bien me caler. Donc du coup, ça me permet, bon après de pédaler, des fois il glisse un peu. Faudrait que je mette du caoutchouc, mais sinon, franchement, mais il faut le brancher, hein. Ça, faut le sortir, faut le brancher, ça fait un moment. Faut que je me motive, mais là, Dirt Rally m'a donné, j'ai envie. Là. Puis là, Drive Club, je vais faire un petit peu. Je vous dirai ce que j'en ai pensé. Ouais, tu me diras ce que t'en penses. Et je pense aussi à choper GT là. GT Sport, mais parce qu'il y a moyen maintenant de l'avoir pas vraiment pas cher. Ouais, il y avait pas une époque, il était à 10 balles, je crois. Bah, là, il est à 20 euros, j'ai vu, il me semble. Il est pas à 15, 16 ah, il est à 15 balles, 15 balles, ouais. 15 balles 15 ouais. balles, ouais. Je peut-être. Pas sûr et certain, ouais. Franchement, moi, je me suis éclaté, il t'en a 8. Je mettrais pas plus, en fait, c'est ça le truc. Je mettrais pas plus de 15, 10, 15 euros, parce que juste pour jouer tout seul, mais je veux voir ce qu'il donne, en fait. Je veux voir les limites de la PS4 justement sur un jeu de course. J'ai joué déjà un petit peu sur Project Cars 2, je sais pas si vous voyez. Ouais. Il est pas mal, il est vraiment pas mal sur PC celui-là. C'est pour ça que tu risques d'être un peu déçu, je pense, avec Drive Club. Ah, je sais pas, ça fait longtemps que je peux jouer à un jeu de voiture. Et puis il est vachement arcade et tout, tu tapes des gros drifts et tout, je crois, sur celui-là. Ouais. Ouais, mais bon. On parlait de quoi? On parlait encore de Drive Club, figure-toi. Des jeux de caisse, mais d'accord. On est en train de reparler de Drive Club. Voilà. Ça va? Bon. Tout va bien? Ouais, ça va. Un petit pipi, petite clope. Une petite clope. On est bien. T'es rapide quand même. Ouais, c'est bien. Ça va? Ce coup-ci, t'auras 8 heures d'émission à monter. Ah, je vais bien en chier, hein, je pense. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ouais, je viens de voir là. Et y a qui bosse demain, là, d'ailleurs? Ah, moi, je suis en vacances. Pas moi. Moi aussi. Moi, j'ai Papa Simulator demain matin à quoi 7h30. C'est quoi ça? Bah, c'est un truc, tu dois connaître, Camille. Hein. C'est, c'est un jeu, mais c'est pas en VR. C'est dans non, la réalité. C'est pas en VR, c'est en réalité. C'est de la réalité augmentée. Ah ouais, réalité très réelle. Augmentée. Okay, ouais. Non, moi, voilà. C'est en vacances. Et puis, ouais, je tiens à faire une dédicace à KO League. Hein, donc, c'est réel. Hein. En jouant à un jeu là, je me suis fait une fissure du ménisque. Donc je me fais opérer la semaine prochaine, donc j'ai 2 mois d'arrêt. Ça merci Kaoligé. Ah mais c'est c'était pas une connerie. Non c'était pas une connerie, hein. Je me suis bien baisé le genou et je traîne ça depuis avril de cette année. Hein. Wow. T'as fait ça comment, en jouant? Ouais, en jouant, tu vois, avec les esquives à droite à gauche. Putain. Et qui l'a fait ce jeu-là? Ouais, j'ai fait un petit peu. Ah t'étais au dernier boss? Non. Et il est dur, hein. Et c'est un truc de malade. Moi, j'étais au dernier boss, tu bouges dans tous les sens. Forcément, tu tapes dans ton escalier, tu tapes dans tes murs, tu t'exploses les points. Et là, jusqu'au moment où le genou, il fait crack. Et là, wow, tu dis, putain, wow. C'est une blague. Et là, j'ai commencé à faire échographie, radiographie. Ouais, vous avez rien, monsieur. Je passe un IRM, il me dit, ah ouais, bah, finalement, faut vous enlever le ménisque. Ah oh, bah, d'accord. À cause de KO League. À cause de la VR, quoi. Ah, putain, c'est chaud, hein. D'accord. Vous avez vu un petit peu le sacrifice qu'on fait pour vous, un petit peu les auditeurs. C'est un truc de fou. Ouais, on attend toujours le test, hein, d'ailleurs. Non, je rigole. D'ailleurs, bah, maintenant que tu auras le temps, tu pourras un petit peu écrire quelque chose, quoi. Bah ouais, bah, c'est en cours. Ouais. D'accord. Non, on a déjà fait le test. C'est Stéphane qui a fait le test, je crois. Ouais. Bon, en tout cas, c'est bien. Si on parlait un petit peu d'autres choses, les gars, vous avez vu quoi cette année au cinéma? On s'en fout. Ah, on part carrément autre part. Bah, je suis sérieux. Tu me demandes ce que j'ai vu au cinéma, j'ai 4 gamins, quoi. À la limite, t'as à vu la quoi télé, je veux bien, mais au cinéma, non, c'est pas possible. Qu'est-ce que t'as vu en DivX? On va faire striker, on s'en fout. Ça dépend quelle heure. Passé minuit, je vais garder ça pour moi. Ah ouais, d'accord. Non, donc, Cilion, non, non. Cilion, qu'est-ce que t'as à conseiller à Okami 7? Alors, moi, depuis plusieurs années, vraiment des dizaines d'années maintenant, je regarde plus la télé. Et depuis plusieurs années, je ne vais plus au ciné. Parce que, alors le ciné, pourquoi? C'est parce que j'apprécie pas de... en public de voir un film. Parce qu'il y a toujours des gens qui réagissent, tout ça, ça me perturbe. Voilà, donc bon, ouais, voilà, c'est mon côté entre autres. C'est mon côté Kylo Ren. Donc par contre, je bouffe du Blu-ray, hein, et ça j'y vais. Ouais. Et bah écoutez, moi mon effet Star Wars depuis plusieurs années maintenant, c'est le MCU. Et j'ai bien aimé, moi, le dernier Avengers. Voilà, pour moi, ça me fait l'effet Star Wars. En plus, je connaissais plutôt bien les comics. Voilà, j'aime bien le ton. Je trouve que c'est propre, c'est bien filmé, c'est de la qualité, c'est très divertissant. Donc, presque tous les films, à part quelques merdes, comme Iron Man 2, 3, le deuxième Thor, quelques films un peu moyens, Black Panther, il était pas top. Mais voilà, j'aime bien le ton. Surtout le ton que j'aime bien. Thanos. Ah, le méchant, Thanos? Ouais, ouais. Je l'ai beaucoup aimé, moi, perso. Oui. Le héros tragique, un petit peu... Ouais, voilà, c'est pas un méchant pur et dur quelque part. Bon, il est quand même très très violet, quoi. Hein, mais oui, bon, c'est un style graphique. Non, il était encore plus violet dans ses premières apparitions. Et non, mais dans le comics, il a un côté encore plus inquiétant, je trouve. Ah, je l'ai trouvé très humain, moi, dans le dernier film. Avenger, je l'ai beaucoup aimé, moi, justement, avec le côté humaniste, en fait, qu'il avait derrière sa folie, en fait. Ouais, ouais. Et c'est assez rafraîchissant de voir des méchants qui sont pas purement méchants. C'est ça. J'aime bien. Le syndrome, pour moi, ce que j'aime pas, c'est le syndrome dans les méchants, le syndrome Resident Evil 4. Voilà, le méchant qui fait ou Onimusha, toi. Dans les méchants dans Onimusha sur PS2, il faisait je suis méchant, hein, je vais détruire la terre entière. Et voilà, ça a aucun intérêt, en fait. Classe. Ils sont classe, les méchants qui font ça. Mais non, ils sont pas classe, je trouve. Attends, Balthazar dans Resident 4, tu le trouves classe, toi? Attends, Balthazar, c'est lequel, celui-là? Ah oui, c'est pas c'est le nain avec son espèce de nain. Ouais, c'est... Oui, ouais, que t'affrontes à la fin du premier CD. Oui, avec son espèce de chapeau à la con, genre Louis XIV ou Louis XVI, qui ressemble à rien, quoi. Oh, attention, après, on dit souvent que les meilleurs films ou les meilleures œuvres sont ceux qui ont les meilleurs méchants. Et il peut y avoir des purement méchants qui sont très réussis. Hein, Batman 2. Dans des... Batman, ouais. Le défi. Ouais, mais le meilleur. Qui est le méchant? Qui est le vrai méchant dans Batman 2? Et c'est ça le problème. Et c'est ça, ça qui en fait un bon film et un... Est-ce bon que moi je pense que c'est pas celui qu'on croit, hein. C'est plutôt le PDG là, hein, le grand méchant dans l'histoire. Oui, c'est ça. Et le pingouin et Catwoman, pour moi c'est les héros, en fait, hein. Qu'est-ce qu'il est bien, ce film. Pour moi c'est un des meilleurs Batman. Il a mal vieilli, mais il y a des scènes qui sont hallucinantes. Quand le pingouin arrive dans le cimetière, waouh, c'est hallucinant. Non, mais ce film il est ouf. Pour moi c'est un des meilleurs Batman. Ouais. Si ce n'est le meilleur Batman. Moi, j'ai préféré le premier, moi, justement. Bah, je suis un grand fan de Jack Nicholson, mais... J'ai vraiment adoré, moi, le premier. Le 2 est mieux maîtrisé, hein. Et wow, même si j'aime pas trop le pingouin et Catwoman, ils sont super bien, ces personnages. Ouais. Dedans. Ouais. Ouais, Tim Burton, ça, c'était sa grande époque, hein. Et donc, Camille, t'as vu quoi, toi? En Blu-ray, au dernièrement, cinéma. Alors, dernièrement, c'était pas plus tard qu'hier, c'était le film Slenderman. Est-ce que ça. Oui, je l'ai vu. Ouais, est-ce que ça parle aux joueurs PCistes ? Oui, j'y ai joué aussi, et j'ai aussi lu les creepypasta qu'il y avait dessus, enfin, l'origine un petit peu de l'histoire. Cette espèce d'ombre dans la forêt, ouais, avec plusieurs mains, plusieurs bras, un petit peu, on creepy. On sait pas trop d'où il vient, on l'invoque. J'ai trouvé ça assez sympathique, vachement what the fuck, parce que t'as des passages, honnêtement, tu comprends rien entre le délire, la psychose, c'est assez sympathique. Et toi, le film, il dure 1h40, j'ai passé un bon moment dessus. Voilà, si jamais vous avez du temps à passer, je recommande ça à la... Ah, je ne connaissais pas. C'est un bon petit film d'horreur qui passe plutôt bien, en fait. Les acteurs sont plutôt pas mauvais. C'est du snuff movie. Après, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que, si tu veux, pour une fois, on fait une adaptation ou une réinterprétation d'un univers vidéoludique plausible et pas trop déconnant, pas trop dégueulasse. Là, j'ai trouvé ça sympa, quoi. Si on oublie les 15 dernières années de d'horreur réaliste comme qui a initié Blair Witch et tous les trucs un petit peu plus réaliste, un petit peu plus contact, peut-être sur public. J'ai retrouvé un petit peu de ça dans Slenderman. Non, franchement, c'est assez sympa, tu vois. Et puis moi, j'ai surtout trouvé énorme, c'est un petit peu cette frontière entre la folie et la réalité, le présent, le passé, où en fin de compte, on sait plus forcément où on est. Je trouve que c'est assez bien représenté. Ouais. Et toi, Sphinx, ton porno préféré? Alors, mon porno préféré, c'était Slenderman's avec une petite japonaise. Non. C'était Doogie Style là, avec Stoop Dog. Mais c'est vieux ça, Spanx. Ouais, c'est vieux, mais c'est bon quoi. Ça fait 10 ans, Spanx. C'est un classique, il y avait encore des poils à cette époque. Ouais, mais justement, il faut aimer les classiques. Je veux dire, je t'ai pas sorti des vieux porn des années 80 parce que là. Et t'avais le remake français avec Doc Gynéco. Oh putain, sérieux. Sacré Doc Gynéco, franchement. Enfin bref. Alors moi, ces derniers temps, qu'est-ce que c'est ? Enfin moi, alors la dernière fois que je suis allé au cinéma, c'est tellement vieux que je préfère. Si je suis allé voir Interstellar. Oh là, c'était bien l'année dernière. Il est pas terrible. Oh, il y a 2 ans. Sinon, non, c'était il y a 2 ans, je crois. 3 ans. Il y a 4 ans, les gars. Vous savez pourquoi je m'en souviens ? Parce que c'était mon premier rendez-vous galant avec ma meuf, où je lui ai dit, écoute, je vais t'emmener voir un film, je vais t'emmener voir Interstellar. Et au bout d'un quart d'heure, elle s'est endormie. Et après, tu lui as fait 4 gosses, c'est ça ? Applaudissements pour Okami. J'en ai profité pendant qu'elle dormait, les gars. Merci. Enfin, bref, voilà. Donc, bon, le film, je vais pas donner mon avis, bien que je l'ai trouvé pas si mal que ça, mais très long. Voilà, moyen, du coup. Trop long, en fait. Mais... Sinon, qu'est-ce que je regarde ? En ce moment, je regarde une série. Alors, c'est Diablero. Non, c'est bon. Diablero. Du coup, c'est bien, c'est ou pas ? Bof. Pour le moment. C'est quoi le dernier truc bien que t'as vu ? C'est Diablero, mais c'est bof. Non, le dernier truc bien que j'ai vu ? Non, je sais plus. En ce moment, je regarde des séries. Rien de bien terrible. Hateful Eight. Ça fait un petit moment, mais ouais. Ah oui, c'est quoi le dernier truc que t'as vu qui était bien ? Ça, c'était bien ? Ouais, peut-être pas le dernier que j'ai vu qui était bien, mais ça, j'ai aussi. Celui-là, je l'adore, ce film. Bon. Mais pas autant que Inglourious Basterds. Ah, c'était encore avant, ça, en plus. Hein. Ouais, encore avant, mais ça, c'est un... Attends, on a même fait un son là-dessus, hein. Spank, ça faudrait que tu le foutes sur le site, ça. Hein. Oula. Inglourious Funk. Inglourious Funk. Ouais, c'est vrai. Ouais. Franchement, il tue ce morceau. Alors. Ouais. Dernier truc que j'ai vu, moi, c'était pour Noël, et moi c'est tout frais. Pour Noël, on m'a offert en Blu-ray les 3 premières saisons de Viking j'avais déjà vu avant, les 2 premières saisons, et là du coup je me les refais toutes entre Noël et Jour de l'An, je me les refais toutes tous les soirs. C'est que 3 saisons ? que 3 saisons sorties en Blu-ray en France, et la 4ème saison, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va sortir, en tout cas moi je ne sais pas, et puis je verrai quand elle sortira à Cultura, Fnac, Amazon, je ne sais quoi. Et là je me suis refait la première saison en 2 soirées, ça défonce, les décors ils sont magnifiques, les acteurs ils sont parfaits, l'histoire est terrible. Ragnar Lodbrok, il est terrible. C'est un putain de dieu, voilà, on est d'accord. Ouais, mais j'ai vu les deux premières saisons et j'adore. J'adore. Voilà, le... Viking, c'est sur la chaîne History, je ne sais plus quel câble. C'est vraiment génial, quoi. C'est une putain de série. Pour moi, il y a Viking juste au-dessus. Il y a peut-être Game of Thrones. Qui est au-dessus, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Et encore, parce qu'il y a le côté peu réaliste de Game of Thrones avec les conflits en fait que tu ne connais pas de Game of Thrones qui sont un petit peu plus intéressants que ce qui est un petit peu historique. Mais encore au-dessus, t'as, pour moi, au-dessus de Game of Thrones, tu as Six Feet Under. Ah ouais. Six Feet Under, pour moi, c'est une des meilleures séries qui existent au monde. Six Feet Under, ouais, c'est une histoire en fait de croque-mort. Ouais. C'est une histoire de croque-mort, ça dure en 6 saisons, c'est pas très long, 24 épisodes à chaque saison. Et en fait, il y a un côté humain que t'as dedans, un côté intéressant justement sur le monde de la mort en fait, enfin la mort vraiment pratique, hein. C'est très clinique comme approche de la mort. Comédie noire aussi un peu. Hein. Comédie noire, exactement, mais en même temps très humain. Et pour moi, Six Feet Under, pour moi, c'est une des meilleures séries qui existent. En plus, la bande son, elle est vraiment terrible. Et juste au-dessus, t'as Profit. Il y a toujours un truc au-dessus. Quoi ? Ouais, au-dessus, au number one pour moi, t'as Profit, qui a été annulé avant la fin de la première saison. Et c'est une série sur. Bon, tu vois Dexter ? Ouais. C'est un psychopathe, hein ? Ouais. Ouais, bah au-dessus de Dexter, en maître ultime, en maître Sith ultime, t'as Jim Profit. Non, t'as Jim Profit. Au-dessus d'Hannibal, t'as Jim Profit. Et Jim Profit. Donc la série s'appelle Profit. Elle s'est arrêtée au bout du sixième épisode, je crois, en France, au bout du neuvième aux États-Unis. Elle n'a même pas terminé sa première série. En fait, c'est House of Cards. Vous voyez un petit peu le délire. C'est-à-dire c'est de la manipulation malsaine. Sauf que là, c'est encore pire. C'est avec Adrien Pasdar. Et pour moi, cette série-là, c'est... Ok. Vas-y, rebondis là-dessus. Je voulais dire rien. Non, c'est bien. Bah, je regarderai, je chercherai. Vraiment, je ne connais pas cette série. Moi, j'ai bien aimé Hannibal, là, j'en ai parlé vite fait tout à l'heure. Hannibal, qui était une très bonne série. Un peu lente. Ouais, j'ai pas accroché. Un peu lente, mais avec un super acteur. Franchement, l'acteur, il est vraiment bon. Ouais. Il y a quelques scènes. Justement, une lenteur, mais t'as quand même quelques fulgurances dans les dialogues et dans certaines scènes. Franchement, il est vraiment bon. Elle est vraiment bonne, cette série, je trouve. Enfin bon, c'est qui m'avait bien marqué. Et Laurence Fishburne, qui est bon dedans aussi. Ah oui, ouais. Il est très bon aussi. Ouais. Bon les gars, est-ce que vous avez passé de bonnes fêtes, en tout cas de Noël? bien mangé, des petits cadeaux. Vous avez pas trop bien. Mais j'ai pas si, trop compris si. Par contre. Bah, moi c'est surtout le foie là qui fait la gueule. Pareil. Encore plus ce soir avec tout ce qu'on est en train de se mettre là. Moi je suis bourré là. On en mais a quoi 3 heures de podcast là. Bah ouais, je bosse. On va aller bourrer au boulot, c'est pas grave. Hein. T'en chies un petit peu ou pas? Ouais, ça va. Avec après une bonne nuit de sommeil, ça va le faire. Pas de problème. Et qui bosse du coup là tout à l'heure? J'ai même pas entendu. Il y en a un qui bosse, non? De moi. Non, je crois que t'es le seul. je suis le seul con qui bosse, c'est ça? T'es le seul con, ouais. Moi, pour conclure l'émission, ce que j'aimerais faire surtout sur l'année 2018, c'est remercier tous ceux qui nous ont soutenus et notamment les membres Tipeee. Alors, j'aimerais remercier personnellement au nom de l'équipe VR Player Philippe C. J'aimerais remercier Nathan, également Alex VR. On a aussi X Predator 974 X Oursic, notre cher Yata Emato, également Orgienne. On a notre tipeur Jérémy, on a également Thomas Bill alias Bob Toxic, Azura VR, un grand bisou à toi. Et pour terminer, Greg, qui nous soutiennent via Tipeee et qui sont aujourd'hui des piliers qui nous aident à avancer et nous améliorer sur notre chaîne, que ce soit YouTube ou Internet et également Facebook. Exact. Big up, grand, les gars. Grand merci à vous. On vous fait un gros bisou. Ouais, et qui sont Tipeee, mais qui like, qui commentent, qui participent. Et ouais, c'est aussi ça le principal. Bah ouais. Merci et qui participe à la vie un petit peu de VR4Player. Vous faites un petit peu partie de l'équipe quand même, parce que sans vous, bah, on aurait du mal un petit peu à avancer. Donc, bah, merci les gars. Exactement. On vous aime. Exactement. Un petit peu les mecs là qui te disent quand tu fais de la merde, qui te disent oh là là, je trouve que t'as pas été top sur telle émission ou tel sujet ou autre. Donc les gars, continuez comme ça, vous êtes vraiment au top. Yes. Et puis on va continuer un petit peu les concours spécialement pour vous aussi parce que vous êtes la base tout simplement, vous êtes le l'humus qui permet de faire pousser un petit peu VR4Player, donc merci les gros. Et il y a Borderlands à gagner, non, en ce moment il y a Borderlands à gagner. Bien sûr, et ce qui est encore plus génial, c'est que non seulement on a un concours tipeur pour gagner Borderlands, mais en plus il y aura un concours exclusif ouvert à tous, dont les tipeurs qui pourront rebénéficier de ce concours-là, donc gagner Borderlands deux fois. Ouais. Oh, disons. Bon, il y a quand même énormément plus de chances, en étant tipeur, de gagner Borderlands 2 VR. Hein. C'est clair. Alors, en plus, effectivement, parce que là, bon, on est sur le podcast, qu'on est transparent entre nous, c'est pas compliqué. Sur les deepers, ils sont transparents dans la mesure où ils disent, bah écoutez, il y a Borderlands à gagner. Moi, je l'ai, donc on est 12. Ce que je fais, c'est que moi, je ne participe pas dans la mesure où j'ai déjà le jeu. Je laisse ma chance à un autre. Donc, en fait, ouais. Bah voilà, au lieu d'être 12, bah t'as une chance sur 4, voire une chance sur 5 de gagner Borderlands. Ah, c'est cool. Et là, du coup, c'est qui? C'est Philippe, je crois, que j'ai vu sur Facebook, qui a dit qu'il avait déjà le jeu et qui passerait son tour dans tous les cas. C'est ça, on a Philippe, on ça, a Azura. Ça, c'est super sympa, ça. Merci à toi. Bien sûr, on a aussi Azura qui était en off, qu'il avait déjà le jeu, donc il participait pas. Donc, voilà, merci à eux. Ah, c'est sympa parce que, ouais, c'est très sympa. Ah, ouais. Et il y aura de plus en plus de concours pour les tipeurs en 2019. Exactement. Restez connectés. Et d'ailleurs, j'en profite aussi pour passer. Voilà, on est sur de nouvelles idées, nouveaux projets, etc. On sollicite énormément les tipeurs. Moi, je sais que dernièrement, j'étais sur des montages vidéo, etc. Je sollicitais un petit peu les tipeurs pour savoir quelle direction je prenais, si c'était bon, si c'était pas bon, etc. Ils ont tous été actifs dans la mise en avant de projets. Et grâce à eux, on arrive à avancer et à soumettre de nouvelles idées qui, j'espère, en 2019, portera ses fruits ou non. Et donc, ils t'ont plutôt conseillé un fond vert plutôt qu'un fond rose, c'est ça? Exactement. C'est vrai qu'entre le bleu, le jaune et le violet, je savais plus quoi choisir. Bah, merci à vous en tout cas, les gars. Merci de participer. Merci les tipeurs. Merci les viewers. Merci les auditeurs. Merci surtout les auditeurs de Tour d'un VR. Vous participez aussi un petit peu à la vie de à la vie du site, à la vie. Vas-y, Spanx. Sillon. Non, je voulais comme toi continuer en disant que merci à tous ceux qui vont dans le sens de la VR, qui font la promotion de la VR. Je voulais faire un. On n'avait eu jamais l'occasion de le faire ouvertement, donc je voulais remercier quelqu'un qui est quand même assez connu, c'est Julien Chiez, qui nous a cité, alors qu'il n'en avait absolument pas l'obligation. Il aurait pu très bien parler de cette news sans citer VR4Player.fr. C'était par rapport à la déclaration de de Yoshida sur le fait qu'il y aurait plus de jeux qui seraient plus longs et plus qui proposaient plus de gameplay sur PSVR. Mmh. Il a cité VR 4 Player, donc rien que pour ça, merci, parce que encore une fois, il en avait aucune obligation. Et c'est quelqu'un, Julien Chiez, bien sûr, c'est un YouTuber très très connu, mais qui aime beaucoup la VR et voilà, je pense que c'est important d'avoir des personnes entre guillemets influentes, bien finies aussi. Hein, il a des idées claires, il a une bonne analyse du marché. Et c'est... Il vient pas de nulle part. Voilà, donc voilà, tout simplement merci. Même voilà, ça vaut ce que ça vaut. Il nous écoutera sans doute pas, mais on le remercie en tout cas très très sincèrement, très cordialement. Voilà. Bah moi, je tiens à remercier Cyril, Laurent, pour leur confiance, Sion, et puis tout le reste de l'équipe, Seb, bah, Sei, et Okami. Bisous. Oh, voilà. T'es un amour. Et puis, je redis bienvenue aux deux nouveaux. Je l'avais déjà dit dans un podcast, enfin, qui sont arrivés un tout petit peu après, à savoir Flo, enfin, Okami et... Et tu vas me faire chialer. Et Seb. Et Seb, qui sont deux bonnes personnes, franchement, de confiance, qui nous ont rejoints. Carrément, ouais. Qui nous donnent envie d'avancer, parce qu'ils ont, ils en veulent chacun à leur façon. On a un petit comique et un comment dire. Comment te définir, Okami? Putain, vas-y. Putain. Comme t'es un pote, mec. Okami, il en veut, il est à fond. Oui, oh, vas-y, en train de nous motiver. Tu vas devenir un Sébastien aussi, il en veut. Hein. Sébastien aussi, il en veut. Hein. Et Seb, il en veut aussi, mais à sa façon. Donc, Camille, il en veut grave. Donc, voilà. Ah, putain, tu deviens mon meilleur ami, je pense. Mais je savais. C'est cool. Donc, voilà. Merci à vous. Et merci surtout à Laurent, parce que c'est vrai, si on l'a dit beaucoup, beaucoup plus tôt dans cette émission. C'est quelqu'un à qui on peut faire confiance, ça il l'a dit aussi, enfin moi je trouve c'est un génie, il est très créatif, il apporte beaucoup de choses, il passe beaucoup de son temps sur le site, faut le savoir, hein, il passe énormément de temps, on se rend pas compte parce que c'est lui qui gère toute l'interface du site, vraiment l'administration du site en lui-même, c'est lui. Boss. C'est le boss, il fait beaucoup de choses à côté, il a son boulot à côté, sa famille à côté, et il passe énormément de temps sur le site. On s'en rend pas compte, mais beaucoup plus de temps que nous tous, je pense. Quoique certains acharnés, ils passent beaucoup de temps aussi, je pense à Sion, et même Cyril d'ailleurs. Cyril qui passe, voilà, les trois plus anciens, on va dire, voilà, passent beaucoup de temps dessus. Merci à toi Sion, d'ailleurs, vu que t'es là. À la tienne. je te rejoins. Il faut effectivement rendre à César ce qu'il y a à César. Et c'est surtout Laurent. Hein, c'est lui le papa. C'est le papa. Cyril, c'est la maman. Moi, je suis quoi là? Toi, t'es l'espèce de projet avorté. Je ne sais pas. Chez l'avorton adopté. Moi, je te cherche hein, beaucoup, Silon, mais tu sais que je t'aime beaucoup. Et justement, j'aime bien te chercher parce que justement, je t'aime bien. Je sais que t'as une bonne réaction en général. Donc, Oui, et en général, mes meilleurs amis étaient mes plus grands ennemis au début. Donc, c'est ça. Donc, j'espère être ton meilleur ennemi. C'est ça. Bon, en tout cas, merci les gars, merci les auditeurs. Un énorme big up à toute l'équipe de VR 4 Player. On est tous à vous remercier de nous avoir donné l'opportunité en fait de nous exprimer sur la VR, sur une passion, un truc qui nous prend certes beaucoup de temps, mais aussi qui nous passionne. Donc merci beaucoup. On vous fait de gros bisous. On espère que vous allez passer de très très bonnes fêtes, une très bonne année 2019, et puis à bientôt. Vive la VR. Bonne année à tous et passez tous de bonnes fêtes. Yes, bonne année à 2019 et puis bisous bisous tout le monde. Sillon. Non, je veux juste dire merci à Sei parce que je sais que tu vas prendre du temps à faire le montage. Je vais en chier, mais on s'en fout. Et ouais, bonne année à vous tous. C'est le tour très bientôt maintenant. Et plein de surprises l'année prochaine sur le site. À bientôt. Quelle voix suave. Bisous. Vas-y, je fais le petit bruitage. Bonjour, ici c'est Sei pour la nouvelle édition de Autour d'un verre. Yeah. Voilà, comme ça. Et là, tu perds 10 auditeurs. Ouais, ça, toi, c'est bon. Ça, c'est, toi, c'est bon, putain, tu vas te retrouver. Putain, que c'est trop bien. Tu vas te retrouver dans le bêtisier en fin d'émission, toi, donc ça, c'est bon. Ça me saoule, c'est Noël, les personnes ne viennent me faire de cadeaux à part les reines dans leur étable. Mais faut nettoyer leur gros lot, je suis encore seul à Noël comme d'hab. Le crazy horse à la télé, dire que je bosse comme une mère pour ces macs de Toys R Us toute l'année. Je suis toujours le bon con qui sait pas refuser, celui qui a pas de RTT. Je dis oui à tout le monde et après, c'est toujours moi qui m'offre quand je pense que j'avais même apporté des cadeaux au petit Adolphe. Mais j'étais quand même prudent, je n'ai pas passé par la cheminée. Ouais, c'est moi le Père Noël, en mode allez tous vous faire foutre. Je viens de faire une petite roulette russe et à deux reines qui sont à plus. On va vers le Nord, plus vive son crâne déprimé, les pilotes au pôle Nord. T'imagines bien qu'on passe pas trop entre les gouttes. Maintenant y'a que des jeux vidéo à la base, c'est pas mon métier. À 300 ans se mettre à l'informatique, t'imagines pas comme ça me fait chier. Ma tournée est finie encore, une année de merde à poireauter. Je vais aller me couper du bois, de l'exomile et je vais me pioter. Je sais pas quel con qui a dit aux enfants qu'il fallait surtout pas qu'ils me voient. On dit que leur sourire c'est la plus belle chose au monde, mais moi je le saurais pas. J'ai préparé tous les jouets, voilà, il me reste qu'à attendre. J'irai bien faire un petit tour, mais bon, j'habite en Groenland. Ouais, c'est moi le Père Noël, en mode allez tous vous faire mettre. Je viens de faire une petite roulette russe, tapis la pote des trous de boulettes. Plus on va vers le Nord, plus ils sont graves, graves déprimés les bilotes. Au pôle Nord, t'imagines pas la Zermie, le total burnout. Et les grelots, on peut les arrêter, parce que j'en peux plus toute l'année. En plus avec la tease et les médocs, je les ai en 5 points, je vais gerber. Vos gueules les nains, vous ferez moins les malins quand je vous aurai délocalisé. Bon bah ça va pas être long. Au moins ça c'est pratique, je me sens si seul, je vais peut-être me relire la lettre du petit Michael. Peut-être je pourrais passer le voir pour son dernier Noël. Ouais, c'est moi le Père Noël, en mode laissez-moi crever. Je viens de faire une petite roulette russe, y'a un lutin qui a pas gagné. Plus on va vers le Nord, plus il finit suspendu les pilotes. Au pôle Nord, t'imagines bien que pour tenir, il me reste que le shoot.